Merci, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à écouter l'émission, donc ça fait vraiment plaisir. Vraiment, merci à tous, hein. C'est fini pour ce soir. On essaie de rappeler Eva, mais on n'arrive pas à la voir, là. Ça sonne dans le vide. C'est dommage, j'aurais bien aimé savoir si... Elle avait accouché d'un monsieur patate ou pas. C'est ça. Je vais juste dire que Christian de Cannes, qui m'écoute, arrête de m'appeler pendant l'émission parce que je ne peux pas t'en répondre. Mais je te salue, Christian de Cannes. Voilà, et eh ben écoute. Moi, j'aimerais parler à mon cuisinier. Non, mais attends, il n'arrête pas d'appeler. Il continue à appeler. Je peux pas te parler. Dédicace perso. Je sais pas, Mickaël, tu veux peut-être saluer quelqu'un, un pote à toi, de la famille. Moi, je ne salue que Jérôme. Ah, Jérôme, c'est qui? Jérôme F. Oui, c'est le boss de Karima, là, apparemment. Non, mais j'en ai plusieurs de boss. Non, mais pas encore. Ah, donc c'est lui que tu voudrais te taper, c'est ça? Non! Non! Ah, pardon, j'ai rien compris alors, pardon. Moi, j'avais vu des signes, tout ça, j'ai compris ça, autant pour donc moi. T'as une relation particulière avec le boss, c'est ça que tu veux dire? Bah, moi pas, mais je le salue, parce qu'en plus de masse sur les sondages, bon, après, il y a. On t'embrasse très fort, mais on sera renouvelé. C'est à l'escu, en fait. Ah, mais t'as raison, il a tout compris. Mais complètement, hein. Qu'on l'ait tous, hein, pas toi. Bien sûr. Non, j'ai pas besoin, moi. Il sait qui signe les chèques. Hein. Bah, t'as raison, exactement. D'ailleurs, Claude qui signe les chèques également. On t'embrasse fort, Claude. On t'embrasse quel également. Quel bel homme. Voilà, quel oh là là, magnifique. Deux beaux hommes. Hein. C'est... Nos patrons sont vraiment merveilleux. Magnifique. Tout à fait. Bon. Oh, les fous culs. Oh, bah, complètement, c'est bien. Nous, il n'y a pas de problème. Hein, moi, et juste, pardon, si elle nous écoute, Eva, on t'embrasse très fort et on espère que tout va bien. Oui, alors, c'en est où la patate? Bah, on ne sait pas. Elle répond plus. Non, mais faut l'aider. On pense qu'elle est en train de la sortir. Tu peux l'aider à pousser. Accouchement, si tu veux. Éventuellement, elle était dans quelle ville? À Paris. Bah attends, il va y aller, moi j'y vais direct. Je vais aller spéléo direct, hein, je descends en rappel. Il non, a mais un casque. faut la faire pousser. Ah merde, parce que sinon il a un casque avec une petite lumière et tout. Hein. Bon, il y va, il au on vous donnera bon, des bah, nouvelles demain. Ouais, on vous donnera demain, des nouvelles. Bon, bah, avec plaisir, parfait. Bah, bonne soirée. On mangera de la purée tous ensemble. Bisous, bonne émission. Merci beaucoup. On vous enfile la patate chaude. Avec plaisir. Bon, allez, c'est parti. On est là. Ciao, on est là jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. 23h, 2h. Fuck! Mickaël, nos limites. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est reparti pour une nouvelle émission. Mickaël, nos limites, comme tous les soirs. Du lundi au jeudi, on est ensemble de 23h à 2h. Le dimanche, comme hier soir, on était là de 20h à minuit. Continuez à le dire autour de vous d'ailleurs, hein, qu'il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Continuez à en parler à vos potes. Continuez à en parler à la famille. Continuez à en parler à tout le monde. Il se passe un truc le soir. C'est sur Fun Radio que ça se passe, dimanche 20h minuit, la semaine 23h, 2h du mat, comme bah, notre ami Adrien qui est avec nous maintenant là. Salut Adrien. Salut, salut. Comment ça va? Bon, ça va. Depuis quand t'écoutes l'émission toi, dis-moi Adrien? Moi, ça fait... tu en rends, au début j'écoutais avec Karel, donc ça date. Ah après, oui, bon, t'as toujours... T'as été fidèle à Fun quoi? Bah oui, depuis... Oh bah très bien. Bon bah écoute, c'est parfait alors, très bien. Bah, sois le bienvenu Adrien. Bon alors Adrien, t'as passé une bonne journée? Bah super, ouais, nickel. Ah. Alors attention pour ceux qui écoutent l'émission, est-ce que tu connais Jean-Pierre Sauzère? Un grand chanteur. Non, du tout, non. Ah bon bah c'est un grand chanteur qui passe souvent dans l'émission. Eh bien il a fait une vidéo teasing, comme on appelle ça, une vidéo promotion. puisqu'on sera le 7, ce ouais. sera le 7 février, pardon. On sera à Well Patio à Compiègne en Picardie. Et vous allez voir, il a fait une vidéo qui donne, putain, qui donne, c'est un truc de fou, ça donne envie grave. Donc je vous la mettrai sur le Facebook tout à l'heure, sans problème. Adrien, on parlera de quoi avec toi, dis-moi? Bah d'un souci avec des nanas qui viennent me parler et qui sont dégueulasses quoi, c'est un vrai cauchemar quoi. Ah oui, t'as le même problème que Toff toi alors? Ouais, bah je pense que oui, c'est presque, ouais, ça peut être pareil. Moi c'est pas un problème, je le vis très bien, hein, parce que bon, y a qu'elles qui veulent bien me parler, donc... C'est ça, toi t'as pas trop le choix en fait, tu fais avec ce que t'as quoi. On fait ce qu'on peut dans mon cas. Bah qu'est-ce que tu veux, c'est clair. Et puis surtout je me dis que si je n'étais pas là, elle n'aurait personne et donc... Arrête de te la raconter, bouffon. Complètement, ouais, complètement. Bon, alors Adrien, bah, reste avec nous, vous aussi si vous avez comme Adrien... En gros, concrètement, ton problème Adrien, c'est qu'il y a que des filles, ce que tu appelles des filles moches, en tout cas pas à ton goût, qui viennent te draguer. Voilà, c'est ça. Enfin, bon. Des filles qui sont dégueulasses de peau, enfin qui ont une qui sont vraiment dégueulasses quoi. Mais parce que attends, on va vérifier à quoi ils ressemblent parce que c'est un peu comme Toff quand il fait les chiffres et les lettres, genre tu mesures combien, quel tour de poitrine et qui après se permet de dire c'est pas terrible. Ouais, alors que quand on voit sa gueule, il y a un moment, on peut pas se permettre des choses comme ça. On ne peut pas. Mais si, c'est parce que je sais la vérité. Bon Adrien, reste avec nous, dites-nous les autres, est-ce que vous êtes déjà sorti? Alors c'est peut-être méchant mais on n'est pas obligé de donner le nom. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec un garçon ou une fille? Vous avez mis très très très fort probablement, mais que vous trouviez vraiment pas beau. ou pas belle. Venez, appelez-nous, je voudrais vraiment le savoir. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et donc si comme Adrien vous voulez passer l'antenne, venez, appelez-nous, hein, 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0, vous tomberez sur la charmante et belle Sandro. On m'a dit que les compliments n'engageaient à rien, donc Exactement, bah, et tu as bien raison. Voilà, c'est ça. Complimente-moi. Donc, petit exemple, quand vous avez Sandro au téléphone en l'occurrence. Tu mets pas le téléphone ? Oh, t'es relou. Bah non. Voilà. Téléphone maison. Hop, ça sonne. Non, tu veux la vraie sonnerie ? T'es relou. Bah oui. Voilà, ça sonne. Voilà. Et il y a personne qui décroche dans cette radio de merde. Oui, on décroche pas tout de suite, on laisse un peu de suspense. Voilà. Parce qu'on sait qu'ils sont angoissés d'appeler les gens. Bon bah alors, vas-y. Bon bah tu décroches, Dexter. Ah, voilà. Et donc du coup vous restez dans le vide. Non mais sérieusement, ils sont deux, il y a bien des deux qui peut décrocher, hein. Donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Le grand, le beau, le sexe symbole Tof est là aussi. Oh, oui. Bon, on va arrêter les conneries. Non, on va arrêter les conneries parce que ça va quand même être flagrant que c'est pas crédible sur toi. Ah merde. Bon, et comme la vérité sort comme la vérité sort toujours de la bouche des amis de Tof. Oh, je vais te crever la tête de ma mère, je vais te crever. Je vais te renculer. Voilà, ça va beaucoup mieux comme ça, hein. Ah oui, c'est, ouais, c'est, je pas, pense c'est que moins... c'est vachement, bah, vachement plus crédible. J'aimais mieux la première. J'imagine. Bon, et Polo est là également aussi. Impatient de voir son rêve d'enfant, enfin se réaliser. Demain, le studio sera transformé en club de strip. Avec Morgane. Morgane, ouais. Morgane, la gogo danseuse. On a commandé une barre de pool dance qui sera installée demain dans la journée. Les services généraux ont validé. Ah ouais, Déborah, ça a été validé. Déborah, autant pour moi. Les services généraux, j'étais très surpris de voir un mail disant les services généraux sont d'accord. J'ai quoi ? Je croyais qu'il allait faire une enfume, c'est en disant non, on va pas le faire, arriver avec la barre de pool dance en pleine nuit, l'installer nous-mêmes. Ils vont tous débarquer. Ils vont tous faire des heures sup. Ah bah ouais. D'ailleurs, le sous-chef Pedro sera certainement là derrière la vitre. Comme par hasard. Donc voilà, demain, soirée spéciale pool dance. Club de strip. Les deux endroits que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire la radio et les boîtes de strip. Ça va vite te calmer puisque demain, donc Déborah va donner certainement un cours à Tof et il fera également un petit cours de pool dance. Mais bien sûr, je vais aller acheter mon petit short en latex. Quelle horreur. Quelle angoisse. Et mon petit treillis pour ma part. Ah, ça va être juste beau, magnifique. Bon, on aura du son aussi ce soir avec le son d'Eminem. Eminem, Rihanna de Monster. Je vous calerai aussi le nouveau son d'Avicii avec Addicted to You. Il y aura aussi le son de Demi Lovato, Neon Live. Et puis un son que vous avez découvert sur Fun Radio avant tout le monde, Shakira, Rihanna. Le nouveau Shakira et Rihanna, vous avez découvert cet après-midi sur Fun. Eh ben, on va vous le remettre tout à l'heure avec grand plaisir. Si d'ailleurs vous voulez écouter des sons en particulier, n'hésitez pas comme d'habitude. Hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. On a cartonné hier soir sur le Twitter. Vous avez été très nombreux à découvrir le Twitter et puis à venir sur le compte. Donc merci beaucoup. Je rappelle que si vous voulez m'ajouter, vous tapez Mickaël _ officiel. On est plus de 23 000 sur le Twitter de l'émission. Donc on vous attend évidemment. Ça se passe donc sur Mickaël _ officiel pour m'ajouter. Stéphanie qui dit ma seule histoire sérieuse était avec un moche. Il ressemblait à Shrek. Ah, t'es sorti avec Tof, Stéphanie, ouais, déjà, je sais pas. C'est pour ça qu'elle le kiffe comme ça. Dédé qui dit j'ai une fille qui voulait sortir avec moi en troisième, mais c'est juste un ton, donc ça l'a pas fait du tout. Lucas ou Renaud, je sais pas, c'est Renaud Lucas, donc je sais pas lequel est le nom de famille. Bonsoir, c'est vrai, Tof est vraiment moche. Et Alexandre qui dit à mon lycée, il y a un mec qui a dit la même chose, comme quoi ça sert à rien. Et Alexou qui dit en tout cas, moi je remets l'émission d'or à Mickaël No Limit car ils sont géniaux et je les adore. Oh, merci. C'est vrai que le ballon d'or a été remis à Cristiano Ronaldo tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas suivi. Bon, en même temps, si vous n'êtes pas au courant, si vous avez fait exprès, parce que tout est sur Facebook, Twitter, à la télé, on n'a parlé que de ça. Il y a des gens qui vivent dans des grottes, tu sais. On sait vrai qu'on sait jamais, ça peut arriver, c'est vrai. Bon, et comme on parlait de Twitter, pour réagir à l'émission, vous pouvez le faire via le hashtag Mickaël sur le Twitter, comme je le disais. On continue à faire aussi le top tweetos à la fin de l'émission. Pour y participer, c'est super simple. Il suffit d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pendant l'émission. Hier soir, on a battu, donc, comme je le disais, le record. Et donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde tous les soirs, de plus en plus nombreux, à envoyer des messages sur le Facebook également. Vous êtes de plus en plus nombreux. Facebook.com/Mickaël officiel. Je vous ai mis la photo de François Hollande qui s'est fait ravager la tête par Valérie. Oui, bah c'est pour ça qu'elle est à l'hôpital. Hein, ah bah elle est à l'hôpital, elle s'est blessée aux mains. Vous allez voir la photo, c'est quand même assez violent. Hein. C'est dur hein, psychologiquement. Ouais, là, quand on voit là le pauvre, ça fait mal, ça c'est clair. Bon, on va récupérer Adrien dans un instant et puis on va se faire la colle également là maintenant. La colle, c'est avec Damien. Salut Damien. Salut les gars, salut. Ça va ? Comment ça va ? tranquille. Tant mieux, bienvenue à toi Damien. Alors, petite colle pour gagner un petit iPhone, iPad, pardon, l'iPad mini. Plutôt sympathique, c'est le mini, mais t'inquiète pas, il marche aussi bien que l'autre, hein, je peux te le dire. iPad mini à gagner, pour ça, il faut que tu balances la colle et que, bah, surtout, soit personne décroche pour donner la réponse, soit personne ne trouve la bonne réponse. Vas-y toujours. Alors, mon premier est de l'argent, et mon deuxième est le contraire de pleurs. Qui suis-je ? Mon premier est de l'argent et mon deuxième est le contraire de pleurs, c'est ça ? C'est ça. Qui suis-je ? Bon, bah si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer, vous envoyez M-I-K-L, espace la réponse, vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique et vous pouvez bien sûr aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L officiel. Voilà, vous allez voir, j'ai mis plein de posts aujourd'hui, dont un qui m'a fait marrer, le téléphone de ma petite sœur à 6 ans et le téléphone que j'avais à 6 ans. Allez voir, c'est... Sandro, tu t'avais la même toi, non ? Les grosses machines à laver là ? Mais non, les deux téléphones là, là. Là. Regarde. C'est un jouet pour enfants. Un jouet là, le téléphone. Mais si, le téléphone avec les yeux. Ans, avec les yeux. Et quand tu le faisais bouger, t'avais les yeux qui allaient en haut, en bas. C'est mais énorme. Oui, c'est énorme. C'est ça. Bon, allez voir facebook.com/MickaëlOfficiel. Je viens de vous mettre le post avec bah, la colle à découvrir ce soir. Et donc, vous pouvez comme ça la lire. C'est peut-être plus facile pour tout le monde. Damien, on te récupère avant minuit puisqu'on donnera la réponse avant minuit. On saura qui repartira avec l'iPad mini, d'accord ? Et ça marche, pas de soucis. Allez, à tout à l'heure, Damien. Reste avec nous. Restez tous avec nous. On est au cœur d'une heure sans pub, d'ailleurs, actuellement. C'est plutôt une bonne nouvelle. On aura aussi le chéri, je peux te faire cocu tout à l'heure. Hein, si vous voulez jouer avec nous, chéri, je peux te faire cocu. Et oui, il y a Nintendo Wii U à gagner ce soir. Et il faut piéger votre copain ou votre copine. On l'appelle ensemble. Et puis, bah, vous allez lui faire croire tout simplement que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que vous avez décidé, enfin, que cette personne vous a proposé de coucher avec vous juste une seule fois, one shot. Et que, bah, vous êtes d'accord, mais que vous êtes plutôt gentleman ou plutôt une meuf cool. Et donc, vous demandez l'avis de votre partenaire. Et c'est là que, bah, en général, ça part en couille. Donc, si vous voulez jouer avec nous, et que c'est le drame, si vous voulez jouer avec nous, une Nintendo Wii U à gagner avec le jeu Mario, eh ben vous appelez Sandro maintenant, 01 42 48 5000. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, Adrien. Oui. On va se mettre le son de Zid avec Ali Williams pour Stay the Night. Et juste après, on va reparler avec toi. Adrien qui se fait draguer que par des tons et ça le perturbe un petit peu, quoi. Mais t'es déjà sorti avec une meuf que tu kiffais ? Physiquement, je parle. Moche, non. Ah, mais belle, oui. Ah, bon, bah, c'est déjà ça. Alors. C'est déjà ça. Bon, bah, Julien, reste avec nous. Il y a Julien qui dit : j'ai bien aimé la comparaison entre les téléphones. Bah, oui, mais c'est énorme. Allez voir. Coucou la team, c'est Euskal qui avait envoyé le message et Dédé qui dit : le jour où Toff est un sexe symbole, Mickaël sera le roi du pétrole. Eh ben, vite qu'il soit sexe symbole, alors. Hein. Allez, Zid maintenant. Et allez, William, sur Fun Radio, Stay the Night. On récupère Adrien juste après. Vous toutes et vous tous en direct. On est là jusqu'à 2h sur Fun Radio. Comme chaque soir, 23h, 2h, c'est du lundi au jeudi. Et le dimanche soir, de 20h à minuit, faites passer le message. Il se passe enfin un truc à écouter à la radio, puisqu'avant il n'y avait que de la musique ou des best-of à gauche à droite, et, ou des rediffs plutôt, c'est même pas des best-of, c'est des rediffs. Donc il y a enfin une émission en direct, 23h, 2h sur Fun Radio. C'était le son de Zid à l'instant sur Fun, au cœur d'une heure sans pub. Ouais. Et oui, pendant que les autres s'arrêtent pour mettre de la pub, ben nous on est à la cool. Ouais. Voilà, il y aura Avicii tout à l'heure, le nouveau. Avec Addicted to You, je vous le cale promis. Et puis aussi un son que vous avez découvert aujourd'hui sur Fun Radio pour la première fois, Shakira et Rihanna. Le nouveau. Évidemment. Voilà, ce sera tout à l'heure sur Fun Radio, je vous le cale promis. Donc restez bien là pour ceux qui l'ont entendu pour la première fois sur Fun et qui l'ont bien kiffé. Je vous le recale avant la fin de l'émission, évidemment. Et si vous avez envie d'écouter un son en particulier, eh ben n'hésitez pas, hashtag et Mickaël, bien sûr, sur le Twitter de l'émission. Vous pouvez aussi venir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MickaëlOfficiel, ou alors directement bah, au 02 851 4x0 pour la Belgique et le 01 42 48 5000 pour nous appeler. N'hésitez pas. Marine est avec nous également. Salut Marine. Salut. T'as entendu le nouveau Shakira Rihanna tout à l'heure, toi ou pas ? Non. Oh bah Marine, alors. On va le remettre alors du coup là. Il va falloir. Oui. Bah évidemment, il y a Johanna aussi de Bordeaux. Salut Johanna. Oui, salut. Comment ça va ? Ça va très bien, bon. Oh oui, ça va. Shakira et Rihanna, tu as entendu de nouveau ou pas ? Oui, oui, c'est ah, t'aimes bien ? C'est trop cool ce qu'elle a fait avec Eminem, ouais. D'à quoi, Johanna ? J'ai pas compris. C'est trop cool ce qu'elle a fait avec Eminem et Shakira, oui, oui. Ah bah oui, là c'est avec Shakira et Rihanna et l'autre c'est Rihanna avec Eminem. Elle s'est mise bien la Rihanna, hein. Elle est blindée, ouais, elle s'est mise pas mal là avec deux putains de stars là, elle s'est mise plutôt pas mal, ouais. Et puis bah Adrien qu'on va récupérer aussi, hein, Adrien, Shakira et Rihanna, le nouveau, t'as entendu déjà ? Oui, j'ai entendu. Ouais. Eh ben très bien. Bon, on va le remettre alors avec plaisir. Ne bougez pas, comme je le disais. Tiens, aussi petit passage comme ça. Ce matin, je suis tombé sur une info complètement dingue. Je sais pas si vous êtes tombé dessus aussi. Bah vous allez me dire, hein, puisque vous êtes tous au standard, hein, Adrien, Marine et Johanna. Il y a un Chinois qui chassait des fantômes. Non, mais jusque-là, ça va, ça passe. Jusque-là, ça peut sembler normal. Le mec, les exorcistes et tout. Non, mais voilà, c'est ce que je disais, ça peut sembler ça normal. Non, ce qui est original, en fait, c'est qu'il chasse des fantômes avec sa bite dans les vagins des femmes. Non, mais véridique, hein. Non, mais c'est véridique. Comment ça? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il fait croire, enfin, il dit, il va chez des meufs en disant qu'elles sont hantées et que, ben, il a une bite magique qui permet de, un peu le Ghostbusters de la teub, quoi. Tu vois, SOS fantôme. Et en fait, son arme, c'est sa teub. Tu devrais essayer, Toff. Bon, on va appeler des gens ce soir. Oui, je vais sortir mon sexe anti-fantôme. Ah, super, le sexe anti-fantôme de Toff. Ça t'intéresse pas? Je suis envoûtée. Oui, j'arrive. Je viens te sauver. C'est horrible. Mais le pire, c'est qu'il y a des meufs qui se font sauter, quoi. Ah, bah, il y en a, bah, bien sûr. Il y en a qui ont raconté au journal, ouais. C'est évidemment, que... t'es un truc de dingue. Bon, du coup, on fera les appels dans quelques minutes à base de ça. Si vous connaissez des gens debout encore jusqu'à 2h du mat et des gens un peu nerveux qu'on puisse les appeler ce soir, là, n'hésitez pas à donner les numéros de téléphone sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Il y a Sean sur le Twitter qui dit Fun Radio, faites passer le message, dis bonjour à ceux qui m'aiment secrètement. Eh ben, on va être bien avancé, Sean. Gaëtan qui dit juste une petite dédicace à toute l'équipe. Merci d'être vous. Ben, merci Gaëtan d'être là aussi. Capucine, même à l'hôpital, je vous écoute parce que vous êtes parfait. Merci Capucine. Ben, qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? T'as quoi? Y a Vince aussi. Je suis un nouveau et j'aimerais un message de bienvenue, une dédicace à la troisième du collège Yves Lebec de Roanne dans le Morbihan. Avec plaisir. Je peux te renculer. Voilà Vince. Et puis Camille avec un cas qui dit moi mon premier il était trop magnifique, depuis les autres sont fades. Ah, c'est peut-être l'amour ça, c'est possible aussi ça. Bon, je rappelle aussi qu'on fera l'émission en direct de chez vous, hein. Ce sera le 9 février. Voilà, la date est définitive, le 9 février. Le seul truc c'est qu'on ne sait pas encore où on va aller. Donc si vous voulez qu'on vienne faire l'émission en direct de chez vous, eh ben venez nous rejoindre sur le Facebook de l'émission. J'ai mis un post jeudi, j'en remettrai un également pour nous dire si vous voulez qu'on vienne chez vous. On fera l'émission, quand je dis chez vous, c'est pas dans votre ville. On va venir dans votre maison, hein. On fait l'émission dans votre chambre, dans votre salle, dans votre salle à manger, je sais pas où, mais avec peu importe. Et tout. Dans le garage, peu importe, à nous, on prend des pains dans le détail. Ouais, comme en plus, on peut pas reprendre la route après, on dort chez vous. Bah voilà, c'est ça. Non, mais on se démerdera, mais par contre, on vient faire l'émission en direct de chez vous à la maison. Donc si vous voulez nous accueillir, eh bien, facebook.com/emickelofficiel, #emickel sur le Twitter. Et puis si vous voulez nous accueillir, vous pouvez appeler Sandro aussi au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0. Pour l'instant, il y a Reims qui se bat pas mal. On a eu une demande de Lille également. Il y a la friterie Elba à Charleroi. Ouais. Ce serait pas mal, la friterie à balance, une friterie, c'est pas mal. On a proposé de faire le service. Hein. C'est vrai. T'as proposé, j'ai acquiescé, parce que voilà. C'est vrai, c'est vrai. On a proposé de faire le service ensemble. Voilà, et puis il y avait Besançon également. Bah là, on va peut-être un peu attendre pour Besançon la neige. Quoique Besançon, ça devrait aller, hein. C'est pas très loin. Non, Besançon, ça va. Ça c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. C'est pas loin de la ville la plus froide de France. Ah bon? Bah je pense, ouais, si mes souvenirs sont bons dans le Doubs, je pense. Allez vérifier, mais je pense que c'est pas loin, c'est pas loin. Bon, du coup, Adrien, qui nous avait appelé parce qu'il se fait draguer que par des tons et ça le perturbe. Enfin, ça te perturbe, ça t'emmerde, quoi. Bah ça, ouais, c'est très emmerdant pour moi. Ouais. Donc, j'imagine. Ouais, ton image de marque, tout ça. Voilà. Toi qui es un beau gosse. Mais fais-nous voir ta gueule là. Ouais. T'as pas une photo de toi, hein, histoire qu'on rigole un peu pour voir Adrien, ou qu'on rigole pas. Hein. Ouais, si j'en ai. Ah bah tu peux me l'envoyer sur mickel@funradio.fr. Ouais, bah oui. Ah bah voilà, pour bah après, sur le Facebook aussi, je sais pas, mais bon. Bah, envoie-la-moi par mail, ce sera plus facile parce que sinon c'est plus compliqué de donner le nom et tout ça à l'antenne, etc. Tu me l'envoies comme ça on verra pour voir si. Parce qu'après, il y en a qui se la ramènent, comme je le disais, par rapport à Toff, qui se permet de critiquer le physique de certaines demoiselles, alors que quand on voit sa gueule, il y a quand même pas de quoi non plus la ramener. Hein. Moi je l'ai en face de moi là, et garde-moi cette gueule là, cette lèpre là, horreur. Ah bah là, complètement là. Ouais, mais je sais que je te plais, Polo. Ouais, tu parles, ouais. Bon, d'ailleurs, tout ce qu'il mérite, c'est. Dans sa gueule. Exactement. Bon, alors il y a Marine également qui est avec nous là de Seine-Maritime. Salut Marine. Salut. Comment tu vas, dis donc? Ça va. Bon, ben sois la bienvenue Marine. Alors, tu voulais réagir toi à Adrien. Alors, est-ce que c'est parce que tu es déjà tombé sur des mecs comme ça? Est-ce que tu trouves qu'il est con et tu veux le défoncer? Est-ce que tu es moche ou au contraire tu es bonasse? Bref, tu voulais réagir. Non, ouais, c'est par rapport à un de mes ex que je suis sorti avec, qui était super moche et. Et comment, j'arrivais pas à avoir une relation normale avec, en fait. Bah pourquoi? Parce qu'il était moche? Bah ouais, et du coup, c'est pas pareil par rapport au plaisir et tout ça. Comment ça au plaisir? Ça n'a rien à voir. Et pendant ce temps-là, Paul est en train de mater des meufs sur Twitter, hein. Faut quand même le savoir. Si, arrête, j'ai l'écran devant moi. Non, c'est Lisa qui est magnifique. Ouais, Lisa. Envoie-moi un mail à Paul. Bon, bref. Non, mais je comprends pas, si t'es sorti avec lui, c'est qu'à un moment, tu le trouvais bien, même intérieurement, éventuellement. ouais, il était gentil et tout ça, mais je sais pas, c'était bizarre en fait. Mais attends, est-ce que je peux juste vas-y. Ça m'a bloqué en fait une fois que. Ouais, une fois que t'es, c'est comme quand. Ah, c'est, c'est les réactions des autres. Mais non, parce qu'à part dans la, en fait, tu parles dans l'action, c'est dans le sexe, quoi. Ouais, voilà. Bah, et alors, tu le vois pas, t'éteins la lumière, tu mets ça, et t'as plein de solutions. Ouais, oui, super. Hein, voilà la solution du sac. Bah, oui. Ah, t'es tellement beau, je vais te mettre un sac sur la tête. Regarde. Ça m'excite, c'est ouais. Mieux comme ça. Ou alors, prends-moi plutôt en levrette, comme ça au moins, je vois pas ta tronche. Une cagoule. Non, mais c'est vrai. Mais c'est plus dur de se promener avec un moche à son bras. Ça veut rien dire. Que faire l'amour avec un moche. Ta gueule. Et c'est ça veut rien dire la mocheté, la beauté. C'est vrai. On est tous le beau de quelqu'un ou le moche de quelqu'un. Oh non, ouais. Il y en a qui sont le moche de tout le monde. Non, mais c'est beau vrai, ce que tu dis, Polo, ça me rassure. Hey, moi, il y a des meufs que je trouve super belles, et ben on me dit, mais qu'est-ce qu'elle est moche. Ah oui, je suis d'accord. Elle a le crâne rasé et tout. C'est vrai, des c'est tatouages. Vrai. Bon, je suis d'accord avec toi. Attends, il y a aussi Johanna qui est avec nous de Bordeaux, là. Salut, oui, Johanna. Bonsoir, je suis là encore. Comment ça va, Johanna? Oui, ça va. Bon, alors, Johanna, tu voulais donner ton avis par rapport à toute cette histoire? Ouais, je suis un peu comme Marine, parce que j'ai eu un copain il y a 3 ans de cela qui était un peu moche. Ouais. Enfin, un peu trop même. Mais pourtant, je l'aimais de tout mon cœur. Et oh. On est resté quand même un an ensemble malgré les épreuves difficiles. Attends, je vais essayer de traduire parce que tu parles à mon avis soit avec un timbre libre, soit avec le téléphone dans ta bouche. Non, je suis un peu enrhumée, mais j'ai dit qu'on était resté un an de couple ensemble malgré toutes les épreuves difficiles. C'est-à-dire que dans la rue, on nous critiquait, puisque... Dans la rue pas. Ouais, ouais. Mais il ressemblait quoi, à Shrek? Non, c'est même pas ça. C'est parce qu'il n'était pas quelqu'un d'apprécié par les gens. Mais comment ça? Parce que tu peux ne pas être apprécié par la famille, les amis, tout ce que tu veux, mais dans la rue, si je vois quelqu'un passer, je ne peux pas me dire si j'apprécie ou pas le gars si ou la meuf. Tof, il lui jette des pierres dans la rue. Ouais, c'est vrai. Quand je veux dire dans la rue, c'est quand on croise des gens qui nous connaissent. Ah, d'accord, ok. Voilà. Bah oui, mais bon, ça, après, tu n'en as rien à foutre. Je veux dire, c'est ta vie qui compte, pas la leur, hein. Voilà, il était super moche, et pourtant moi, bon, je vais pas dire que je suis pas très belle, mais je suis quand même bien jolie. T'es quand même pas mal, quoi. Voilà, et pourtant, je vois, voilà, il y a rien qui m'a empêché de l'aimer, et c'est ça que je voulais dire à, comment il s'appelait? C'est Adrien. Rien, voilà. Bah voilà. Non mais c'est vrai, en même temps, après tu t'en fous. Mais lui, le problème, c'est pas qu'il soit tombé amoureux d'une fille, on va dire, pas très belle. C'est juste que c'est les filles pas très belles qui vont le draguer et lui, ça l'emmerde. Parce que soi-disant, il a l'air plutôt beau gosse. J'attends de voir la photo et on donnera notre avis avant de. Hein, parce qu'il faut pas déconner. Attends, envoyez. Alors attends, je cherche le mail. Alors attends. Je vais regarder. Ah c'est marrant parce que pour une fois, Toff et Polo n'ont pas sauté sur moi pour voir la photo en premier. Attends, j'arrive. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je laisse Polo juger. Rien voilà. À foutre. Ouais, il s'est mis en mode oh là là, celle où t'es avec un pétard en bouche, c'est moyen. Non, c'est une roulée. Ah, c'est une roulée, ouais. Enfin bon, ouais, non, ça va. Ouais, ça ouais. Va, ça va. T'es la version améliorée de Toff, quoi. Voilà. Non, t'es con, quoi. Il est vachement mieux, t'es ouf. Après, je suis un mec, je peux pas vraiment juger non plus, mais est-ce qu'on peut mettre ta photo sur le Facebook de l'émission ou tu veux pas? Bon, ouais, vas-y. Non, parce que tu vas te faire insulter, parce que il y a des gens qui vont être jaloux, il y en a qui vont t'assurer. Enfin, je préfère que. De toute façon, des jaloux, il y en a partout. Non, mais je veux juste que tu sois d'accord, voilà. Au moins. Non, y a pas de souci. Bon, bah alors je vous la mets pendant le titre. Je vous mets la photo d'Adrien. Allez donner vos avis sur le Facebook de l'émission dans quelques minutes. facebook.com/mikaelofficiel. Voilà, on va la mettre dans quelques minutes. C'est quoi pour toi une belle meuf? Parce que là, tu dis des moches, des vieilles, des. Je sais quoi, c'est quoi en fait? Bah, c'est, je sais pas, c'est une jeune meuf qui aurait pas la peau grasse, qui aurait pas de l'acné, enfin pas les cheveux gras, quoi. Enfin, en même temps, t'as 15 ans. Mais ça, c'est pas c'est sale, ça. Ouais, non, c'est pas 19. La beauté. Non, mais c'est pas, c'est pas la beauté, c'est bah sale. Ouais, ça. Bon, alors reste avec nous, ne bouge pas, Adrien, Marine, Johanna, vous bougez pas. On va revenir avec Artu aussi dans quelques minutes. La colle avec Damien, tiens, voilà, prendre maintenant, tiens, la colle. T'es là, Damien? Ouais. Parfait, on va se remettre un coup de colle puisqu'on donne la réponse avant minuit. Alors, fais péter la colle pour gagner l'iPad mini ce soir. Attention, on t'écoute. Donc, mon premier est de l'argent. Ouais. Et mon deuxième est le contraire de pleurs. Qui suis-je? Mon premier est de l'argent et mon deuxième est le contraire de pleurs. Qui suis-je? C'est bien ça? C'est ça, bon fait. Bah très bien, bah, si vous avez la bonne réponse, il suffit de jouer. Vous envoyez Mikael suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 par SMS depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi bien sûr jouer sur le Facebook de l'émission et là c'est gratis. Vous allez sur le facebook.com/mikaelofficiel, les 4 lettres suivies d'officiel, Mikael officiel, pour jouer ensemble. Alors on proposait de l'argenterie. Non. Une pute de luxe. Non plus. Une billetterie. Non. Il y a Pauline qui proposait l'Europe. Non. Mademoiselle Chat qui proposait heureux. Non plus. Non, bon bah voilà, si vous avez la bonne réponse, les autres, allez-y. Facebook.com/MickaelOfficiel, on donne la réponse avant minuit pour gagner l'iPad mini justement. Damien, tu restes avec nous ? Pas de soucis. Allez, bouge pas de là, mon premier est de l'argent, mon deuxième est le contraire de pleurs, qui suis-je? Bonne chance pour envoyer vos réponses. On va reparler des beaux, des moches dans un instant. Il y a Toff qui va se faire passer pour le Ghostbusters de la bite. Oui, dans quelques minutes. Je vais sortir mon magnifique sexe anti-fantôme. Bah, hein. Magnifique, j'irai peut-être pas jusque là non plus. Et puis on va reparler avec vous, on a le chéri, je peux te faire cocu qui va débarquer dans quelques instants sur Fun Radio également. Et je vous l'avais promis, le son maintenant d'Eminem, Rihanna de Monster, c'est tout de suite sur Fun Radio. C'était Eminem à l'instant sur Fun Radio. Eminem avec Rihanna, c'était The Monster. Et puis tout à l'heure, attention, puisqu'on parlait de Rihanna, vous l'avez découvert sur Fun Radio cet après-midi, Shakira, Rihanna. Eh ben, je vous le remets ce soir pour ceux qui n'étaient pas avec nous cet après-midi, hein, qui écoutaient pas Fun. Eh ben, bravo si vous étiez écoutés pas Fun, hein, ça mérite tout ça, simplement ça. Dans vos gueules. Je vous le remettrai tout à l'heure, le son de Shakira et Rihanna sur Fun Radio. Il y a Maroncho pour 2 euros, ça intéresse des gens? Moi je prends, non. Ouais. Bon bah c'est sur Twitter hein, qui dit je voulais cerne noircir mais je reste avec vous les meilleurs pour une fois qu'il se passe quelque chose de soir à la radio, je te le confirme Marancho. Ouais. Il y a Petit Kiwi aussi, j'ai le même problème, ça arrive que des moches me draguent et je sais pas pourquoi. Camille avec un cas qui dit connard l'acné c'est un fléau, j'espère que t'en auras aussi. Il y a DJ Koma dans l'acné. Ouais, DJ Koma qui dit je me suis masturbé en classe aujourd'hui. Eh bah bravo DJ Koma, félicitations, hop là. Bravo. Ah, hop là, pour la petite branlette de DJ Comac, il y a Echo aussi, on a tous déjà demandé un coup de lance-flamme dans la sale gueule de Toff, sachez-le. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on lui a plus mis dans sa sale tronche quoi. Ouais. Ah il est mieux là. Ah Toff voilà. Fond. Ouais, là il va beaucoup mieux effectivement. Toff a plutôt un sexe anti-belle femme, c'est Ada et Angelina qui est de retour aussi. Ah. Il dit salut Mickaël, Polo Sandro et Toffounette. Ça fait trop du bien de pouvoir enfin vous écouter, ça faisait très longtemps. Bah je confirme Angelina là, faut dire plus souvent. Il y a Chris aussi. Ne critiquez pas les Toff. Ouais mais lui c'est merci, un cas à part. Merci. Et Habib qui dit Mickaël, ça fait longtemps que tu oublies le coup de pelle, tu l'as perdu ou quoi? Ah bah non, il est là, hein, t'inquiète pas, il suffit de me le demander hein. Regarde. Voilà, il fallait ressortir évidemment. Bon, tous vos messages qui arrivent en direct aussi hein, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKAELOfficiel. Continuez à venir, d'ailleurs je viens de vous mettre la photo de notre ami Adrien. Je vous ai demandé de ne pas être trop violent parce que je vous connais, hein, parfois c'est quand même gratuit. Donc donnez juste votre avis, parce qu'il n'aime pas et ça l'emmerde. En fait il sort avec des moches, enfin il n'y a que des moches, comme il dit, qui viennent le draguer. Et bah du coup ça l'emmerde, il aimerait bien qu'il y ait des meufs un peu plus mignonnes qui viennent quoi. Ouais mais c'est comme la Miss Belgique, tu sais, bon les gens ils l'aiment pas et tout. Et donc j'ai regardé sur public les commentaires, je veux dire si je suis la meuf, je les lis, je me suicide. Hein. Bah oui non, mais c'est ça. Je vais me jeter par la fenêtre. Hein. Bon en même temps on lui a demandé quand est-ce qu'il y avait démarré la Deuxième Guerre mondiale, elle savait pas. Donc après, bon c'est pas physique. Mais... Je peux rappeler juste un truc pour les filles qui sont moches aujourd'hui, demain, ça seront des bombes. Peut-être, c'est vrai. Non mais c'est vrai parce que parfois à l'école, tu sais, on a 12-14 ans, on se fout de la gueule d'une meuf parce que c'est une mocheté. Et puis après, quelques années après, mais on n'était pas à la même école. Bah non, ça me dit rien. Si, j'étais Marine. Waouh. Mais t'étais Marine avec les lunettes et... et les boutons. Et les boutons, ouais. Ah ouais, franchement, moi je suis à la place de la meuf. Hein. Je le fais venir, ouais. Et puis après, dès qu'il peut se passer un truc... Hop, va te faire enculer, tiens. Si vous êtes vengeant, vous cherchez un peu d'amour, toph@funradio.fr. Ouais, c'est ça, mais si vraiment vous êtes désespéré, hein, parce que. Oui, évidemment, c'est celle que je préfère. C'est ça. Bon, avant de récupérer Adrien, Marine, Johanna, Ertu, Laura, il y a du monde ce soir. T'es là, Laura? Salut. Ça va bien, Laura? Ouais, oui, et toi? Bon, ça va. Tu n'es pas. Ensorcelé, toi? Non. Ah merde, parce que t'es pas envoûté. Envoûté, ouais. Je pourrais venir te désenvoûter. Bon, ah merde, parce que Toff, il peut venir filer un coup de main sinon. Hein. Non, c'est bon. Ah bon, bah tant pis alors. Bah Laura, reste avec nous, on va faire quelques appels. On a reçu des numéros sur le mail de Toff, la toph@funradio.fr. Et donc, on va faire quelques appels pour aider les gens et surtout les femmes à se faire désenvoûter par le sexe de Toff. Mais oui, les pauvres, elles sont envoûtées, il faut que je les aide. Bah oui, c'est un chinois qui a fait ça là-bas. Et bon, il chasse les fantômes avec sa bite. Bon, c'est quand même assez particulier. Donc, du coup, bah Toff, forcément, a sauté sur l'occasion. Mais évidemment, d'ailleurs, je vais faire comme les mecs qui te laissent des petits post-it sur les pare-brises, oui. Pour te dire retour d'amour, retour d'amitié. Moi, je fais tout la même chose, mais avec ma bite. Bah, tu devrais essayer, pourquoi pas. On sait jamais. Hein. Allez, on fait le premier appel. Merci, vous avez déjà été très nombreux à nous envoyer des numéros de téléphone sur le mail de Toff. toph@funradio.fr. Et déjà, Toff Tweet, on est devant Lionel Messi. Oh là là là. Et oui, et merci à vous, en tout cas, d'être si nombreux là avec le hashtag et Mickaël sur le Twitter. Allez, c'est parti, on y va. Premier appel maintenant. Et prévenez vos potes également qu'il se passe un truc sur Fun Radio, 23h, 2h. C'est sur Fun que ça se passe. C'est le dimanche de 20h à minuit également. Oui, allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. En fait, voilà, je vous appelle parce que je voulais venir désenvoûter votre femme, monsieur. Quoi ? Je veux venir désenvoûter votre femme, monsieur. Ok, oh, là, je vais désenvoûter votre femme. Vous êtes malade ? Je vais désenvoûter ma femme. Ça va pas, non ? Excusez-moi, monsieur, mais je crois que vous vous emportez un peu. Allô ? Oui ? Vous êtes désenvoûter ma femme ? Oui, je veux désenvoûter votre femme, monsieur. Avec mon sexe anti-fantôme, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce gars ? Quoi ? Je veux venir avec mon sexe anti-fantôme. Vous vous foutez de moi ou quoi ? Mais pas du tout, monsieur. C'est important parce qu'elle est possédée par un esprit et donc il faut que je la pénètre rapidement avec mon sexe anti-fantôme pour l'aider. Mais vous êtes malade, vous, hein ? Mais pas du tout, monsieur. Écoutez-moi très bien. Oui, je vous écoute. Très bien. Je suis prêt là, je suis prêt. Oui, je suis prêt. J'entends ça, vous monsieur. Vous m'appelez ? Oui. Attends, vous avez eu mon numéro d'abord ? Mon numéro là, vous avez où ? Vous avez où ? Vous avez eu mon numéro où d'abord ? C'est le Saint-Esprit. Vous osez m'appeler ? C'est le Saint-Esprit, monsieur, qui m'a transféré votre numéro pour que je vous aide. Qui ? Le Saint-Esprit, monsieur, il me l'a donné pour que je vienne vous aider et que je pénètre votre femme. Le Saint-Esprit ! Oui. Bon, écoutez, je veux plus parler avec vous. Je raccroche là. Mais bon. Non, pas du tout, monsieur. Il faut que je vienne vous sauver. Il faut que je vienne sauver votre femme. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Ah bah il est parti, merde. Il est un peu énervé là. Ah putain, c'est quoi, c'est ouf. Attends, on va le rappeler. T'as les couilles ou pas? Ouais, vas-y. Bon, allez, on le rappelle encore un coup là. C'est parti. Je peux pas être plus fort qu'un Corse. Non, ça, c'est sûr. Allez, retourne chez le monsieur. Oh, mais merci pour le numéro de téléphone. Hein. On est tombé sur du gros client là. Voilà. Oui, excusez-moi, monsieur, on a été coupé. Oui. On a été coupé, monsieur. Non, c'est moi-même qui ai raccroché, monsieur. Mais ça se fait pas, monsieur. Parce que ça se fait pas? Mais non, moi je vous appelle pour sauver votre femme. Vous voulez sauver ma femme? Oui. Ma femme elle est où? Ma femme elle est où? Bah je sais pas, monsieur, où elle est. Mais moi il faut que je l'aide, il faut que je fasse disparaître l'esprit qui est en elle grâce à mon sexe magique. Hein, ton sexe magique. Oui, mon sexe anti-fantôme, monsieur. Je vais la pénétrer avec et après, hop, elle va se sentir beaucoup mieux. Mais toi, tu n'es pas bien, toi. Hein, t'es malade, hein? Mais pas du tout, monsieur. Je vais venir te toiter ton cul, tu vas avoir un petit, là. Non, mais monsieur, faut pas le prendre comme ça. Moi, c'est pour vous rendre service. Je vais te demander un service? Non, c'est pour vous rendre... Je vais te demander un service, là. Non, monsieur, mais c'est moi qui viens vous aider. Bon, écoutez-moi. Ne m'appelez plus. Ne m'appelez plus, j'ai pas besoin de votre aide. D'accord ? Non mais monsieur, c'est pas vous, c'est votre femme qui en a besoin. C'est tout là. Et là vous êtes où ? J'arrive là, vous êtes où ? Bah moi je suis chez moi, monsieur. C'est où chez vous ? Bah moi c'est à Paris, monsieur. À Paris, bon, je vais quitter. Moi. Vous êtes où ? C'est où ? Donnez-moi la tête, je vais venir là. Donnez-moi la tête. Alors je suis 20 rue Bayard, ça s'écrit B-A-Y-A-R-D. Nique ta race. Mais non, monsieur. Non, c'est l'adresse, monsieur. Nique ta race. Mais pourquoi vous me dites ça, monsieur ? Mais non, monsieur, moi... Enculé ! Moi, je veux vous aider, monsieur ! Vous emmerdez le monde, vous ! Mais pas du tout ! Vous emmerdez le monde ! Mais pas du tout, monsieur, enfin, calmez-vous ! Allô ? Non, il est parti. Enculé ! Mais il y a un message vous qui est arrivé. Vous emmerdez le monde, vous ! Il y a un message qui est arrivé de Stéphanie, je pensais pareil, là. Je crois que c'est lui qu'il faut désenvoûter, en fait. Il est énorme. C'est pas sa femme que tu... T'aurais peut-être dû le pénétrer lui, t'aurais dû lui proposer. Ah, j'ai pas pensé. Ah ouais, merde, tant pis, c'est pas grave, on refera... Ah, il était tellement fort, lui. Ah bah ouais, lui, il était au taquet, lui. Oh là là, un truc de dingue. Bon, il y a le nouvel Avicii qui va arriver dans un instant aussi avec Addicted to You, là. Ah, je vous le cale comme promis. Et puis aussi comme promis, le nouveau Shakira que vous avez découvert cet après-midi sur Fun en exclu. Shakira et Rihanna. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas sur Fun Radio cet après-midi, vous avez eu tort. Mais rassurez-vous, on vous met la nouvelle diff tout à l'heure sur Fun Radio. Restez bien avec nous, ce sera dans la nuit sans pub. À partir dans 5 minutes, on fait péter ça sur Fun Radio. On va se refaire la colle aussi avec Damien dans quelques instants. Adrien, beaucoup de messages sont arrivés pour toi puisqu'on a mis ta photo sur le Facebook ouais, et le Twitter. Je suis en train de lire. Pourtant, t'as vu, j'ai demandé de ne pas être agressif. Hein. Ah bah ça c'est normal, ça c'est bah oui. Tout le monde, il y a toutes les populations qui viennent. Ouais. Mais en même temps, t'as tendu le bâton, hein. T'es arrivé en disant ouais, il y a que des meufs moches qui viennent me draguer, j'en ai marre. Bon, évidemment, il fallait t'attendre à ça. Il y a des messages qui sont arrivés. Attends, c'est Angelina qui dit sur le Twitter. Je veux bien qu'Adrien ait envie de que des bombasses le drague, mais les tons draguent des tons et les bombes draguent les bombes. Je pense que tout est dit. Il y a Quentin qui dit il mérite pas mieux que les meufs qui viennent à lui, vu sa tête, c'est un prétentieux. Voilà. Un coup de pelle également pour sa sale gueule. Très bien, allez hop, c'est parti pour le coup de pelle là. Voilà, il est plié là. Je suis en train de pleurer ici avec le black là. C'est Mickaël qui avait envoyé son message sur le Facebook. Et Cheyenne aussi, le meilleur ami de Toff, enfin trouvé. On en a trouvé d'autres, hein, rassurez-vous. Mais c'est vrai que celui-là était quand même plutôt pas mal, en effet. Et Héloïse qui dit il est moche, c'est tout, qu'il se regarde en face avant de dire que les autres sont moches également. Et puis Gérard qui dit bonsoir à tous, quelle superbe émission, je rigole de malade. Eh ben merci Gérard, sois le bienvenu. Je t'ai pas encore vu toi dans les messages qu'on avait, donc si tu viens de débarquer, eh bien sois le bienvenu. Bon alors Adrien, il y avait également Laura qui est avec nous, le 20 ans de Paris là. Bonsoir Laura, enfin rebonsoir. Bonsoir. Alors comment vas-tu ma belle? Bah je vais bien. Eh ben tant mieux. Alors Laura, tu voulais réagir toi par rapport à Adrien? Ouais, à propos de ça, oui. Alors dis-nous, on t'écoute. Bah personnellement, après dire moche ou belle, je trouve ça un peu con. Ça, oui, mais surtout. Après, moi... Ouais, surtout que c'est subjectif. Tu peux pas dire, il y a des filles que je trouve très belles et d'autres qui trouvent très moches, tu vois, ça dépend. Voilà. Ouais, mais après, moi, il y a jamais des meufs qui me trouvent très beau. Oui, bah t'es marrant, c'est bizarre. Hein. Bah oui. Ouais, c'est étonnant. Bon, et donc vas-y Laura, continue. Ouais, donc moi j'ai une histoire avec un mec, donc c'est sûr qu'il était moche, hein, mais tellement il me faisait pitié, bah j'ai voulu essayer avec lui, quoi. Mais oh, bon, ça a pas fonctionné. C'est encore pire de faire ça. Mais c'est comme ça que j'y arrive parfois, je fais pitié. Ouais, c'est ça. C'est ouais, là, mais c'est... après, les sentiments peuvent arriver après, quoi. C'est oui, sûr. Oui, bah bien sûr. Et là, t'es actuellement avec un moche? Non. Ah, bah, si tu veux, voudrais un moche. Bah, si je suis également sur Paris, Laura. Ouais, si t'en veux un, toi, fais-la, hein, si tu veux un non, moche. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ah bon, d'accord. Attends, j'ai dit j'étais prêt. Bah oui. Non, bah non, c'est bon. Bon, et donc du coup, comment ça s'est terminé avec donc, le mec? Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a trompé avec ma meilleure amie. Ouais, ah oui, ah bah d'accord. Parce qu'en plus, le mec, donc, c'est-à-dire qu'il est moche, t'arrives à le choper, il sort avec toi et il se permet de se barrer encore avec une autre. C'est bon, ouais, c'est ça, quoi. C'est pas. Non, tu me diras, c'est normal, le mec, il a pris confiance, c'est comme Toff. Ouais. C'est quand il sort, comme toujours, avec une dizaine de meufs en même temps. Mais quand je dis 10, parce que les gens vont dire, ouais, mais il exagère, etc. Ouais. Non, non, c'est réel. Moi, c'est pas on pareil. On n'invente rien. C'est parce que j'ai peur qu'elle se rende compte que je suis moche. Non. Mais ça, elle le voit directement, sauf si tu vas avec la Libraille, mais il y a un moment... Oui, mais voilà, donc tu vois, elles peuvent prétendre à mieux, alors que moi, je fais avec ce que j'ai. Ouais, bah c'est sûr. Bon, attends, Laura, reste avec nous, il y a Johan qui voulait donner son avis, il y a Ertu également. T'es là, Ertu? Ertu ou Ertu? Oui. Ertu, hein. Ah, très bien, ah, bah Ertu, bon, on va te prendre dans un instant, Ertu, là, reste avec nous. On va revenir, il y aura le chéri, je peux te faire cocu, on va se faire également la colle avec Damien. Je vous l'avais promis, le son d'Avicii va débarquer. C'est pas clair en même temps. Voilà, avec Addicted to You, c'est ce qui va arriver sur Fun Radio. Je vous cale la nuit sans pub, plus de pub jusqu'à la fin de l'émission. Ce sera dans un instant sur Fun Radio. L'iPad mini à gagner avec la colle, ce sera juste après ça. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël, No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio dans toute la France. Bienvenue si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit. On est là tous les soirs sur Fun Radio, juste après Love in Fun de 23h à 2h du mat. Entre Love in Fun et JB la nuit. On est bien quand même. Bah, on est au top. Ah bah, on est au top du top, j'ai envie de dire. On est top, bon, ouais. C'est Fun Radio, il y a plein de messages qui arrivent, il y en a énormément d'ailleurs. Et d'ailleurs, en top 8 devant Lionel Messi et Ribéry. Ah, c'est bon ça. On est pas mal, on est pas mal. Bah, merci pour tous les messages que vous envoyez. Alors, désolé pour. Il y a plein de messages que j'arrive pas à lire parce qu'il y en a énormément depuis hier soir. Bah voilà, mais rassurez-vous, je les lis au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'on peut pas tous les passer à l'antenne, évidemment. Il y a toujours la colle de Damien. Je rappelle que si vous avez une idée pour gagner eh bien, l'iPad mini, mon premier est de l'argent. Mon deuxième est le contraire de pleurer. Voilà, de pleurer. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900 ou alors en quart directement sur le Facebook de l'émission pour lire tout ça et pour répondre aussi facebook.com/MIKL officiel. Je compte sur vous. Venez, vous pouvez m'ajouter aussi sur le Twitter. Si vous me suivez, je vous suivrai également à mon tour. Vous tapez MIKL_officiel. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et le underscore, c'est le petit tiret en bas. Dans moins de 10 minutes sur Fun Radio, je vous calerai le nouveau son de Avicii également. Avec Addicted to You. Voilà, ça va arriver sur Fun Radio. Le nouveau son d'Avicii, Addicted to You. Et puis aussi dans même pas une demi-heure également, le nouveau son de Shakira que vous avez découvert sur Fun avec Rihanna. Voilà, le son de Shakira, Rihanna. C'est ce qui va se passer tout à l'heure sur Fun Radio. Si vous avez des sons à demander, n'hésitez pas. Vous tapez hashtag Mickaël sur le Twitter et sur le Facebook. Vous venez parler avec nous, il n'y a pas de problème. Comme Gaëtan qui a envoyé un message sur le Facebook. Possible de passer une dédicace à la femme de ma vie, Mélissa. S'il te plaît, Mickaël, elle t'écoute. Gère Mickaël et merci d'être vous encore une fois. Oh, écoute, avec plaisir. Attends, je peux même te mettre une petite musique que je joue moi-même. Oh, c'est beau. Mais attends, je sais, ouais. Elle est mal accordée. Hein. Bah non, tu es sérieux là. Je l'ai accordée cet après-midi. T'es con, quoi. Voilà, pour toi Gaëtan et pour Mélissa, je vous chante une petite chanson. Attendez. En live. Allez, attention, je continue encore un petit peu, je suis en forme. Refrain. Allez, allez, allez. Alors attention, c'est parti. Allez. 3, 4. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est vrai, c'est t'es comme au ça. Top, Mickaël, t'es au top. Tout en jouant de la guitare en live. Il faut quand même le savoir, merci. Bah voilà Gaëtan, j'espère que tu as pu lui... rouler un patin gratuitement grâce à moi, en pensant à moi bien entendu. Et Gaëtan, si tu m'écoutes, j'espère que la prochaine fois que tu feras l'amour avec Mélissa, tu penseras à nous. De toute façon maintenant c'est trop tard, hein. Même si tu veux pas le faire, tu le feras automatiquement. Il y a pas d'autre solution là. Mets-lui un doigt pour nous. Voilà, c'est ça, c'est offert. Rachida qui dit je kiffe Fun, continue à nous faire rire. Florian qui dit donc la beauté mojetée n'existe pas vraiment dans le fond, ce n'est qu'une question de goût et d'attirance. Bah c'est sûr. Et Angelina qui dit pauvre Toff, tu es un cas. Non, tu es un cas désespéré, même le meilleur des chirurgiens ne pourrait rien faire pour t'aider, mais on t'aime quand même. Oh. Oh, mais en même sweet. Temps, je tiens à signaler que Picasso a été reconnu après sa mort. Ouais, ben écoute, tu seras peut-être reconnu après ta mort, hein. Peut-être. Ouais, à mon avis, on va plutôt faire ça à ce moment-là. Voilà. Bon, allez, il y a Adrien, le retour. On fera d'autres appels avec Toff dans quelques minutes. On va également se faire le chéri, je peux te faire cocu. Et puis les teubés de la télé qui vont arriver dans une dizaine de minutes. Alors, le retour d'Adrien. Comme je le disais, Adrien qui nous avait appelé parce que bah, il se fait draguer que par des tons et ça l'emmerde un petit peu. On a mis ta photo, Adrien, sur le Facebook de l'émission. Puisque bah, on s'est dit, attends, il y a un moment, faut quand même pas déconner. C'est-à-dire que tu te permets de râler parce qu'il y a que, soi-disant, comme tu dis, des moches qui viennent te draguer. Mais faut quand même voir ta gueule. Alors oui. Adrien qui a 19 ans, mais Adrien, si je puis me permettre, tu ne les fais pas. Ouais, Adrien. Ouais, vite fait quand même. Bah non, tu les fais pas. Franchement, sincèrement. Non, tu fais plus jeune, c'est comme t'as pas encore de poils au menton. Non mais c'est vrai, c'est pas méchant. C'est sur la photo, en tout cas, t'en as pas. Après, peut-être que t'en as un, t'étais rasé de près, je ne sais pas. Bon, il y a Marine également là. Est-ce que t'avais encore un truc à ajouter, Marine, dont t'avais eu en début d'émission? Non. Non, bah reste avec nous quand même si tu veux. Hein. Oui. Voilà, t'es la bienvenue, Marine. Attends, il y a R2 également de Lyon là. R2, t'es là? Oui, bonsoir l'équipe. Ah, salut R2, comment ça va? Ça va et vous? Très bien. Bon alors R2, t'avais ton avis à donner toi sur le dossier. C'est ça exactement. Bah en fait, je voulais savoir si Adrien déjà il recherchait une relation sérieuse. Bah oui, c'est ça, c'était dans mes derniers projets quoi. Bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu la merde quoi. Enfin, y a pas de... Parce qu'en fait, si tu veux, moi aussi, je suis un peu dans la même situation, on va dire. Oh, les pauvres, tous les deux, vous arrivez à serrer que des moches. Oh, c'est beau quand même. C'est triste. Fait, du coup, j'ai une copine qui est super belle, et j'en ai une autre qui est vraiment pas belle, quoi. Mais ça arrive, hein. Regarde-moi, si j'ai un pote qui est super moche. Ouais, mais en fait, celle qui est pas belle du tout, et bah, franchement, au lit, elle est. C'est le top, quoi. Ah, parce que tu t'es tapé les deux, toi, évidemment, déjà. Voilà. Quel mais enculé, en fait, alors. Celle qui est plus belle, elle est moins bonne au lit que celle qui est plus moche. Ah bon, et c'est vrai, les moches font plus d'efforts parce qu'elles savent qu'elles ont mais plus arrête, de mal à serrer. Mais tu dis n'importe, mais toi t'es vraiment un idiot, hein. C'est toi, un truc de dingue. Vrai. Mais toi qui es moche, t'es un mauvais coup apparemment. Mais donc complètement. Ça c'est pas lié, Toff. Oh là là. Ça c'est toi qui dis. Ah non, c'est ça, c'était conquête. Ah oui, ah bah oui, en plus, ouais. Exactement. Et c'est des conquêtes, c'est pas nous, on n'invente rien, nous, hein. C'est vrai, tout ce qu'on vous dit, nous, mais c'est vrai, tout ce qu'on vous dit à l'antenne est vrai. On vous invente rien, on vous dit pas, on n'enjolive pas quelque chose, on dit pas que c'est, on fait rien. On ne vous dit que la vérité. Et sincèrement, je vous jure que c'est vrai. Ouais. Donc tout ce qu'on dit, même sur Toff, sur Polo, sur moi, sur tout le monde, c'est la vérité. Ah oui. La vérité vraie. plus que la vérité même. Bon bref, donc du coup tu t'es tapé les deux. Et donc du coup celle qui est moins bien est mieux au lit, c'est ça? Ouais voilà, et en fait du coup bah quand j'ai envie de coucher avec une fille, bah je vais voir celle qui est moins bien. Et quand quand j'ai rien à faire, bah je vais voir celle qui est jolie. Mais n'importe en fait, quoi. En fait, comment j'ai trouvé celle qui était jolie? Bah j'ai une amie qui a une bombe atomique, c'était juste une amie. Et en fait, à force de me balader avec elle en ville et tout ça, et bah en fait, petit à petit, bah, les jolies filles, elles ont commencé à me regarder. Et c'est là que j'ai commencé à trouver des contacts, voilà quoi. Oh, l'autre, il sort avec une meuf qui est mignonne juste pour que les autres se disent « Oh, s'il sort avec une bombe comme ça, c'est qu'il doit être blindé ou qu'il doit être un bon coup, etc. etc. » quoi. Bah ouais, bah au moins, moi, j'arrive à trouver des jolies filles. Oui, que tu dis, que tu dis. Ouais. Ah bah ouais parce que regardez demain il y a Déborah qui vient, c'est une auditrice qui fait qui est gogo danseuse ou qui était gogo danseuse, enfin, je sais plus, et donc on va mettre une barre de pool dance dans le studio, et donc Toff qui est en train d'essayer de la chauffer, on va voir comment ce qui va se passer en termes de résultats. Il va se passer quoi? Eh ben elle va commencer, monsieur, attends, t'étais là chaud comme la braise parce qu'elle venait, etc. Il s'est précipité pour acheter la barre. Hein. Mais oui, c'est ça, directement, on va acheter la barre, etc., etc. Donc il va essayer de la draguer. Que va-t-il se passer? Moi, je le vois déjà. Hein. À un moment, elle va commencer à danser, l'auditrice, là, Déborah. Elle va danser et puis, pas. Il va lui lâcher une crotte de nez dans la gueule. Un coup de pied dans la gueule accidentellement. Bah peut-être, ouais. Et donc on verra bien demain. Donc là, soyez là, partir 23h, émission spéciale Strip Club. Ça peut être bien. Il y a Sayeruka aussi, c'est nimpe de dire la beauté n'est pas importante. On regarde tous la beauté malgré tout. C'est un peu hypocrite de dire l'inverse. Entièrement d'accord avec toi, Sayeruka. Elodie aussi sur le Facebook, que ça fait du bien de vous écouter après une journée de merde. Toff, ne désespère pas. Oh, merci, pas, ça viendra un jour. Angelina qui dit Toff, niveau chic envers les femmes, t'es vraiment un gros porc. Et, c'est pas vrai, je suis la classe même. Tu parles. Chloé aussi qui dit ça fait depuis le début que j'écoute l'émission tous les soirs et j'ai toujours pas eu de message de bienvenue, je trouve ça inadmissible. Continuez comme ça, vous gérez, bah avec plaisir. Je vais te crever, la tête de ma mère, je vais te crever. Voilà Chloé. Et Jay Lapointe aussi, d'accord avec Toff, une moche baisse comme si c'était la dernière fois, c'est pour ça que c'est mieux, lol. Mais oui, mais évidemment. Et Davy, salut. Ouais, salut, génial ton émission, que du bonheur et on se marre super bien, salut. De moi c'est Yves. Ah bah merci Yves pour le message. Continuez d'ailleurs à être aussi nombreux. Facebook.com/MIKLOfficiel sur le Twitter. Vous mettez le hashtag Mikael et ajoutez-moi également sur Twitter. Si vous m'ajoutez, je vous ajouterai également. Tapez Mikael avec le petit tiré en bas officiel. Donc Mikael _ officiel. Suivez-moi, je vous suivrai également avec plaisir. Bon, du coup, Ertu, donc toi, t'as trouvé la bonne plante, le bon plan, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Quand j'ai envie de tirer un bon coup, bah, je vais voir si c'est pas terrible. Et puis même, je le fais dans la nuit, je vois pas sa tête. Et après, le lendemain, je me casse, je me tire de bonheur. Ah ouais, d'accord. Sa tête. Bon bah très bien, mais il s'est mis bien, c'est le principal. Hein. Attends, il y a Johan aussi qui est avec nous de Meurthe-et-Moselle de Jarny. Salut Johan. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah très très bien Johan, sois le bienvenu. Alors tu voulais réagir à Adrien toi? Ouais, parce que en fait moi avant, j'avais que des filles qui étaient, on va dire, jolies. Et ça te fait chier, je comprends. Ouais, c'est dur. Tu sais, des filles bonnes qui viennent te draguer. Ouais, mais c'est un peu comme moi, tu vois. J'ai que des bombasses qui viennent. Bon, je suis un peu blasé, quoi. Non, ouais. Oui, bien sûr, évidemment, mytho. Le problème, c'est que tous les copains, bah, ils s'amusaient un peu à me la prendre de temps en temps dans mon dos. Du coup, bah, je m'en suis aperçu. Des copains, tu dis, Doualonc, hein, c'est ça. Ah, des anciens copains. Ah, parce qu'il y a Toff qui veut être ami avec toi. Bah oui, c'est ça, moi mais j'ai aucune chance avec les bonnes. Hein, donc, ah oui, ça c'est sûr. C'est pour ça, donc au final, ça sert à rien d'être ami avec lui. Non, c'est pas vrai, un jour Toff est sorti avec une meuf bonne, il a quand même réussi à la perdre, c'est mon gueule. C'est comme quoi tout arrive, hein. Elle était magnifique. Tout le monde peut être mauvais, hein. Ah bah, merci. Ouais, surtout Toff. Non mais c'est clair, hein. On dirait deux vieux routiers avec Polo et moi, là. Bon, et donc vas-y, continue, ouais. Bah du coup c'est tout, j'ai fait ça comme ça. Et du coup maintenant j'ai des filles jolies mais juste en plan cul. Du coup je les garde que le soir, de temps en temps. Bah, j'en vois une, j'en vois l'autre. Mais officiellement je suis en couple avec une moche quoi. Ah officiellement ouais. Il y a Roby aussi qui dit à quatre pattes les moches ça n'existe pas. Top. J'adore ça, tu pouvais poster un truc en ton nom, hein, pas de t'appeler Roby. Marine qui dit t'inquiète, tu trouverais une personne qui te lâchera plus. Il y a Théo qui dit bonsoir à toute l'équipe de Fun, vous gérez, merci. Et Wendy, franchement, le mec ça va, faut pas s'étonner qu'il attire des filles moins belles, mais il est mal placé pour juger quand même. Je rappelle que la photo d'Adrien est sur le Facebook, si vous voulez aller voir, hein, facebook.com/mikaelofficiel. Donnez vos avis, et Milena aussi sur le Facebook. Ah, nous sommes personne pour définir une personne de belle ou moche, ou tout est une question de goût. Pour certains commentaires négatifs, vous êtes probablement horriblement moche pour les trois quarts. Comme chaque personne en soi a bon entendeur. Merci Mélina. Et Cindy, je suis pété de rire à écouter les bêtises que certains peuvent dire. Ah bah il y en a beaucoup, hein. Mais c'est surtout Tof. Et Maëva qui dit Mickaël, Tof, mes deux chouchous, je vous adore. Je peux avoir un message de bienvenue s'il te plaît? Oui Maëva. Alors attends, qu'est-ce que je vais mettre comme message de bienvenue? Tiens, je vais mettre... bah celui-là il est pas mal, tiens. Ouais, ferme ta gueule gros bâtard. Ça faisait longtemps, tiens. Bon, très bien. Johan, encore un truc à ajouter? Ouais, j'ai trouvé la devinette. Eh ben tant mieux pour toi, Johan. Bravo. Ouais. Voilà. Bah tu peux la donner, mais tu gagneras pas. Hein. Et bon. Tu peux aider quelqu'un. Fais attention. Voilà. Bah tu gagneras pas parce qu'il y en a plein qui sont inscrits par SMS ou via le Facebook. Alors tu vas pas arriver toi, court-circuiter tout le bordel et du coup les mecs ils ont participé, ils ont dit attends c'est une blague ou quoi? Je participe depuis tout à l'heure. Et l'autre il arrive et il me pique la place. J'ai quand même attendu 10 minutes au téléphone. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mon pauvre, c'est trop dur dans une vie. 10 minutes. Tu sais combien de temps j'attends parfois quand je vais chez le médecin? Et je lui demande pas d'avoir la consultation gratuite pour autant. On a tous le même cas. Ah c'est vrai. Bon, eh ben Yves, Johan, pardon, il te reste quelques instants pour envoyer ton message si tu veux un Facebook ou SMS. Bah bah c'est bon, c'est déjà fait ça. Ah bah très bien, bah alors on va peut-être te rappeler dans 5 minutes, on sait jamais. Ça marche, salut Johan. Ciao. Salut Ertu également, à bientôt. Tu peux passer une petite dédicace? Allez vas-y, profite à une seule personne, écoute, on t'écoute plutôt. Bah, je vais te passer une dédicace à toute l'équipe de Fun parce que vous êtes les meilleurs. Merci Ertou. Et je vous aime tous. Ah bah, c'est super gentil. À part Tof, t'as dit, c'est ça? À tout le monde, tout le monde. Ah, même à Tof? À tout le monde, ouais. Ah, bah d'accord. Ah, bon, c'est bah, cool. Comme quoi, t'es désespéré. Merci Ertou, je t'embrasse. Passe une bonne soirée, Lyon. Salut à toi, ciao. Marine, gros bisous à toi également. Oui, bisous. Et tu reviens quand tu veux. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse tout de suite. D'accord. Salut Marine, gros bisous. Salut, à toi, bisous. À bientôt. Bon, et puis, ah bah, il y a Lisa qui vient d'arriver. Tiens, on devait terminer, mais on va quand même prendre Lisa pour finir. Lisa de Mulhouse, 21 ans, comment ça va, ma belle? Ça va, et vous? Très, très bien, très, très bien. Bon, alors, Lisa, tu voulais aussi donner ton avis, toi, par rapport au beau et au moche, par rapport à Adrien? Non, je voulais réagir par rapport au fait qu'il ait dit que les filles moches attiraient au lit et pas les belles. Ah ouais. Oui. Bah, c'est Tof qui a dit ça. Attends, je peux lui en mettre une de ta part. Hein. Oui, voilà, s'il te plaît. Avec plaisir. Merci. Et donc, du coup, tu voulais dire quoi exactement, toi? Ben, parce que moi, je suis belle et j'assure au lit, donc Polo, P-O-L-O at funradio.fr. Lisa, combien mesures-tu? 1m81. Ah oui, oh là là, putain, elle te met une patate, elle est plus grande que toi. J'adore, elle lui met une grosse patate dans la tête, là, ça c'est bon, ça. T'imagines, elle met des talons, j'arrive aux genoux. Ah, grave. Combien pèses-tu? J'ai 63 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90 B. D'accord, et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. J'aurais bien vérifié personnellement, mais tu es trop bonne pour moi, donc POLO at funradio.fr. Voilà. Oh, merci, c'est ça. Monsieur est grand prince. Monsieur est bon prince. Je sais rendre service aux amis. Non, t'as pas le choix là. Tu veux pas que tu veux rendre service, c'est que t'as pas le choix là. Bon, bah tu vois, par exemple, elle, Lisa, pourrait, je pense, se permettre de donner son avis et de critiquer. Ouais. Est-ce que t'as déjà vu la tête de Tof en vrai? Enfin, en vrai, sur photo, je veux dire. Oui, j'étais sur Twitter avant. Ah, t'as été... Mais elle m'a radié. Ah bah, elle a raison. Non, même pas. Non, mais t'aurais eu raison, cela dit, hein. Il faut pas hésiter, hein. Non, ça va, je juge pas par rapport au physique. Ah d'accord, non, bah, tu fais bien aussi, cela dit. Tu as raison. Le portefeuille t'intéresse plus? C'est mieux, oui, bah... Non, elle aurait raison aussi. Bon ben, merci Lisa d'être passée. En tout cas, je te fais des bisous. Bisous. Je t'embrasse. À bientôt, Lisa. À bientôt. Ciao à toi. Adrien, merci à toi d'être passé également. Et ben, continuez à aller voir la tête d'Adrien. Donnez vos commentaires et puis ben, il va certainement. T'as déjà certainement été mettre un commentaire, Adrien. Bah ouais, une petite dédicace. Bah. Bah, j'ai fait un petit dédicace au 10-25 qui plante son chibre, quoi. Enfin, très bien. Un délire avec des potes. Parfait. C'est pour ça. Eh ben, y a pas de souci, Adrien. Bah, allez, on peut le retrouver sur le Facebook, hein. facebook.com/mikaelofficiel. Salut, Adrien. Bonne nuit. Manu. À l'écoute de Fun, évidemment. Salut Adrien. Retour avec Damien. Eh ben, on donne la réponse à la colle de Damien juste après le son de Martin Garrix. Damien, est-ce que tu es là? Oui, oui, toujours. Parfait. Bah, faisons péter la colle une toute dernière fois avant de donner la réponse. Je l'avais dit avant minuit. Bon, allez, pas 5 minutes. Hein. Allez, vas-y. Alors, Damien. Mon premier est de l'argent. Mon deuxième est le contraire de pleurs. Qui suis-je? Alors, mon premier est de l'argent, mon deuxième est le contraire de pleurs, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, si vous pensez avoir la bonne réponse et que vous voulez repartir avec l'iPad mini, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission et c'est gratuit, facebook.com/M-I-K-L officiel. Il y a Rachida qui proposait le bonheur. Non. Non, Charlène qui demandait si c'était pas les impôts. Non plus. La rigolade pour Mitch. Non. Il y a Manon également qui proposait du liquide. Non plus. Jérémy qui proposait Ribéry. Non. Il y a Fleur également qui proposait Laurie. Non. Non, il y a la billetterie pour Gabriel. Non plus. Et alors, il y a, on proposait, c'est quoi, Content. Non plus. Ou Métallerie. Non plus. Non, bon bah tant pis. Alors les autres, si vous avez la bonne réponse, il vous reste 5 minutes pile poil. Vous envoyez M.I.K.L. et la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Ou sinon sur le Facebook, facebook.com/M.I.K.L. officiel. Damien, dans 5 minutes, on saura si tu repars avec l'iPad mini, d'accord? Ça va, allez, reste avec nous Damien, je vous l'avais promis, le son de Martin Garrix, on écoute ça maintenant. C'est sur Fun Radio au cœur de la nuit sans pub. On est bien là ou pas? Grave, on est très bien. Voilà, pas de pub jusqu'à la fin de l'émission. Et puis on va se faire le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. On va encore faire d'autres appels avec Toff. Et puis on va également se faire les teubés de la télé après Martin Garrix. Wizard maintenant, bonne nuit sur Fun. C'est Fun Radio avec Martin Garrix. À l'instant, c'était Wizard. Ah bah, bienvenue, si vous venez débarquer, il est minuit 9. Il y a Marc Dorcel qui a envoyé un message à toute l'équipe. Vous êtes trop marrant. Continuez comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que Toff qui dit « Ah, il y a Marc Dorcel, il y a un message là, mais je suis pas sûr que ce soit lui. » Évidemment que c'est pas Marc Dorcel. Toff. Mais il c'est pensait. Parce que non mais parce que c'est son ouais. Dieu Marc Dorcel. Tu vois, c'est... Évidemment pour moi c'est-à-dire c'est son grand-père. Je lui ai serré la main une fois. Bah oui c'est tout, ça. Je me suis pas lavé pendant 8 jours. Il rêve de faire un porno avec lui. Complètement. Il y a Alexandra qui dit Mickaël pour vous écouter au taf c'est le bonheur, vous êtes géniaux. Bah, merci Alexandra. Et Stéphanie en fait si Toff veut pas de moi c'est parce que je suis trop bonne. Je me rassure comme je peux. Oh bien de fortes chances. Il y a Alexandra aussi qui a envoyé son message. Moi quand je suis sorti avec mon mec je le trouvais pas top. Et on a un enfant, on va se marier. Oh, bah, cool. Et puis il doit être content. Plus d'entendre le message là. Il y a DJ Comac qui dit je crois que Toff est le fils de Gilou ou pas loin. Hélène également ressemble à un homme et on en reparlera après. Et Clémentaline etc etc. Salut toute l'équipe, meilleurs vœux à tous. Toff a oublié de demander les mensurations. Ah bah ça dépend à qui parce que. Oui parce que j'ai demandé. Si si c'était 90B je pense. Ouais. Et Charline aussi, le jour où il comprendra que la vraie beauté vient du cœur, il arrêtera de se plaindre. Ouais, la vraie beauté vient du cœur, mais tu regardes pas ça en premier dans un premier temps, hein, cela dit. Hein. Et Charles qui dit Toff a un fils, c'est Adrien. Oh bah il l'aura eu bientôt quand même, hein. Il a 19 ans le petit quand même là. Putain c'est énorme, il m'a tué l'autre, c'est Habib. Et puis bon on va donner la réponse maintenant à la colle avec Damien. Damien, est-ce que tu es là? Oui, toujours. Très bien. Alors, on va faire la colle maintenant. Musique de la colle bien entendu. On va appeler le gagnant ou la gagnante. Puisqu'il y a un iPad mini à gagner, que tu as posé une colle en début d'émission et que, comme chaque soir, on appelle un auditeur au hasard. S'il a la bonne réponse quand il passe à l'antenne, il gagne et tu perds. Si la réponse est mauvaise ou qu'il ne décroche pas, c'est toi qui gagne, ok? Allez, allez, eh ben on y va, c'est parti. On appelle le gagnant ou la gagnante, là, inscrit sur SMS ou sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. C'est parti. Allez. Pour l'instant, c'est tout bénef, Damien. On est à la troisième sonnerie, ça ne décroche toujours pas, Damien. Oh là là là là. Allô? Allô? Dommage. Allô? Oui. Salut, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, comment tu t'appelles? Alexandre. Salut Alexandre, dis-moi, il y a Damien qui a une colle à te poser, là, vas-y Damien. Alors, mon premier est de l'argent, mon deuxième est le contraire de pleurs, qui suis-je? Souris. Allô? Oui, oui. Il a dit souris. C'est ça. Eh ben, oh ouais, eh ben bravo Alexandre, iPad mini pour toi. Ok, merci. Eh ben félicitations, félicitations. Tu peux le remercier, tu peux remercier Damien. Mickaël, merci, je gère. Ben voilà. Damien malheureusement c'est perdu, hein, ça c'est ouais, dommage. Bon, ça arrive même au meilleur, hein, écoute la preuve. Bon, salut à toi du coup. Allez, Damien. Allez, à bientôt. Ciao à toi. Et bravo Alexandre, hein, l'iPad mini pour toi. On en remettra un autre en jeu demain à partir de 23h. Donc passez le message autour de vous. Salut Alexandre. Allez, à bientôt, ciao à toi. On aura également Valentin, juste après le chéri, je peux te faire cocuter là, Valentin. Oui. Oui, comment ça va? Bah, ça va, et toi? Bah, écoute, plutôt pas mal, hein, pépère, à la cool, Valentin, tranquillement, tout se passe bien. Alors, Valentin, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi, dis-moi? Eh ben, moi, je suis rentré de soirée, en fait, j'étais bourré et j'ai baisé la sœur de ma copine, en fait. Oh, c'est du lourd, ça. Bravo! Ah, c'est du très très lourd. Et en deux mots, parce qu'on va, on va en parler plus en détail après, mais en deux mots, il s'est passé quoi? C'est la sœur de ta copine, donc ta belle-sœur, quoi. Ouais. Mais ouais, pas jumelle, ouais. C'est juste la sœur normale. Ouais, c'est la sœur, ouais. Oh, bah alors ça va. C'est la demi-sœur, c'est encore mieux. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, c'est sa vraie sœur, c'est pas une demi-sœur ou quoi que ce soit. Non, c'est sa sœur jumelle. Oh là là, bah oui, forcément. Mais non, mais j'étais bourré, mais... Enfin, voilà. Ah oui, bah là, t'étais bourré, mais, ouais. Toi, t'étais bourré, mais elle était consentante. Bah ouais, mais elle, en fait, elle est jalouse de sa sœur. Ah putain, c'est chaud. Mais comment t'as pu faire ça? Salope. Oui, non, mais attends, c'est lui. Mais non, c'est lui. Elle. Mais non, comment t'as pu faire ça? Ben en fait, j'étais bourré, je rentre dans le couloir et si tu veux, il y a deux chambres. Ouais. Et il y en a une, elle est en face de l'autre, en fait. Ouais, et puis après, gauche, droite. Ouais, tu t'es un peu emmêlé les pinceaux, quoi. Ouais, bah, et la sœur, quand t'as été la rejoindre dans le lit, elle s'est pas dit, mais en fait, on sort pas ensemble. Non, là, elle a écarté les jambes et tout s'est bien passé, quoi. Elle était contente, elle. Ah, elle était contente. Ah, bah, très bien. Ouais. Tu vois, quand je te dis que c'est une salope. Et ta copine, elle est au courant? Oh, ta gueule, toi. Bah, non, mais c'est ça le truc, c'est qu'elle m'a appelé cet après-midi parce que sa sœur lui a dit des choses, en fait. Ah oui, d'accord. Mais oui, mais bon, c'est ça. C'est-à-dire que l'autre, elle a tout fait pour foutre la merde avec sa demi-sœur. Bon, ben Valentin, reste avec nous de Brest. Là, on va reparler avec toi dans quelques minutes. Est-ce que vous vous êtes déjà tapé le frère de votre copine ou la sœur de votre copine ou le frère de votre copain éventuellement, Tof? Non, jamais. Ah non, mais j'aimerais bien. Ah oui, ça fait partie de mes fantasmes. Deux jumelles. Le frère de ta copine. Oui, deux jumelles. Bah oui, mais bon, des jumelles ou des triplés. C'est naze. Ouais, c'est... Non, moi j'ai envie d'essayer une fois pour rigoler. C'est naze. Faut voir, ça dépend la gueule de la jumelle, tu vois. Enfin, ça dépend la gueule des deux. Ouais, mais il y a le lien familial, moi, qui... Ah oui, ça c'est vrai, ouais. Encore, c'est des clones qui n'ont rien à voir, ok. Mais là, effectivement, il y a plein de trucs qui te bloquent, en fait. Effectivement, ouais. Ouais, mais je suis pas un porc comme toi, je suis désolé. Il y a Cécile qui dit trop énorme le mec, j'adore, franchement, vous êtes terrible, je vous kiffe, trop fun. Mathilde Amandine qui dit la meilleure émission au monde qui vient au nord, chez moi, le rêve. Ah bah oui, Mickaël chez Mathilde, c'est le hashtag qu'elle a mis là. C'est vrai que Mathilde nous avait invité à venir chez elle pour faire l'émission le 9 février, ce sera dimanche 9 février. On va débarquer chez l'un d'entre vous pour faire l'émission en direct de la maison. C'est-à-dire qu'on va débarquer chez vous là pour faire l'émission dans votre chambre, dans votre salon, dans votre salle à manger, peu importe où. Donc, si vous voulez nous accueillir, bah j'espère en tout cas, il faudra, il faut vous manifester, hein, sur le Facebook de l'émission. J'ai mis un post jeudi, facebook.com/mikaelofficiel, et vous pouvez aussi appeler Sandro maintenant, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Cédric qui dit trop bon, on est déjà en top tweet, oui, depuis 23h30 d'ailleurs, merci beaucoup. Morgane également, j'adore vous écouter le soir, ça anime les nuits de boulot, rien que du délire chez Mikael, merci beaucoup. Et Orgagasmic qui dit le plus dur, c'est de se persuader que le physique n'est pas très important. Et puis Hello 586 qui dit une grosse salope, la frangine. Bah, on va en parler dans quelques minutes, tiens. Restez bien avec nous, on va faire un appel avec Tof également. Oh oui, ça fait longtemps. Bah je te confirme, je rappelle que depuis tout à l'heure, bah ouais, on appelle avec Tof donc pour Pour faire le Ghostbusters de la bite. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que je veux sortir mon sexe anti-fantôme que je veux rentrer dans certaines femmes, hein, pour les désenvoûter. D'accord. Pour faire partir le démon qui est en elles. Voilà, donc on va appeler là maintenant là pour essayer peut-être de les désenvoûter, quoi. Ben oui, allons-y. Et gratuitement. Toujours gratuitement. Toujours. Allez, c'est parti. Le désenvoûtement doit être gratuit. Tout à fait. Merci pour les numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Tof. Et continuez, hein, si vous connaissez des gens debout à cette heure-ci et puis un peu vénère là, un peu nerveux on va dire, sur le mail de Tof, vous envoyez les numéros de téléphone toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va, on fait le deuxième appel de la soirée. On aura le chéri, je peux te faire cocu juste après. Ce sera avec Enrico. Pour gagner la Nintendo Wii U, je le rappelle. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que vous devez être exorcisée, madame. Oui, et alors? Ben, et alors, en fait, je vous propose de venir avec mon sexe anti-fantôme. Ta connerie, elle est pas anti-fantôme? Mais pas du tout, madame. Je comprends pas pourquoi vous le prenez comme ça. Moi, je vous appelle parce que je veux vous rendre service, je veux vous aider. Hein? Non, mais Non, j'aurais eu un petit ah bah va te faire reculer. Non, ouais, mais on va rappeler, on va rappeler. Ouais, on va le rappeler, on va la rappeler encore une fois. Ouais, c'est parti. Retour chez je ne sais pas qui, mais retour là-bas. C'est vrai qu'un petit enculé, ça aurait été pas mal. Ouais, bon, c'est bon. Oui. Excusez-moi, on a été coupé, madame. Oui, je suis là. Allez-y. Non, je disais, nous avons été coupés. Oui, oui, oui. Voilà. Et donc, je voulais venir avec donc avec mon sexe anti-fantôme pour vous sauver, madame. Ah. Voilà. En danger. Ben oui, vous êtes en danger, madame. Hein. L'esprit, le démon vous possède. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, du coup, avec mon sexe, je vais vous pénétrer afin de faire partir le démon qui est en vous. Je veux pas que je te pénètre ta gueule, sale con. Mais enfin, monsieur, je veux sauver votre femme. Ben viens ici, je vais te sauver ta gueule, moi. Et je vais sodomiser ce que t'éclates. Mais enfin, monsieur, je... Allez, maintenant, va te faire enculer. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Allô? Ah bah oui, bah pourquoi il dit ça? Pourquoi je il dit te ça sodomiser jusqu'à ce que tu éclates. Il est pas mal celui-là. Bon, on en fera d'autres des appels là, dans quelques minutes. Là, restez bien avec nous. Il y a Habib qui dit Tof, c'est un grand pervers. Je vous écoute tout le temps jusqu'à 2h du mat. Je vous aime trop. Merci Habib. Gaël aussi, c'est vraiment top, Mickaël. Continue, tu gères trop. Dédicace à Saint-Quentin, la ville qui vous sourit. Ah bah, j'espère bien hein, qu'elle nous accueille aussi surtout. Et Jérémy Didi, coucou l'équipe. Je vous écris en direct du boulot. Plein macaron. Un gros message de bienvenue. Bah, avec plaisir, le message de bienvenue. Tiens, en plus, on a des nouveaux là qui vont arriver là, hein, grâce aux nouveaux amis de Tof là ce soir. Hein. Hein ah oui, oui, là, il était très chaud aujourd'hui. Ah bah oui. Espèce de petit pili de merde, va. Voilà, et Julien aussi qui dit le Ghostbusters de la BIT et Félicia également. Mort de rire, il chasse des fantômes avec sa tub, c'est énorme. Exactement. Et comme on parlait de fantômes, justement, hier, je vous demandais si vous croyez aux extraterrestres. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'apparitions. Ouais, il y en a encore une là aujourd'hui là. Bah ouais, exactement. Et donc ça sinon c'est il y a un pilote qui disait qu'il avait évité une collision. Alors j'ai lu aussi un article sur une apparition au-dessus du stade du Werder de Brême en Allemagne. Et aujourd'hui je suis tombé sur un mec qui fait la révélation de l'année. Alors je ne vous la diffuse pas tout de suite. Hein, je vais un petit peu patienter juste avant. Venez nous raconter si vous y croyez aussi, si vous avez déjà vu des choses complètement étranges dans le ciel, genre la tête de Tof. Hein. Non, ça compte pas évidemment la tête de Tof, hein, vous pouvez pas la voir dans le ciel. Tu sais, t'imagines la grande ours, la petite ours et la tête de Tof dessinée en forme d'étoile. En forme de chiotte. Ça serait plus sa bite. Ah ouais, ça pourrait être pas mal ça. Bon bah appelez-nous si vous y croyez aux fantômes. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis bah vous laissez vos messages aussi. Hashtag Mickaël sur le Twitter. Vous envoyez aussi vos messages directement sur le Facebook. Vous tapez Mickaël officiel. Et puis on va se faire les teubés de la télé également. Avant d'écouter, je vous l'ai promis, le son d'Avicii. Dans 24 heures d'écho, on a un bel exemple de désaccord parfait entre le décorateur et la cliente. C'est cucu la praline, quoi. Si on m'avait demandé quels étaient les objets qui me plaisaient pas dans ce monde, on va dire, eh ben j'aurais dit ça, quoi. Voilà. Et donc là, je les ai tous les uns après les autres. C'est la collection des horreurs, quoi, en fait. Voilà. Je n'ai aucun regret. Franchement, pour moi, c'est super génial. Je suis arrivé à la finalité de ce que je voulais au départ. Je me dis franchement, chapeau Serge, tout simplement. Quand on est bon, on est bon. Ah bah voilà, c'est ça, le principal. C'est qu'il est fier de lui, t'es. Ah, c'est que tout le monde soit content. Et Tof, sur MTV, je trouvais la ville où tu dois absolument passer un week-end. Mais j'y vais. C'est Newcastle. Les gars, ils ne se rendent pas compte qu'à Newcastle, tout ce qui nous intéresse, c'est de descendre des verres et de pomper des dards. Je passe. Voilà. Bon, pour ceux qui ont mal entendu... Les gars, ils ne se rendent pas compte qu'à Newcastle, tout ce qui nous intéresse, c'est de descendre des verres et de pomper des dards. Voilà. Apollo, je pars directement. Oh, on va aller faire l'émission en direct de Newcastle. Ah bah yes. Je vais me faire chier, moi, là-bas. Ah oui, ça... C'est... Bah non, tu peux pomper des dards. descendre des verres, ça va te faire chier, peut-être. Bah oui. Arrête. Alors, au cinéma, là. Newcastle, voilà, c'est ça. Bon, et donc, question pour un champion. On a un candidat qui connaît bien la population des villes françaises, ça, c'est sûr. Hein. Quel est avec environ 4 milliards 2 d'habitants. 4 milliards 2 d'habitants. Aix-en-Provence. Avec 4 milliards d'habitants. Ouais, 4 milliards d'habitants, Aix-en-Provence, il y a du monde là-bas, dis donc. Ah bah, ah bah, grosse ville, hein, Aix-en-Provence. Et puis dans Les Princes de l'amour, Florian nous parle de Lucie avec des expressions bah, bien à lui, hein, ça c'est sûr. Je la trouve de plus en plus jolie, elle s'apprête, elle est venue en robe, maquillée, enfin elle était en mode, quoi. C'était... Elle est magnifique. Elle était en mode, quoi. Elle était en mode total. Allez, dans un instant, c'est Enrico avec le chéri, je peux te faire cocu. Ah, c'est on va bon, également... c'est pas cher, Newcastle, moi j'y vais. Ah ouais, bah tant mieux, bah écoute, on a qu'à y aller, pas de problème. Et tous vos messages en direct, facebook.com/MIKL officiel. Vous balancez aussi vos messages sur le Twitter. Ajoutez-moi également, hein, MIKL_officiel, c'est le petit tir en bas, l'underscore. Et si vous me suivez, je vous suivrai également, pareil sur Instagram. On est tous ensemble avec plaisir. Et puis, bah, minuit 22, le son d'Avicii qu'on écoute tout de suite. On fera un point top tweeto juste après. Avicii, Addicted to You, c'est le nouveau. Maintenant sur Fun Radio et je vous mettrai Shakira après. I don't know just how it happened. Le nouveau son d'Avicii sur Fun Radio, Addicted to You, et dans quelques minutes, enfin dans quelques minutes, juste après le chéri, je peux te faire cocu. Je vous passe donc le son que vous avez découvert sur Fun Radio, Shakira, Rihanna. Avec Can't Remember to Forget You, c'est ce que je vous cale dans quelques minutes sur Fun Radio. Donc restez bien là pour ceux qui l'ont pas entendu tout à l'heure. Quand on vous l'a passé, hein, cet après-midi sur Fun Radio, Shakira, Rihanna, c'est ce qui va débarquer dans quelques minutes. Voilà. Bon, et puis on est toujours là évidemment en direct avec plein de messages qui arrivent. Il y a Mister Steven qui dit on est peut-être pas seul dans l'univers, mais j'attends de le voir pour le croire. Ça y est, Rouké aussi, personnellement je pense. Et je suis là pour le prouver. Ah oui, ah bah ça c'est sûr, hein, parce que toi viens d'une autre planète, c'est un peu Alf. Tu vois, il vient de la planète Belmac. Sayaruka. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mauvais imitateur. Il a bien fait. Refait d'un fou. Un chat. Est-ce qu'il est con? Il est mauvais. Elle est bon. Bon, Sayaruka qui dit personnellement, je pense que vu l'immensité de l'univers, ce serait pas étonnant qu'il puisse y avoir une vie ailleurs, c'est vrai. Mais en même temps, quand tu vois tout ce qu'il faut pour que la vie puisse arriver. C'est tout des détails comme ça, ouais, mais ouais. Cette addition ouais. De tous ces détails qui font que c'est tellement improbable que c'est déjà que ce soit déjà arrivé une fois. Donc après, je sais pas, je suis pas fermé, mais pourquoi pas. Abdou qui dit moi, je crois pas aux extraterrestres ni à l'hypnose qu'on voit à la télé. Bon, ben après l'hypnose, c'est autre chose. Hein. Et Ethan qui dit gros délire avec les chasseurs de fantômes pervers. Bon, on appellera d'autres tout à l'heure, rassurez-vous. Arnaud qui dit j'y croirai le jour où j'en verrai. Stéphanie qui dit je vais te sodomiser jusqu'à ce que tu éclates. C'est mythique, je le veux en message de bienvenue. Bah pas de problème, on va te mettre ça dans quelques minutes. En message de bienvenue, tu vas voir, si le stagiaire a été bon, on l'aura peut-être déjà maintenant. Oui, mais le stagiaire n'a pas été bon. Ah ouais. Bah non. C'est un stagiaire. Ah mais non, bah non, là ça marche pas. Attends une seconde. Ah bah non, là, il a pas été bon du tout, hein, parce que j'ai pénètre ta gueule et c'est ça. Voilà, ah ouais, ça n'a pas été bon du tout. Hein. Bon, écoute-moi, espèce de petit con. Ah bah, message pour le stagiaire. Bon, allez, tous vos messages, vous continuez. Hein, hashtag MIKL sur le Twitter de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel également pour délirer avec nous. Prenez le contrôle de Fun, on est là jusqu'à 2h du mat comme chaque soir. Hein. Prévenez vos potes d'ailleurs, hein, il se passe enfin un truc à la radio. Avant, il n'y avait que de la musique ou des rediffs d'émissions de la journée. Et bien maintenant, il se passe quelque chose à la radio. C'est sur Fun Radio que ça se passe. 23h, 2h du lundi au jeudi. Le dimanche de 20h à minuit également. Et puis on va accueillir également maintenant notre ami Enrico qui est avec nous. Comment ça va Enrico? Salut, bonsoir. Salut, comment ça va? Bon, ça va. Bon, bah tant mieux alors Enrico, très bien. Bon alors Enrico, on va faire un petit chéri, je peux te faire cocu? Oh oui. Oh, il est content. Il en jouit. Et oui, il jouit d'ailleurs tellement, c'est beau. Bon Enrico, comment s'appelle madame? Aurélie, très bien. T'es avec elle depuis combien de temps? 5 ans. Ça fait 5 ans. Oh là là. Très bien. Vous habitez ensemble ou pas? Ben, on vient d'acheter une maison. Ah, oh, c'est beau. So sweet. Bon, Enrico, elle fait quoi dans la vie, elle? Elle est infirmière. Oh, très bien, parfait. Et toi? Ça m'intéresse. Et moi, malade. Voilà, malade. Voilà, moi, je suis le malade. Très bien. Alors, tu fais quoi, toi? Moi, je suis ouvrier. Ouvrier, d'accord, ok. C'est de production, voilà. D'accord. Bon, alors, on va l'appeler maintenant. Tu vas lui faire croire que t'as rencontré une meuf. Est-ce qu'il y a un prénom qu'elle déteste, qui est un genre un prénom qu'elle n'aime pas ou... Oh, Manon. Manon, c'est ton ex? Oui. Très bien. Bon, alors, Sandro, tu vas t'appeler Manon. Très bien, parfait. Parfait. Donc, tu vas lui faire croire que t'as rencontré Manon, je sais pas, où est-ce que t'es sorti récemment, tout sans elle? Donc, sur Mons, boire un verre, avec, elle le sait, elle est au courant, je te bois un verre avec des copains à Mons. D'accord. Donc, voilà. Bah, c'est parfait. C'était quand, ça, exactement? Voilà. C'est passé samedi. Ok, alors très bien. Donc samedi, t'es sorti, t'as rencontré Manon, elle t'a un petit peu dragué, tu lui as dit que... Samedi, j'ai rencontré Manon. Voilà, tu lui as dit que, bah, elle t'a proposé de coucher avec toi, évidemment, juste un seul soir. Elle m'a proposé. Voilà, et bah, du coup, toi t'avais dit non, qu'on verra si on se recroise. Et là, elle t'a envoyé un SMS ce soir. T'es où là maintenant par rapport à elle, par rapport à ta copine? Ben moi j'ai dit j'allais acheter du pain, donc voilà, elle rentre du travail, moi j'étais acheter du pain. Ah voilà. Tu vas acheter du pain en pleine nuit toi. Tout ça est très très crédible. Tu vas acheter du pain en pleine nuit toi.

dépend, je suis très susceptible. Oh là là, bah tu ferais mieux de juste sucer à la place d'être susceptible. Hein. Ouais, ce sera beaucoup plus pratique, au moins tu parlerais moins. Ah là là, ça c'est vrai. Ah, on est d'accord avec Enrico là, on est d'accord. Bon, Aurélie. Aurélie. Oui. T'as une petite blonde infirmière là. Attends, je te passe un ami. Aurélie. Oui. Combien mesures-tu? 1m64. Combien pèses-tu? Ça vous regarde pas. Mais si, c'est pour ça que je t'appelle. 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 75D. 75D? D comme Denise? Non, B comme Baba. Ah ouais, B, ouais. Mais... Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Pardon? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Ah ouais, non, c'est pas mal, hein. Non, c'est pas mal, hein. On est bien. Je suis bien proportionnée, oui. C'est pas mal. Je suis bien fière de moi, de comment je suis. Ouais, pour une petite infirmière, c'est je bien. Je travaille hein. pour garder ça. Bah hein ouais. Toi, tu vas quand à Mons? Ah bah, moi, j'y vais direct. Ah bah, très bien, bon, on arrive. Moi, j'ai besoin d'être soigné, là. Bah, c'est ça, on arrive. On est un peu malade. Regarde ma voix, là. Moi, je fais quoi avec Manon, là? Oh bah toi tu te démerdes, hein. T'auras perdu au change, hein, je te le dis. Non, tu l'es. Ouais, bon, il y aura gagné au poids. Oui, oui. Aurélie. Oui. Bon, tu vas te calmer un petit peu à la place au lieu d'insulter tout le monde là. Bah écoute, quand je reviens du travail et qu'on t'annonce des trucs ainsi, excuse-moi, mais t'as pas vraiment envie d'être calme. Hein. Oh là là, quel cinéma. Bon. Quand t'es amoureuse de quelqu'un que tu sais des trucs ainsi, t'as vraiment pas envie. Oh, choupine. Bilou, alors, elle est amoureuse. Oh, Seigneur, elle est amoureuse. Mais elle est amoureuse. Et ce soir, tu vas pouvoir mettre une petite cartouche, Enrico, là, je pense. Là. Bon. Non, j'espère. Bon, Enrico, dis-lui, la pauvre. Je vais dire. Bah oui. Non, je dirai à Manon, non? Ça dépend, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je pense qu'on pense pas la même chose. Ah oui, mais bon, alors d'accord, tu veux que je lui dise? Ah oh oui, bah non. Bon, Aurélie, en fait, on a déjà couché ensemble. Non, mais c'est bien, j'espère que vous aurez bientôt un enfant. J'espère que c'est facile. C'est pour ça que j'ai pris un peu de poids, je suis enceinte. Ah, tu sais, t'es vraiment très rapide, hein, ma fille. Ouais, je me trouve des excuses surtout. Ouais, c'est ça. Non, Aurélie, c'est, t'es en direct à la radio, t'es sur Fun Radio, là, t'es chérie, je peux te faire cocu. Oh là là. Bon, mais par contre, c'était pas une blague, hein. Toff, il veut bien venir à Mons pour. Pour le faire soigner, hein. Ouais, parce qu'il a une maladie, là, incurable. Il est complètement con et il aimerait bien être soigné. Non, mais sinon, je peux venir te désenvoûter. Ah oui? Ouais, c'est ça. Hein, je viens te désenvoûter avec mon sexe anti-fantôme. Ah bah oui, ça t'intéresse ou pas? Non? Non, merci. Hein, je te désenvoûte. Ça change pas, même si je passe à la radio. Ah, mais attention, y a rien de sexuel là-dedans, hein. C'est un désenvoûtement. Je vais juste, bon, t'insérer mon sexe anti-fantôme. Et puis, c'est médical, c'est de la médecine spirituelle. Exactement, voilà. C'est médical, oui. Bon, médecine médicale, oui. Je vais te purifier. Bon, Enrico, on va comme te filer la Wii U, tu vas pouvoir la voir. Tu vas gérer ça au standard avec le jeu Mario. Et puis, bah, on prend toutes tes coordonnées maintenant. Je fais des gros bisous à tous les deux. Merci. Bisous. Au revoir. Et ouais, et si vous voulez vous aussi faire un petit chéri, je peux te faire cocu, on met le couvert bien sûr la semaine prochaine. Vous pouvez vous inscrire maintenant 01 42 48 5000 ou pour la Belgique le 02 851 4x0. Et sans oublier aussi, ça fonctionne sur le Facebook de l'émission Mickaël officiel. Donc on vous attend. Il y a Habib qui dit oh qu'elle est bête. Jérémy qui dit mort de rire, Michel comment il gueule. Ah bah ouais, ça lui tue la voix là, hein, ça c'est violent. Benjamin qui dit oh qu'elle est bête là, oh qu'elle est bête. Mais oui, elle était bête. Et Luciana, évidemment c'était pour rire. Luciana qui dit je suis mort de rire. Ok, elle est bête, je suis explosé. Sarah aussi, déchire ce chéri, je peux te faire cocu là, j'ai adoré. Marine également qui dit mort de rire, ça marche trop fort. Et voilà, Michel, j'en peux plus, j'ai oublié ma migraine. Bah tant mieux. Et Orgagasmic qui dit pour une fille, toutes celles qui côtoient leurs copains sont des putains. Ouais, c'est ça, ouais. Et Félicia, la meuf, je prends l'argent du notaire. Je te le laisse. Oui, parce qu'ils avaient acheté une maison ensemble. Il va donner du lourd celui-là. Bah, il a donné du lourd. Et Sandrine qui dit, un mois que je vous écoute, continuez comme ça, vous êtes géniaux. Merci pour ces barres de rire et j'aimerais bien avoir un petit message de bienvenue avec grand plaisir. Attends, je t'en mets un au hasard. Ferme ta gueule, je t'en mets un branleur. Voilà. Félicia aussi qui dit, oui, mais Mickaël, on ne sait pas. Pas ce qu'il y a ailleurs, il y a peut-être d'autres galaxies. Oui, c'est vrai, peut-être, effectivement. Bah, on en parle justement. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Bon, on va en parler dans quelques minutes, puisque j'avais un son par rapport aux extraterrestres à vous diffuser dans quelques minutes. On va récupérer Valentin qui a trompé sa meuf avec la sœur jumelle, Roberto qui voulait réagir, il y a Mathieu qui voulait donner son avis par rapport aux extraterrestres, il y aura Cédric, on aura Jean-Pierre Sauzère qui sera avec nous en direct, bien entendu. Un vrai extraterrestre. Eh oui, et le son dont je vous parle depuis tout à l'heure, Shakira et Rihanna arrivent. arrive juste après le top tweetos. On fait un petit point sur le top tweetos maintenant. Bien sûr, allons-y. Numéro, donc, j'ai pas dit qui gagnait ce soir, quel numéro? Ah bah numéro 1 alors, hein, tant pis, on fera comme ça. Donc, numéro, enfin, sauf si le numéro 1 a déjà gagné, à ce moment-là, sera le numéro 2 et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui n'a pas encore gagné. Le numéro 5. C'est Cédric. Si ça s'arrêtait maintenant, ce sera le numéro 5. Numéro 4. Magda. Numéro 3. Julien. Numéro 2. Surprise, let's be free. Oh là, and number one, Félicia. Félicia, très bien. Bon bah voilà, il y a un sextoy à gagner, offert par passagedudésir.fr. Voilà, donc si vous voulez gagner, vous mettez un max de messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Et puis à 1h du mat, eh bien on fera un petit point et on verra qui sera le number one. Et pour le moment, je pense que pour faire plaisir à Polo, ce sera Petit Kiwi qui va gagner. Non. Si, parce que c'est, je crois que c'est la première qui a pas gagné. Ah bon, eh bah voilà, bah Petit Kiwi. Pourquoi Petit Kiwi? Pourquoi faire plaisir à Polo? Il avait pas dit qu'elle était très charmante? Ah non, c'est Elisa qui l'a trouvé très charmante. Ouais. Enfin, peut-être Kiwi aussi, il faut aller voir après, j'ai je pas sais vu pas. Kiwi. Ah bah, ne t'inquiète pas, il va chercher là. Pardon, oh, excusez-moi, là. Il me semblait que c'était d'elle qui parlait. Voilà, il va chercher immédiatement. Bon, il y aura Shakira, bah, je vous le mets maintenant, je vous l'avais promis, vous l'avez découvert sur Fun Radio cet après-midi pour la première fois. Shakira, Rihanna maintenant, avec Can't Remember to Forget You sur Fun Radio. Bonne nuit sur Fun. Eh ben nouveau Shakira sur Fun Radio, vous l'avez découvert cet après-midi sur Fun. Shakira, Rihanna, Can't Remember to Forget You. Voilà, le prince Neya qui dit j'adore le nouveau Shakira, Rihanna, je le découvre ce soir dans Mickaël de Limite. Eh ben voilà, pour ceux qui étaient pas là tout à l'heure, c'est fait. Émilie qui dit mes sextoys en carton chez mon ex-mari, je surkifferais en avoir un de Fun, je penserai souvent à vous comme ça. Bon, Émilie, fais-moi un mail avec tes coordonnées, on va t'en envoyer un. Oh, et ta photo, premier. Voilà, oui, non, la photo si tu veux, je l'enverrai à Polo, il sera content. Magda qui dit oh, mais qu'il est bon le son, ça bouge bien. Il y a mec qui dit extraterrestre non esprit, oui en tout cas, parce que je vous ai demandé si vous y croyez ou pas. Et petite Kiwi qui dit ah non pas Jean-Pierre, il va nous tuer. Mais non, vous allez voir tout à l'heure, ça va être la folie totale. Bon, je vous avais dit tout à l'heure que j'avais quelqu'un qui allait faire, qui avait fait une déclaration à propos des extraterrestres. Oui, une déclaration importante, très importante, c'est du lourd, c'est du très lourd, c'est on ne peut plus lourd. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis Kalki, le 10e Lila Avatara de Vishnu. Ce soir, le président de la République François Hollande n'annoncera pas aux Français ce dont je l'ai informé depuis de nombreux mois maintenant, l'invasion extraterrestre de la Terre par un groupe extraterrestre qui est en rapport direct avec le christianisme et la présence d'autres êtres extraterrestres opposés à ce groupe avec lequel j'ai communiqué en 2008. Je vous encourage à faire circuler ces informations entre vous, car de nombreuses personnes actuellement sont contactées dans notre pays et ailleurs par les présences extraterrestres malveillantes. Voilà. La prochaine fois, mettez-vous dans un endroit où il y a plus de bruit encore. Ah bah oui, c'est clair. Bon, va-t-il faire sa déclaration ou pas? Enfin, va-t-il en parler plutôt dans sa déclaration? On ne sait pas, demain peut-être... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, rassurez-vous, la cote de François Hollande n'a pas descendu à cause de l'histoire avec sa femme. Hein. Bon, en même temps, il est tellement bas qu'il peut difficilement descendre en dessous, mais c'est vrai que ça n'a pas diminué, ça c'est bien. Je crois que les gens qui ne l'aimaient pas, ils n'en ont plus rien à foutre. Ouais, je pense, ouais. D'ailleurs, il y a sa tête, hein, parce qu'il a été violenté par Valérie, là. J'ai mis sa tête sur le Facebook, allez voir, je l'ai mis cet après-midi. facebook.com/mickaëlofficiel, c'est... Bah, homme battu, quoi. Ouais, le pauvre. Bah oui, mais en même temps, il a cherché, hein, qu'est-ce que vous voulez. Il y a Mystique qui dit, moi j'en veux un aussi. Ah, un sextoy. Ouais, bah, j'ai pas les offrir à tout le monde, là. C'est la première qui a demandé. Anaïs qui dit, vous êtes tout simplement géniaux, vous me redonnez le sourire tous les soirs. Bah, c'est le but, et bah, merci Anaïs, tant mieux si ça marche. Petit Kiwi qui voulait un petit hello de Quentin Mossiman. Ah bon, l'a mis hier, mais pourquoi pas le remettre. Kelly, vous êtes juste des tueurs, vous cartonnez tout Fun Radio de Best. Merci Kelly et Miss Angélique. Vous me faites trop rire, sérieux, énorme, vos délires, continuez comme ça, c'est de la bombe, je vous adore, gros bisous à toute l'équipe. Bon, avant de récupérer. Valentin qui est sorti avec sa jumelle là, avec pardon, qui est sorti avec la sœur de sa meuf. Voilà, enfin qui l'a baisé, hein. Ouais, enfin, oui, oui, c'est plus que la vérité. Est-ce qu'on se refait un petit appel? Oh, si tu veux, moi je suis toujours comme chaud on était dans les, comme on était justement dans les fantômes, etc., etc. Je rappelle qu'en Chine, il y a un Chinois qui essaie de convaincre les meufs qu'elles sont envoûtées et qu'il doit les désenvoûter grâce à sa bite. Oui, puisque c'est il a son sexe magique, hein, qui peut désenvoûter juste par la pénétration. Voilà. Donc du coup, on appelle des gens depuis tout à l'heure grâce au numéro que vous nous envoyez comme d'habitude sur le mail de Toph, toph@funradio.fr, et on appelle maintenant encore un petit numéro. Mais allons-y. Allez, bah c'est parti. On remet le couvert. Maintenant minuit 51. On est en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h. Allez. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais venir désenvoûter votre femme, monsieur. Allez vous faire foutre, bande de connards. Mais enfin, monsieur, pourquoi vous dites ça? Parce que vous êtes des connards, c'est tout. Mais pas du tout, moi, monsieur. Je suis un téléphique, vous allez voir. Mais pas du tout, monsieur. Enfin, moi, je vous appelle pour sauver votre femme. Pour sauver ma femme de quoi? Mais de l'envoûtement, monsieur, du démon qui la possède. Mais elle a pas de démon qui la possède, alors arrêtez un peu vos conneries. Mais non, monsieur, je vais venir avec mon sexe anti-fantôme que je vais lui insérer plusieurs fois. Venez avec votre sexe anti-fantôme, moi je vous le mets dans la bouche, vous allez voir. Non, c'est dans celle de votre femme, monsieur. Oui, bah allez vous faire enculer, bande de connards. Mais enfin, monsieur, pas du tout. Allô? Ah non, bah allez vous faire enculer. Mais pourquoi on est, comment il sait qu'on est plusieurs? Bah j'en sais rien. Putain, du coup il nous a insultés aussi, ça se fait pas. Bon, on le rappelle. Allez. Niquez votre maman. Niquez votre maman. D'accord. Bon, okay. Ça c'est fait. Bon ben, rapide, efficace. On n'avait pas encore parlé de ta mère ce soir. Non, c'est vrai. Bah, voilà. La pauvre, il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Bah, oui, c'est bizarre. Tiens, bon ben, on va parler des extraterrestres. Alors du coup, maintenant, est-ce que vous y croyez ou pas? Il y a Orgagasmi qui dit un jour mon copain a vu un genre de laser vert dans le ciel. Je ne sais pas si c'était les effets de l'alcool, mais moi j'ai bien rigolé. Oui, en général, c'est au-dessus des discothèques pour ces espèces de renflissons. Pour indiquer là, le chemin. Pour indiquer le chemin. Et Mystique qui dit je vais te sodomiser jusqu'à ce que tu éclates, pété de rire. Est-ce que notre ami stagiaire a mis le son de notre nouvel ami que nous avons rencontré tout à l'heure? Attention, on va voir. Allez, maintenant, va te faire enculer. Ah bah non, c'est pas ça. Ah non, c'est celui-là. Je vais te sodomiser ce que t'éclates. Ah ouais, on le comprend pas là, je comprenais mieux tout à l'heure. Je veux pas que je te pénètre ta gueule, sale con. Je vais le garder celui-là, tiens, hop là. Allez, maintenant, va te faire enculer. Bah celui-là, je vais le garder aussi, tiens, hop là, voilà, c'est fait. Et celui-là? Nique ta race. Ah, celui-là il venait de profond. Ah ouais, celui-là je vais le garder aussi. Ouais. Nectara. Très bien, hop, c'est dans la machine. Si vous voulez les messages de bienvenue, bah demandez. Alors, on va parler avec Mathieu qui est avec nous de la Ciotat maintenant. Salut Mathieu. Salut les gars, ça va? Comment? Bah ça va bien et toi? Ça va nickel. Hein. Bon, très bien, sois le bienvenu. On va parler donc d'extraterrestres. Est-ce que tu crois aux extraterrestres, toi justement, dis-moi? Un peu, on va dire oui. Un peu, c'est-à-dire? Mais pour avoir vu plusieurs choses un peu bizarres, même à... Ah, tu en as déjà vu des extraterrestres, toi? Non, pas vu personnellement, mais j'ai vu des trucs dans le ciel et des... Des quoi? Des étoiles? Des nuages? Des nuages, de la lune? Un truc blanc, blanc jaune comme ça, là. Et c'est pas tout, ça pas tous les soirs la même forme. C'est normal. On rigole. Ça, mais c'est Polo, il a déjà vu des trucs bizarres. Ah oui. Qu'est-ce que t'as vu? Je raconterai après, ou non? Ou tu alors vas-y, tu racontes après. Vas-y Mathieu d'abord. T'as vu Toff, mais moi aussi je vois, c'est pas bizarre ça. Déjà la lumière verte qu'a dit la personne juste avant dans les messages, j'ai vu aussi. Moi aussi. Voilà. La lumière verte. Ouais, bon. Oui, c'est pas les trucs de boîte de nuit, je te rassure. Hein. Ouais. Mais c'est quoi comme lumière? C'est genre c'est un rayon laser ou c'est vraiment une grosse lumière? Ça fait un truc comme un rayon laser. On va dire que c'est une genre de grosse boule verte qui passe dans le ciel, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, ok. J'ai pas vu, j'ai pas fumé. Non, mais c'est pas grave. Ou alors t'avais fumé, t'as oublié. Ouais, peut-être. C'est parce que tu t'es bourré. Ouais, bah c'est possible aussi. Bon, alors vas-y, continue. Après, des lumières, enfin, une fois que tu es en train de regarder le ciel, il n'y a pas de lumière, et d'un coup, il y a un truc qui te passe devant la gueule, je sais pas ce que c'est. C'est un plein de petits trucs bizarres. Ah oui, c'est bizarre, effectivement, ouais. Et depuis, t'en as revu encore après ou pas? Non, pas revu. C'est marrant. Après, et du coup. Ce qu'il y a eu au-dessus du stade de Brême, comme tu disais tout à l'heure, j'ai vu le reportage, et apparemment, c'est vraiment un truc qui ne savent pas ce que c'est. Ils ont fait appel aux forces de l'ordre pour essayer de retrouver cette fameuse lumière. Ouais. Ils ont mis les notes. Mais et depuis, du coup, depuis, t'y crois encore plus qu'avant? T'y croyais pas avant, ou c'était quoi? Non, mais j'ai toujours cru un peu à ces choses-là, et après, quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis peut-être que ça peut exister. D'accord. Il y a Emilia qui a envoyé un message sur le Facebook, il dit oui, ils existent, et en 1980, deux aviateurs français avec leurs avions de l'époque se sont fait déplacer deux fois avant qu'ils disparaissent, les extraterrestres justement. Ah ouais. Bon, pourquoi pas, je sais pas. Gaël qui dit aussi, j'ai déjà vu quelque chose comme une grosse boule de feu. J'étais avec mon voisin qui est malheureusement décédé une semaine après. Bon, après, ouais, ça veut pas forcément dire qu'il y a un rapport non plus. Hein. Non. Et Habib qui dit, Toff, il est tellement adorable qu'il a plein d'amis, qu'il l'aime. Ils sont vraiment sympas. Voilà, c'est vrai. Bon, et du coup, c'était quoi l'histoire, Polo, là, que t'avais déjà vu? J'étais avec Mika. Ouais. Mika Roca. Ouais. Et en fait, on était devant un endroit, je ne nommerai pas, et on l'attendait, on parlait, et tout d'un coup, tu sais, en fait, on a vu une espèce de grosse boule. Il faut savoir que Polo ne termine jamais ses phrases, hein, donc il faut les deviner. Il y a des choses que je peux pas dire. Il y a des lieux dont on ne parle pas, des lieux maudits. Oui, c'est vrai. Et donc, il y a une espèce de gros. Oui. devant le Dallas, il était. Ouais. Voilà, c'est ça. Et il y avait une espèce de grosse boule argentée, tu sais, liquide comme du mercure. Tu vois le liquide qui coule là, le mercure. C'était à Times Square, le nouvel an, la boule qui descend. Non, on était dans les là, ouais. Vers Suresnes. Et en fait, et tout d'un coup, en fait, on s'est mis tous les deux, on parlait, on a tourné la tête, et tout d'un coup, ça a coulé. Tu sais, ça a fait comme si ça coulait. La pluie. Non, c'est bien énorme. C'était argenté, brillant, et ça coulait comme ça. Et la Mika, elle s'est sauvée, elle fait oh, c'est la fin du monde! Qu'est-ce qu'il est con, celui-là! Il s'est sauvé, mais tu vois, c'est, je l'ai pas vu. Il aurait l'air con si c'était vraiment la fin du monde. Ouais. Mais tu sais, encore, j'aurais vu tout seul, j'aurais pu lui dire, tu vois. Non, on l'a vu en même temps, on a eu les mêmes réflexes de. On ouais, a c'est flippé, bizarre, quoi. Et vous savez pas ce que c'était? Mais non! Non, même dans les journaux, ils en ont pas parlé et tout, c'était flippant. Et quoi, t'as flippé, tu t'es chié ouais, dessus? Mika qui est avec Bruno le matin, hein, faut le savoir. Non, je me suis pas chié dessus, mais quand tu vois le truc, ça fait peur. C'est chié dessus. Ça fait vraiment peur. Ouais, ça a coulé, ouais. C'était pas les Portugais qui faisaient le béton. C'est drôle ça. Ah, c'est drôle ça. Ah, c'est drôle Mathieu. Ah, on fait... hein, avec cette vanne raciste là. Espèce de raciste. Mickaël est portugais. Ouais, espèce de raciste. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir continuer cette conversation plus longtemps, Mathieu. C'est pas grave. Bon, attends, dites-nous les autres si vous croyez aux extraterrestres, Sandro. Les extraterrestres, t'y crois ou t'aimerais bien y croire ben, ou pas? Non, mais moi, c'est le problème, c'est que. Moi ça me rend ouf en fait de pas savoir pour que l'infini comment enfin de pas pouvoir avoir quand des réponses s'arrête. En fait moi ça me rend dingue. D'accord, donc je deviens quand je commence à y penser je deviens ouf quoi. Bon, et le stagiaire il y croit aux extraterrestres ou pas d'extérieur le stagiaire? J'ai pas vu. Parce que c'est vrai, non, il m'a dit aussi qu'il ne savait pas qu'il y avait des connards comme ça qui existaient avant de voir Tof. Donc c'est vrai qu'il croit que ce qu'il voit. Ouais, il prend vraiment ses aises, le stagiaire. Je suis un menteur. T'insultes Tof toute la journée. Ça prend vraiment ses aises. Je suis un menteur ou pas? Non, non plus. Bon, donc je l'ai, donc tu l'as dit. Non, non plus. Donc je suis un menteur. Non. Ah bah alors c'est pas possible, il y a un problème là. Ah ouais, c'est les stagiaires d'aujourd'hui quoi. Ça, t'as vu comment c'est? Ça c'est... C'est un truc de dingue quand même. Enfin bon. Bon, dites-nous les autres si vous avez déjà vu des fantômes. Voilà, tiens, si vous croyez aux extraterrestres. Merci Mathieu d'être passé. Mais de rien. Et tu reviens quand tu veux. Allez, merci. Salut Matt, à bientôt, ciao à toi, bye bye. Bon, il y a on va essayer de récupérer Valentin là qui a trompé sa meuf avec sa sœur. Il y a Roberto également qui voulait nous raconter son histoire puisqu'apparemment il a vécu pareil, hein, n'est-ce pas Roberto? Ouais, c'est vrai. Ça va bien Roberto? Ouais, ça va et vous? Bah ça va très très bien Roberto. Bah bouge pas, on va en parler juste après 2000 le bateau, d'accord? Okay. Reste avec nous, on va également avoir Cédric dans quelques minutes, Jean-Pierre Sauzère qui va débarquer, et puis 2000 le bateau, bah on se l'écoute maintenant, hein, 2000 le bateau avec Neon Lights, c'est sur Fun Radio, il est 1h du mat, on est au cœur de la nuit sans pub, hein, cherchez pas ailleurs, hein, y a aucune autre radio qui vous diffuse tout le programme la nuit sans pub. Ouais. Pépère, à la cool, tranquille. Si vous voulez choisir des sons d'ailleurs, n'hésitez pas à vous les demander, hashtag Mickaël sur le Twitter. Vous pouvez nous rejoindre également en tapant Mickaël officiel sur Facebook. Vous nous rejoignez, on est plus de 327 000 là, depuis le 22 juillet. Merci beaucoup d'ailleurs, vous êtes plutôt cool de faire passer le message à tous les potes que vous avez au bahut, à tous vos amis également, vos collègues également. Je compte sur vous pour continuer bien entendu dans ce sens. Bon, 1h du mat, il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio, c'est Mickaël No Limit. Merci à vous d'être nombreux. On est là de minuit de 2h du mat tous les soirs et le dimanche évidemment de 20h à minuit, 2000 le bâton. On écoute Neon Lights maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. 2000 le bâton sur Fun Radio. Je vous calerai aussi le son d'Euro avec Yi tout à l'heure, il y aura Jason Derulo. Et si vous voulez écouter des sons, comme je le dis chaque fois, vous pouvez demander, hein, hashtag et Mickaël, n'hésitez pas, hashtag et Mickaël, donc sur le Twitter de l'émission, ça marche également sur le Facebook, venez nous rejoindre, facebook.com/Mickaël officiel, vous mettez un maximum de messages, bien entendu, vous serez peut-être numéro 1 du top tweetos tout à l'heure, le but c'est simplement de mettre un maximum de messages, et puis nous on a un site qui calcule le nombre de posts que vous avez mis, et qui peut nous dire si vous étiez premier, deuxième, troisième, etc, etc. Bon, il y a Mister Steven qui dit, Tof, si t'es un extraterrestre, les autres habitants de la planète sont-ils comme toi? Dans ce cas, ne venez pas nous envahir. Cédric également, la Terre ne peut pas être le seul endroit de l'univers qui soit habité. Bah, on peut pas savoir. Black Dragon aussi qui dit, j'ai vu pas mal de reportages sur ce genre de truc. Les vidéos sur YouTube, c'est truqué. Après, dans le ciel, ça peut être tout et rien du tout. Oui, c'est vrai, Black Dragon, justement, c'est vrai. Ethan aussi, ils existent, c'est prouvé depuis longtemps sur Internet. Oui, enfin sur Internet. Le sixième homme à avoir marché sur la Lune, Edgar Michel, un grand scientifique, a tout déballé à la radio américaine que les états de plusieurs pays était en liaison directe avec les extraterrestres depuis les années 70. Ouais, voilà, je voilà. Pense que c'est surtout des légendes urbaines, ça. Et le bœuf ferré qui dit le stagiaire, faut l'envoyer faire un stage à Fun Radio en Corse. Non, on a bien pire. C'est une autre radio qui est pas très loin de chez nous, mais on a bien pire, on peut l'envoyer. Et Ariel qui dit on parle toujours des extraterrestres, mais jamais des intraterrestres, alors qu'il y a une vie sous terre également. Oui, okay. Parlons des fourmis. Non, mais c'est vrai qu'on parle pas des profondeurs des océans, mais c'est pareil. Il hein, bah, y a des bébés. Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs super profonds, des... on n'a jamais été voir. Oui, il y a des bêtes cheloues. Hein, il y a des bêtes cheloues. Il y a des bêtes cheloues, c'est vrai. Il y a tof. Bon, avant de prendre. Ah, bah, Valentin, on l'a récupéré. Avant de récupérer aussi Roberto, on a Jean-Pierre Sauzère. Ah, ça siffle. Bah, le sifflement est moins présent qu'avant, je suis un peu déçu. Hey, Jean-Pierre. Comment... Jean-Pierre Sauzère. Bonsoir, Michel. Comment ça va? Ça va bien. Et bravo pour ta vidéo, hein. Je ne l'ai pas encore mis sur le Facebook, mais je pense qu'il y aura pas mal d'auditeurs qui vont venir grâce à ça. D'accord, alors moi je voulais m'exprimer. Tu t'en branles de ce que je viens de dire en fait. Mais alors fous, grave, hein. Mais alors hein grave. Voilà, je t'entends mieux là, voilà. Non, non, ouais, mais tu t'en fous de ce que je disais, non, parce que non, je te remercie d'avoir fait la promo. Sur Facebook, c'est ça. Bah t'as mis, je te remercie d'avoir fait la promo pour la soirée où on va aller là, voilà. Où El Passio le 7 février. Le 7 février, voilà. Exactement, c'est à Compiègne, en Picardie, pour ceux qui veulent venir nous rejoindre. Il y aura un concert exclusif de Jean-Pierre Sauzère. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de salles de concert qui ont demandé à Jean-Pierre de venir jouer chez lui et il a refusé, il a donné l'exclusivité à Compiègne. Voilà, ouais. Où est le sifflement, Jean-Pierre? Mais c'est quoi ce téléphone? Ouais, t'as toujours le sifflement? Non, non, c'est pas le bon téléphone, là, t'es pas le vrai Jean-Pierre. Non, mais j'ai changé les piles de mon truc. Ah bah non, faut pas. Ah bah non, mais nous on veut l'original. Ouais, parce que là, moi j'ai un doute, tu vois, moi je suis pas sûr que ce soit le vrai Jean-Pierre qui nous parle. Écoute, moi je t'appelle parce que je voulais te dire que d'une manière que j'ai été appelé par. Attention, ça va être du très lourd. J'ai un nommé Jean-Marc. Là, c'est du très très très lourd. Hein, qui est arrivé avec le Michel. Ouais, et quel est le problème, Jean-Pierre? Et donc, monsieur Lafitte a dû faire les nécessaires de son côté, enfin, ah bah les oui. Droits d'homme. Ouais. Moi, j'ai appelé le CSA qui m'ont raccroché au nez. Ouais. Après, bon, on a donc appelé le 3677 Association pour personnes handicapées. Ouais. Ils ont répondu au monsieur des droits de l'homme, mais vu que si je me fais. C'est monsieur Lafitte qui a appelé? Ouais, ah, d'accord. La dame a dit, bon, on peut le mettre sous tutelle, non, mais il rigole. C'est si ça, vous comprenez quelque chose, dites-nous, parce que moi, je n'ai rien compris. Ouais, bah bien sûr. Moi, bah, les extraterrestres. De toute façon, cette affaire, elle va aller à Julien Courbet, parce que moi, j'ai ah, mais elle là-dedans, lui. Elle va aller chez Julien Courbet, carrément. Ça, il ne nous entend pas, hein. Heureusement. Et Palais, et Juge, et Sika. Ouais. Tu comprends, espère, et qui se renvoie la balle, et qui disent, bon, on rien du tout. Mais que coup, et le ballon d'or dans cette histoire. L'expertise de la psychiatrie veut dire que de toute façon, si je dis la vérité, même que j'ai interné, même que c'est vrai, pour eux c'est faux, c'est une idée dans ma tête, ils m'ont empêché d'être chanteur, c'est pas vrai, c'est un délire et tout. Bien compris. Ouais, et alors, jamais porté plainte, puis ça mais du coup, bon, on en est où dans l'histoire? C'est que des emmerdes, et c'est pour ça que j'ai dû harceler les Marouani. Mais est-ce que. C'est la vérité. Est-ce qu'il te faut un avocat, dis-moi, Jean-Pierre? Julien Courbet va s'occuper de moi, puis on va avoir des procureurs. Ah bon? Parce que sinon, on a Maître Peters qu'on peut te présenter. Non, allô? Maître Peters, je vous présente notre ami Jean-Pierre Sauzère. Oui, du bonsoir. Voilà, qui a apparemment quelques petits problèmes et pour éventuellement l'aider. Oui, c'est gratuit, hein, c'est Fun qui paye, Jean-Pierre, l'avocat. Non, oui, monsieur du Jean-Pierre. Non, mais de toute façon, un avocat, j'ai pas de problème. Hein, oui, je suis là pour donner du conseil de toi. Oui, mais peut-être que le con, s'il le fait, je ne sais pas le faire aussi, moi, le con, tu vois. Oui, j'ai pas du compris, monsieur. Ouais, voilà. Oui. Non, mais vous inquiétez pas, moi, je sais gérer, ok? Bah, non, mais c'est pour te défendre. Oui, j'ai eu l'impression que tu es un peu quand même dans le. Enfin, ça va pas, quoi. Moi, ça va très bien, c'est vous que ça va pas. Parce que Michel, tu fais une blague, et bon, c'est visible. Non, je comprends pas, monsieur. Je suis avocat dans le barreau de Antwerp, hein, c'est dans le Belgique. Et donc, peut-être je peux aider de toi. Non, mais bon, de toute façon, je verrai bien. Moi, je vois que l'équipe, sans aucun doute, voilà. Oui. Je connais peut-être un procureur aussi en Belgique, ou je sais pas où, aux États-Unis, peut-être qu'il va m'aider, non? C'est à suivre. Oui, mais c'est-à-dire que le problème de toi, en fait, c'est quoi qu'est-ce? Non, mais arrête, Michael, c'est vrai, c'est toi. Si je refusais de passer sur énergie ou quoi. Comment ça se fait qu'il m'a entendu? Non, moi, il m'entend pas. Il rigole avec moi. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Toi, Michael. Jean-Pierre. Non, il m'entend pas. Jean-Pierre. C'est un avocat, c'est notre avocat. Mais oui, c'est l'avocat de l'émission. Mais c'est l'avocat de l'émission. C'est pas l'avocat de merde, c'est Maître Peters. C'est Maître Peters. Il est flamand. Je suis un peu dans le choc. Pas que tu parles comme ça de moi, hein, monsieur. Mais non, mais on t'explique. Mais Jean-Pierre, pourquoi tu toujours croire que on te roule? C'est bon, je te propose des services. Non, tu veux non, pas, tu veux pas. On parle en antenne avec d'autres façons. Bon, bah très bien, bah alors. Bon, bah très bien. Alors, du coup, on en est où alors? Hein? Est-ce que t'as vu le ballon d'or? Non. La remise du prix. Du prix de quoi? Du Ballon d'Or. Ah non, non. Ah bon? Mais t'es pas au courant? Bah non. C'est Cristiano Ronaldo qui a gagné. Ah d'accord. Tu connais? Non. Ah tu connais pas Cristiano Ronaldo? Non. Mais le joueur de foot. Ah ouais d'accord. Ouais. Ah tu regardes pas le foot? Bah si, je regarde le foot de temps en temps contre la France, contre la Coupe du Monde et tout, mais je suis pas passionné de foot à 100% moi. La France contre la Coupe du Monde. Oui, c'est la France contre le reste du monde. D'accord. Bon, bah, très bien. Bah, alors, c'est Cristiano Ronaldo, c'est un Portugais qui a gagné tout à l'heure. Bon, bah, très bien. C'est mon ami Marc qui Ah, il aime bien le foot. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, bon, bah, écoute, en tout cas, on te souhaite bon courage dans ta croisade. Bah, oui, non, mais c'est les mecs qui se rigolent derrière. Alors, moi, mais non, mais c'est Polo, mais c'est un con. Attends, je le tape. Putain. Non, c'est moi, et Jean-Pierre, je suis un peu limité, ouais, et je rigole pour rien, voilà. Ouais, il rigole pour rien, mais c'est pas toi. Je suis dans la mâchoire. Mais non, mais de toute façon, je lui ai donné une claque, Jean-Pierre. Ouais, ça se fait pas. Non, mais il y a un moment, il faut du respect, et lui n'en a pas, et c'est ça le problème, c'est que toi et Polo n'en ont pas. On rigole derrière moi, sinon tu vois, après, si tu me prépares des concerts, et si je les fais pas. Ah, bah non, mais il faut venir. Mais attends, mais moi, j'ai rien fait, moi, je rigole pas, Jean-Pierre. C'est toi et Polo, ils sont cons, ils sont limités, c'est tout. Écoute, tu peux on va les virer. Ah ben, je vais les virer, Jean-Pierre. Tu peux virer Toff et prendre Vincent avec toi. Eh ben, par exemple. Écoute, on virera Toff. Tu vires qui tu veux, puis. Bah, écoute, ce sera un exemple. Pour Sandro, le stagiaire et Polo. Quand même, là, hein. Non, mais voilà, il y a un moment, faut quand même pas pousser Mémé dans les orties, quoi. Bah non, parce que après, je vais me poser des doutes sur toi. C'est tout. Non, Jean-Pierre, arrête un peu. Mais non, enfin nous. Enfin bon. Bon, Jean-Pierre. Entre nous, Jean-Pierre. Voilà, toi, t'es viré, Toff. Ah oui, pardon. Voilà. Bon, donc, écoute, Jean-Pierre. Façon, je voulais dire ces associations de merde, les 36-77 associations pour personnes handicapées. Je n'en ai rien à voir. Ils t'ont pas aidé, quoi. Ils t'ont pas aidé, ça se fait pas. C'est mon pied dans le cul que je remettrai, mon poing dans la gueule. Exactement. Et d'ailleurs. Amis, tous ces gens-là. Et d'ailleurs, pour. Avec tous ces gens qui m'ont fait du mal. Et d'ailleurs, pour clôturer, je propose qu'on mette un extrait. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays de mes rêves. Bon voilà, ça y est, c'est fait quand même alors, du coup, hein. Ouais, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, puis je suis pas une personne qui se laisse faire. Moi, on m'a déjà mis une tutelle à l'époque, puis j'ai foutu sur la gueule, hein. Moi j'ai pas peur, moi. Mais t'as raison, Jean-Pierre. Mais t'as raison, faut pas te laisser faire. Attends, qu'est-ce que tu crois? Ouais, oui, c'est un de droit que j'ai buté aussi. Hein, parce que oui. Pas ces gens-là. Hein. Mais voilà, c'est ça. Il y a même. Ma mère qui m'a fait interner, j'ai été suivi d'un engrenage, je n'ai jamais fini. Ah, bah carrément. Écoutez, maintenant il m'a fait préparation. Non, mais de toute façon, Jean-Pierre, le principal, c'est le concert le 7 février. Bah voilà, évidemment. Je vais répéter, bon, c'est vrai que je fais de la chanson, c'est du deuxième degré, mais. Bah évidemment, d'ailleurs, je vais mettre. Quand même avec Écho de Rock et tout ça. Jean-Pierre. Ouais. De toute façon, je remettrai encore ton disque. Mais comment ça s'arrange alors pour la SACEM? Je prends combien? De toute façon, on va discuter de ça, on va voir ensemble. Hein, à chaque fois, il reporte. Pour la SACEM, c'est des potes qui me faire signer. De toute façon, les chansons. Oui, on va signer. Tout ce qui passe de musique sur moi, là, ouais. Sur la radio en direct, les directs, la SACEM relève. Ah bah, bien sûr, évidemment. Et bien après, tu vas gagner. La musique, moi, les paroles et tout. Tu vas gagner, toi, t'es auteur, compositeur, interprète. Non, je suis que auteur, moi. Ah merde. Je fais pas la musique moi. Ah, okay, bon, c'est pas grave. Il est pas interprète non plus. Bon bah très bien, bah écoute, c'est parfait alors. Je suis interprète, j'ai que les deux. Eh ben parfait. Bon bah alors Jean-Pierre, on va pas te déranger plus longtemps, ouais, on sait que t'es très occupé. C'est ce que je voulais crier, mon coup de gueule, parce que bah c'est fait, le coup de gueule est passé là. Hein. Parce que les gens comprennent rien. Puis non, exactement. Mentir, puis les gens sont cons. En fait les gens sont tough. Voilà. Ouais, de toute façon, on fait des associations aujourd'hui, c'est pour coûter les gens, mais des fois. Bah voilà. Aussi. Et nous on a un peu une association tous les soirs quoi. Sinon il y en a une belle association qui est correcte, c'est l'association de l'Innoventura. Qui est correct. C'est personnage et tout. Eh bah très bien. Bon, bah, le message est passé. Je suis pas qu'on handicapé, je suis victime de la société. Bon bah Jean-Pierre. J'ai rien à branler d'eux. Jean-Pierre, parce que la batterie, il n'y a plus de batterie là. Voilà. Ça va couper Jean-Pierre. Bah c'est ce que tu nous as dit en tout cas, hein, qu'il n'y a plus de batterie. Ouais, bon bah très bien. Bah Jean-Pierre, de toute façon le 7, hein, on sera là, on sera à Compiègne, hein, et le patio là, le concert exceptionnel de Jean-Pierre Sauzère. Et je chanterai quelques types, puis voilà. Et Toff sera déguisé en lapin. Enfin, il est viré, mais on va le reprendre exceptionnellement en ce moment-là, quoi. Et puis aussi, je vais faire un tournage avec. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, bien sûr. Un film porno? Mais non, mais comment il s'appelle? Les extra jolis, là, tu vois? Les animaux du monde? Evangelina? Non, Eva Jolie. Eva Jolie? Oui, ça va être un truc sur l'environnement. Ah, bah ça va être parfait ça. Eva Jolie s'appelle. Très bien, bah écoute, c'est parfait alors, hein, très bien. On va me rencontrer aussi d'ici peu, venir me voir. Là. Bon, bah écoute, c'est magnifique, magnifique. Ah, je l'ai déjà fait dans le temps. Hein. Bon, bah écoute, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut toujours penser en mode. Je suis un Walk and Wall Man! Voilà, Walk and Wall. Ok. Exactement. Bon, bah, salut, Michael. Bon, et Walk and Wall, mec, hein. Ah, ouais, voilà. Bon, ça roule. Allez, bon, salut, JP. À demain. Ben non, mais on se rappelle. Ah ben bien sûr. Plutôt, hein. Ah oui, on se rappellera. T'inquiète pas, mais évidemment. Ouais, parce que t'es, t'es... de toute façon, il faut faire la promo de la soirée, donc on va te rappeler de temps en temps. Hein. Ouais, mais bon, avant, moi j'aimerais bien que tu me fasses tes coordonnées privées. Là, oui, ah bah bien sûr, bah évidemment. Moi, je veux pas attendre non plus des heures tard la nuit comme ça. Eh ben, écoute, je vais te repasser le standard. Ils vont les donner. Tant que je passe avec Marc, c'était correct dessus parce que. Ben je sais. Ouais. Au départ, toi. Mais bien sûr. Écoute, je vais te repasser au standard. Ils vont te les donner. Tu demandes bien à Dexter, le stagiaire. Là. Il va gérer ça. Bah ouais, voilà, ouais. Très bien. Bon, ben salut JP. Merci, hein. Au revoir. Et s'il te les donne pas, tu l'insultes. Hein. Ouais, bien sûr, non, mais il y en a marre. Bah, comme d'hab, quoi. Tu vois, non, d'hab, parce qu'il y a un moment, c'est un con, quoi. Très bien. Bon, ben ça marche. Salut, JP. Salut. Bah, allez, ciao à toi, bye bye. Faut que je mette des euros, moi. Ouais, ouais, un petit peu de. Et puis après, on va récupérer. Désolé pour le retard, Valentin. On va te reprendre dans un instant, promis, juste après. Avec Roberto également. Valentin, donc, qui a trompé sa meuf avec la sœur de sa copine. Tout un programme. Il y a Brandon qui dit Jean-Pierre Sauzère, c'est une blague, j'espère. Bah, pas du tout. Félicia qui dit JPS me fait vraiment rire. Il se prend trop pas pour de la merde, lui, quand même. Il y a IDR aussi sur Facebook. J'ai trouvé une vidéo qui dit que Obama a un garde du corps extraterrestre. Mais putain, les USA ne ratent rien. Et c'est MN énorme. Qui dit on comprend rien, le mec. Et Mariam qui dit dans l'écho républicain de Chartres, l'image du jour, c'est une photo de très lumineux faisant la forme d'une étoile. L'explication scientifique, un reflet dans la vitre. Des lumières dans la salle. Nous n'étions pas tous dans la même salle pour avoir vu ces lumières à suivre. Donc, et enfin, Luciana sur le Facebook qui dit « Je crois, vu qu'ils ont déjà trouvé des choses fossilisées sur Mars, alors je suis sûr que ça existe en extraterrestre. » Ouais, alors en parlant de Mars justement, tiens, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a 200 000 personnes qui ont postulé donc pour aller vivre sur Mars et dans les 200 000, j'ai pas été pris. Bah c'est bizarre. Il y en a deux dans les 200 000, donc il y en a un peu plus de 1000, dont une Française, qui ont été sélectionnées pour faire des tests et peut-être du coup faire partie des 24 c'est qui drôle. Pourront aller vivre sur Mars. Est-ce que vous iriez vous vivre sur Mars? Ah non, moi je suis bien là, je suis un terrien moi. T'es terrien toi. Mais ils reviennent pas, hein, je crois. C'est un aller sans retour. C'est un aller simple. Ouais, moi je voulais y aller, mais. Bah t'en dirais, hein. Bah vas-y, casse-toi. Mais je fais partie moi des 200 000 qui ont postulé. Oh là là. T'es sérieux? Mais ouais. Il est con celui-là. Parce qu'il y a quand même 6 mois de voyage, hein, voire 9 je crois. C'était hyper long, ouais. Bah 6 à 9 mois de voyage. Et puis bah après le problème c'est qu'ils savent pas comment vous faire revenir. Non mais tu reviens pas. C'est dans le truc, c'était bien précisé qu'il y avait aucune chance de retour. Hein. Ah ouais d'accord. Bah déjà il faut arriver. Déjà il faut arriver sur place si tu veux. C'est pas facile déjà. Imagine, à un moment donné, tu t'es pris de panique parce que t'es pas à l'air libre, enfin il n'y a pas d'air. Ah bah non, t'es dans des bulles tout le temps, définitivement. Et pour là, peu que t'arrives déjà jusque là-bas. Putain, et tu imagines à un moment donné tu tapes une crise. À côté de ça, en imaginant qu'un jour ils arrivent à mettre une atmosphère, tout le bordel, t'arrives là-bas, t'es le premier, tu prends tes terres. Mais oui, c'est ça, c'est comme les enfin, premiers. Enfin, tu prends tes Mars. Non, mais c'est comme les premiers qui ont été aux États-Unis, comme. Voilà, c'est plein de trucs comme ça. Non, ah ouais. Ça n'a rien à voir. C'est moi qui a vouloir y aller, hein, s'il y a des Mars à bouffer. Non, si, attends, s'il y a des Mars, c'est sérieux. Ouais, c'était ouf. Un aller, tu reviens pas, mec. Ouais. Ah bah oui, mais voilà, mais tu prends tes terres. Déjà, j'ai peur de là-bas. L'avion, alors la fusée. Mais y'a rien. C'est au-delà de la fusée, c'est une navette, là. C'est la fusée. Mais bah, dites-nous si vous iriez vivre sur Mars, si vous aviez la possibilité. Est-ce que vous iriez comme les 24 qui sont sélectionnés, là? On en parle maintenant. 851 4x0, c'est le numéro du standard depuis la Belgique. Vous appelez, il y a Sandro qui décroche. Et puis je vous l'avais promis, le son de Dero maintenant sur Fun Radio avec Ye. Il y aura Jason Derulo aussi pour Marry Me. Et puis il y a un message de Habib qui dit Toff, il est tellement adorable qu'il a plein d'amis qui l'aiment. Ah bah oui, exactement, oui. Je peux pas que je te pénètre ta gueule, sale con. Voilà, par exemple. Allez, maintenant on va te faire enculer. Voilà, je pense que c'est bien résumé. Il est 1h18, on est en direct jusqu'à 2h sur Fun. C'est Fun Radio avec Deoro à l'instant, c'était yeah. Allez, bienvenue si vous venez de débarquer. C'est Mickaël No Limit, on est en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat. Il y a Emilien qui dit Mars c'est trop loin et trop risqué. Je pense que Toff volerait la place à la française sélectionnée pour retourner chez lui. Mais on peut pas retourner, c'était un aller simple. Mais ouais. Non mais c'est parce qu'il dit que je suis un extraterrestre. Ah oui, peut-être oui. Oui, c'est vrai. Alors il y a un message de Jean-Charles aussi qui dit j'irai sur Mars si on me donne une bonne PS4 avec des bons jeux. Ouais bah il y a quand même 9 mois de voyage hein, quand même. Hein. Emilie aussi sur France 3 Lorraine, ils ont annoncé qu'un ancien a été sélectionné, c'est un truc de ouf. Eh ben un ancien de moi, hein. Il y a Orgagasmic aussi sur le Twitter qui dit si un mec veut se débarrasser de sa meuf, il lui offre un voyage sur Mars, problème résolu, c'est pas faux. Et Clément qui dit il est complètement fou, Jean-Pierre Sauzère, c'est un phénomène mort de rire. Et le prince l'a dit encore sur le Twitter qui dit moi j'aimerais bien aller sur Mars, pourquoi pas, mais pas 6 à 9 mois, juste pour une journée, histoire de ne plus être sur Terre. Tu pars en week-end. Ouais, oui, bah, je pars où? Je pars sur Mars. Non mais c'est pas que tu restes 6 à 9 mois sur la planète. qu'il y a 6 à 9 mois de voyage. Je crois que c'est 9 mois d'ailleurs. C'est ça, et tu ne reviens pas, tu restes là-bas, c'est ferme. Ouais, 9 mois. Fait, ils n'ont rien trouvé pour ramener en fait la fusée. Quoi. Exactement. Ouais. Et Habib, attends, c'est quoi? Si on pouvait savoir aussi ce qui cache dans cette foutue zone 51, je pense qu'on pourra avoir là, une réponse à une bonne partie de nos questions. C'est Christopher. Est-ce que je peux annoncer là? C'est un scoop. Annonce. En fait, c'est une cave géante où il y a une croix pour Toff. J'y vais, je pars. Parce que je rappelle pour ceux qui n'écoutent pas l'émission en règle générale que Toff nous a avoué. Il nous a pas avoué parce que avoué ça voudrait dire qu'on l'aurait questionné. Non, il l'a dit tout seul. C'est sorti voilà. Qu'il aimait. Il se confie. Exactement. Qu'il aimait se faire et qu'il le faisait d'ailleurs régulièrement. Se faire attacher sur croix en forme de X, hein, pas une croix catholique. Et donc se faire attacher, se faire enculer. Voilà. Par qui? Par personne. Bah, si. Passage du désir.fr. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, c'est ce qu'il a avoué. Enfin, c'est ce qu'il a dit volontairement. On lui a rien demandé. C'est un truc de dingue. Ouais, et en fait, ça venait du cœur. Je sais pas, il voulait. Ouais, j'avais besoin d'exorciser. Putain. On t'aime comme ça, top. Et il s'est fait fouetter aussi, ça, faut l'annoncer aussi. Ah, bah, bien sûr, oui, c'est vrai, mais il a pas aimé. Il a pas aimé. Voilà. Et la croix, d'ailleurs, on a des nouvelles. Écoute, il y a un nouvel ébéniste qui s'est proposé des Vosges, dans le bois des Vosges. Voilà. Bois des Vosges, ouais. Et donc, j'attends de voir s'il va honorer la commande. Voilà. Ouais. On l'attend, on a fait la place. On attend avec impatience, hein, ça c'est clair. Bon, il y a Marine à côté de la barre de poule d'aile. Oui. Mais parce que demain soirée spéciale strip club dans l'émission à partir de 23h, on va faire installer demain, ils viennent installer la barre de poule d'aile en plein milieu du studio. Et donc on a une auditrice, c'est Déborah qui va venir, une ancienne ou une gogo danseuse, je sais pas si elle est encore gogo danseuse. Enfin, en tout cas, elle a été. C'est le principal. Et donc, il va venir nous faire un petit show. Et il y a Toff qui va nous faire également un show. On va voir lequel des deux sera la meilleure. Je serai juge car je suis spécialiste mondial des boîtes de striptease. Exactement. Ouais. Marine qui dit, je vais sûrement dormir en cours demain, mais je kiffe vous écouter. Mais oui, Marine, c'est bien. Et puis, ça dépend. Qu'est-ce que t'as comme cours en début? C'est ça la question. Tu vois, si t'as des cours à la con, genre c'est ta gym. Tu dis, j'ai oublié mes affaires. Et puis, tu piques un petit roupillon, quoi. Je le faisais, ça marche très bien. Donc, c'est bon. Bah, totalement. Valentin. Bah non, on a perdu Roberto, là. Je lui ai dit, en plus, qu'on allait en parler. On allait parler avec lui juste après le son de Déoro, la déception totale. Bon, c'est pas grave. Cédric en attendant avec nous. Salut chez Cédric de Charleville-Mézières. Salut l'équipe, comment ça va? Eh ben très bien, et toi? Ça va nickel. Bon, tranquille. Alors, Cédric, tu nous appelles. Ah, tu veux nous inviter chez toi? Exactement, c'est tout à fait ça, ouais. Cool. Je rappelle que le 9 février, on fera l'émission en direct de chez l'un d'entre vous. On fera ça, mais pas dans... Genre, quand on dit on vient chez vous, c'est pas on vient dans une ville. On va venir évidemment dans une ville, mais on va surtout venir chez vous, à la maison, faire l'émission en direct de chez vous, de votre chambre, de votre salon, salle à manger, cuisine, même le garage, hein, dans l'idée, hein, s'il y a de la place, il y a de la place. Pas... Même la cave, Toff, il rêve. Oui, moi j'adore les caves. Ah, si vous avez une croix, il sera là, vous inquiétez pas, il va venir plus vite que prévu, tiens. Bon, et donc du coup, tu nous invites chez toi, Cédric. Bah, c'est cool. Bah ouais, bien sûr. Bon, en plus de ça, j'ai le père qui est cuisinier, donc une bonne petite... Oh, on est pas mal. Qu'est-ce qu'il cuisine? Bah, il fait à peu près tout, quoi. Il fait des bonnes pizzas maison, pâtes à viande maison, c'est vraiment le top, quoi. Oh, on veut des mal, crêpes. Ça. Moi et Sandro, on veut des crêpes. Ah non, il fait des pizzas, il vit cuisinier à faire des crêpes. Mais si, il peut. Bah, bien sûr qu'il des peut, bonnes mais... crêpes. Crêpe Nutella banane coco. Mais oui, la plus light pour Sandro, hein, comme t'as pu le remarquer. Hein, je mange léger en ce moment. Ouais, elle est en mode régime. Elle est en mode régime, comme t'as pu le remarquer. Tu m'étonnes. Bon, et donc du coup, bah écoute, avec plaisir. Donc t'étais à Charleville-Mézières, mais t'es où? T'es genre plein centre ou t'es sur le côté? Non, je suis sur les hauteurs, c'est un coin tranquille, il y a un grand jardin, j'ai un garage. J'ai ouais, enfin, le jardin en plein mois de février à Charleville-Mézières, je pense que c'est l'endroit où on qu'on verra pas, hein. Non, c'est sûr, non, mais bon, là, j'ai le garage aussi, je prépare la croix pour Toff. Ah, attention. Ah, mec, en plus, il y a une croix, là. C'est pas n'importe quelle croix, il y a des dimensions spécifiques, et puis il y a des lanières en cuir. Et oui, tu peux également mettre du fil barbelé à la place. Si t'as pas de lanière en cuir, tu mets des fils barbelés. Ah bah oui, c'est super bien, ça. Et il faut un trou par derrière pour la sodomie, voilà. Évidemment, comme il aime bien se faire enculer par... passagedesir.fr. Voilà, donc du coup, c'est important, quoi. C'est super important. Bon... Est-ce que tu pourrais nous fournir tout ça? C'est un petit peu la liste minimum pour qu'on puisse venir chez vous. Hein. Non mais on doit choisir encore. On a eu plein de propositions. Bah, Charleville-Mézières vient d'arriver. On a Lille également. Il y a Reims qui voulait qu'on aille aussi. Il y avait Marseille. Il y avait Charleroi à la friterie Alba. Ouais. On nous avait demandé de venir aussi à Besançon, à Nancy, Montpellier aussi. Montpellier également. Et pas grand chose du côté de Bordeaux tout ça. Hein. Non, vous nous aimez pas à Bordeaux pas. Hein, ouais. Apparemment. Hein. Vous n'avez pas envie qu'on vienne chez vous. Tant pis, c'est pas grave. Et puis quand j'habite pas loin de Reims aussi, j'ai deux petites bouteilles de champagne au frais qui vous attendent. Ah oui, monsieur, tu nous mets bien, quoi. Ouais, monsieur, c'est recevoir. Ah bah normal, il faut savoir recevoir, surtout pour l'équipe de Mickaël. Ah bah écoute, merci beaucoup Cédric. C'est bien noté en tout cas. Bah écoute, on verra hein, chez qui on va aller. Je crois qu'on va réunir en fait toutes les demandes sérieuses, parce qu'après il y en a qui disent ah bah viens chez moi, et puis bon, il n'y a pas vraiment de truc sérieux derrière. Et puis bah dès qu'on aura les personnes qui veulent nous recevoir, on fera un petit tirage au sort et puis on viendra dans l'une des villes avec grand plaisir en tout cas. Bah merci beaucoup Cédric. Ouais, mais je peux juste passer une petite dédicace Mickaël. Avec plaisir, vas-y. Je voudrais juste que tu passes un coup de fouet à toute la team Twitter qui me suivent et se reconnaîtront là-dessus, pas de problème. Très bien, alors attends, parce que le coup de fouet, comme Toff l'a pris, il le range pas chaque fois au bon endroit, donc attends, 30 secondes, voilà, hop là. Merde. Voilà. Hop là, il l'a eu. C'est bon ça, j'adore ce petit son. Bah, ça m'étonne pas, tiens. Eh ben, merci Cédric en tout cas, peut-être rendez-vous le 9 février, peut-être chez toi, en direct de ton salon alors. Ok, pas de problème, ça marche. Ça roule, allez, à bientôt. Bonne fin d'émission, les gars, plus. Merci beaucoup. Ciao à toi Cédric. Il y a Mystique aussi sur le Twitter qui dit je déménage le week-end du 7 au 9 février, pendaison de crémaillère avec l'équipe de Fun, ce serait au top. Ah bah oui, mais si tu déménages, l'autre il nous invite pour qu'on lui file un coup de main pour les cartons. On remplisse les cartons et qu'on charge le camion. Ouais. Tu crois qu'on t'a pas grillé Mystique là? C'est bien essayé. Orgagasmi qui dit il y a Mess aussi, j'ai un tout petit chien pour Sandro et l'adorerait. Ah bah pourquoi pas. Meg également, et si on envoyait tous les cons sur Mars? Ouais bah déjà je ferai l'émission tout seul hein, donc déjà on va quand même se faire chier à un moment hein. Et Granville qui dit moi je vais sur Mars mais dès que j'arrive j'écoute Mickaël. Bon, il y aura un peu de décalage. Il y aura un peu de décalage, effectivement, mais bon. Et Charles qui dit salut Mickaël, j'ai découvert l'émission hier et je n'ai pas raté plus de 10 minutes. Est-ce que je peux avoir mon message de bienvenue? Écoute, avec grand plaisir, j'ai envie de te dire. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà, Charles. Et Let's Be Freaks qui est là également. Je m'en tape d'être premier ou non. Le plus beau des cadeaux, c'est de les entendre à la radio. Oh, merci, Let's Be Freaks. Et Black Dragon également. Je t'invite sur Guérande, Marais-Salant, La Baule, Nantes, à côté de Saint-Nazaire. T'as Turbal également, la côte, quoi. Ah, bah cool. Enfin, ouais. On vous invite à la côte, c'est cool. Alors, Valentin, on a perdu malheureusement Roberto qui voulait donner son avis par rapport à ton histoire, c'est pas grave. Valentin qui nous avait appelé parce qu'il a trompé sa meuf avec sa sœur. Enfin, pas. Oui, avec sa sœur à elle, évidemment. Hein. Attends, Valentin, coupe ta radio, s'il te plaît. Valentin ? Oui ? T'as coupé la radio ? Oui, t'as coupé la radio, parfait. Donc du coup, t'as trompé ta meuf avec la sœur. Tu nous avais expliqué en fait que t'étais rentré chez ta copine et que il y a la sœur qui habite, qui a sa chambre à côté d'elle. Tu t'es trompé de porte, soi-disant, t'es rentré dans la chambre. Et donc tu sais, le mec il a pas vu que c'était pas la même chambre. Bah oui, non. Hein, et ça m'est arrivé. J'étais bien bourré, hein. Ouais, bon allez, passe encore. Du coup, quand je suis arrivé dans la chambre et tout, et je me suis dit, ouais, c'est pas la chambre là, machin. Et puis, bah, du coup, c'était trop tard, quoi. Puis elle était pas contre, en fait, parce qu'elle est jalouse de sa sœur, quoi. Ah oui, d'accord, ok, oui, bah oui, forcément, jalouse de sa sœur. Et d'abord, elle en a profité. Bah, alors, au départ, elle voulait pas trop, quoi, mais vu que j'étais bourré, voilà, quoi. Et du coup, quelle a été la vengeance après? Parce que, comme elle a tout balancé après ta copine, c'est-à-dire sa sœur. Mais je sais pas, moi, je suis parti en vacances encore. Là, je suis en vacances et... Ah, mais t'as pas de nouvelles depuis? Ben non, mais du coup, moi, là, je suis dans les Vosges, je suis en vacances chez mes parents, quoi. Ah, d'accord. Et tu t'inquiètes pas. Et tu t'en fous? Ben non, justement, tu vois, je sais pas trop comment. Je sais qu'elle l'a appris, vu qu'elle m'a téléphoné cet après-midi, mais je sais pas trop comment, quoi faire. Mais tu rentres quand, là? Là, je rentre le 24. Ah oui, j'ai mis bien, lui, hein. Tu t'es mis pas mal, là, Valentin, là. Ouais, bah ouais. 15 jours de vacances, pépère. Bah oui. Il faut bien, je vais repartir après. Ah bah tu m'étonnes. Bon, donc du coup, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire, mec? Tu vas prendre cher, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah ouais, carrément, mais... Ah bah complètement, même. Ou alors on l'appelle en direct? Non, ça serait pas mal. Moi je suis d'accord. Moi je trouve que si t'es un homme, un vrai, on l'appelle en direct. Non, puis là elle dort. Bon bah on peut faire demain un peu plus tôt, à 23h. Ouais, ou demain plutôt, ouais. Demain. Pour rappel demain, quoi. Eh bah voilà, mais ça c'est très bien. Au moins comme ça on prend la température et puis mieux vaut être lâche. Faire ça par téléphone, c'est toujours mieux. Il y a moins de risques et tout. J'ai une anecdote. Ah vas-y, c'est quoi l'anecdote? Alors je me disais c'est pas possible, il a pas pu se tromper, mais une fois j'ai dormi chez Toff, chez la maman de Toff. Il y a très longtemps. Tu te rappelles, Toff? Oui, je me rappelle. Mais oui, j'étais très gentil, il était très très très serviable. Et comme c'est en fait c'est bizarre parce que tout est sur il y a un étage qui est en rond. Ouais. Tu vois, oui, il est en carré, mais. Et c'est en carré? Oui, c'est en carré. Bon, c'est en carré. Et Toff, il me dit, voilà. Il y a un peu de mal avec les formes géométriques. Mais non, mais bon. Il faisait noir. C'est la nuit. Toff, il me dit, en fait, c'est un palier en carré. Ouais. Tu peux faire. Enfin, toi, tu sais comment c'est, donc tu peux faire le tour. La salle de bain est là. Bon, bref, le matin, je me réveille et tout. Et j'arrive dans cette espèce de carré. Voilà. C'est un carré, pas enfin, un carré rond, quoi. Oui, c'est, en fait, c'est un rond, mais il voit bon, un peu bête. Et je me dis, bon, Toff, il m'a dit ça, bah, là, c'est la chambre de Toff, donc ça t'a pas. Et hop, j'ouvre une porte et j'entends quelqu'un qui est en train de respirer et tout. Et c'était la sœur de Toff. Et Polo qui a voulu taper la sœur de Toff. Je suis tombé nez à nez avec la sœur de Toff. J'avais un peu honte. Qui a hurlé. Qui ouais, t'imagines, Toff, ça aurait pu être ton beau-frère. Oh, bah, j'aurais ri. Et maman, elle aurait été contente, hein. Ah, bah, elle aurait fait une fête et tout. Ah, mais c'est clair, ouais. Bon, mais Valentin, on te rappelle demain, du coup, pour l'appeler en direct, d'accord? Ouais, bah, on fait ça carrément. Ouais. Valentin, j'ai confiance en toi. Demain, tu nous mets pas dans la merde et tu décroches et tout. Hein. Ah t'es un homme, hein, t'as les couilles et tout. Hein. Pardon? Je dis t'es un homme, t'as les couilles. Hein. Ah, en vrai. Hein. Bon, ok, je compte sur toi, ça marche. Ça roule. Bon, ben ça roule. Salut Valentin. Ouais. Allez. Je peux faire une petite dédicace. Allez, vas-y, il y a une personne, alors vas-y. Je fais une dédicace à Eva qui avait une patate dans la chatte. Ah oui, c'était tout à l'heure ça. Oh la pauvre. Ah oui, bon, on sait pas si elle l'a plu d'ailleurs, mais enfin bon, on verra bien. Si, elle a fait des frites. Ah, super, merci. Et à mes potes du duo Rounet TC, quoi. Ça roule, merci Valentin, et tu reviens quand tu veux, à bientôt sur Fun Radio. Allez, ciao à toi, on va revenir dans une petite minute avec Robin également qui est avec nous. Salut Robin. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, écoute, tranquille, Robin t'appelle de Pau, toi, et on parle de quoi dans quelques minutes avec toi? Moi, un petit souci avec ma copine. Un petit souci avec ta copine. Bon, bah très bien. Bah, reste avec nous, Robin. On va parler avec toi dans quelques minutes. On fera d'autres appels avec Toff aussi dans quelques instants. Et puis, on va se mettre, je vous l'avais promis, le son de Jason Derulo maintenant sur Fun Radio. Il est 1h30. Vous avez enfin trouvé quelque chose à écouter la nuit à la radio. C'est sur Fun Radio que ça se passe de 23h à 2h tous les soirs. Jason Derulo, c'est maintenant. 105 is the number that comes to my head. Planetor. Jason Derulo sur Fun. C'était Marry Me. Il y aura Kesha à suivre dans quelques minutes sur Fun Radio, comme d'habitude. Avant 2h du mat, on est en direct. Il y a Sébastien qui dit émission géniale, changez rien. C'est Sébastien de Villars-le-Bouillet. Bah, merci Sébastien. Il y a Mathieu qui dit moi je vous invite à Cannes. Bouffer alcool à gogo, je suis barman, on peut faire ça où je bosse ou chez moi. Ouh, un barman, mais c'est pas mal ça, un barman. Est-ce qu'on peut faire ça genre vers début mai? Ouais, c'est mieux au printemps, tu sais, quand il fait beau et tout, Morito, etc. Ça va être cool. Il y a Valoche qui dit Mickaël et toute l'équipe, je vous invite à Toulouse chez moi, Morito, foie gras, interdiction de dormir, c'est sérieux. Cool, et on n'aura pas le temps de la saison complète pour faire le tour de France et Belgique, hein, je vous le dis. Let's be Flux qui dit Mickaël, deuxième top tweet en France. Ouais, juste derrière le Ballon d'Or. Et ouais. Devant Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ribéry, etc. Merci en tout cas. Top. Bah, c'est grâce à vous. Hein. Ouais. Eamon aussi qui dit, c'est Abed qui dit, il va se faire niquer quand il va rentrer le pauvre. Bah ça c'est sûr, hein. C'était celui qui avait couché avec la sœur de sa copine. Orgagasmi qui dit la meuf quand même, aucun scrupule envers sa sœur. Non mais c'est ça, comment tu peux faire ça quand t'es sœur? C'est soeur. Jumelle. Bah ouais. Elle devrait se connecter pour. Grave. Et El Pocho qui dit soirée improvisée avec les potes à écouter Mickaël sur Fun Radio. Bédo à gogo, pardon, une dédiée à l'antenne, bah c'est fait. Alors El Pocho qu'on avait. Alors c'est une auditrice en fait qu'on a découvert, enfin celle qui nous a découvert malgré elle. Elle a mis un truc sur Twitter, une discussion où elle avait grillé sa tante, ouais, qui avait envoyé un message de cul à son mec, sauf ouais, qu'en fait elle l'a envoyé à sa nièce, donc à El Pocho. Donc du coup, bah en fait c'est une connasse, elle a fait un screenshot et l'a balancé ça sur internet. Du coup, bah moi je l'ai retweeté aussi parce que ça m'avait fait marrer. Voilà. Et donc comme il y a des potes elle qui disent ouais putain on parle de toi et tout sur Fun, elle a écouté, elle est passée à l'antenne et puis bah du coup elle écoute l'émission depuis. Donc c'est voilà. Eh ben exactement, bah El Pocho, ça faisait longtemps qu'on avait plus de nouvelles de toi, tiens, je pensais que t'étais décédé. Mais ça va, c'est que ta tante, elle t'avait tué avec le coup du SMS. Et je recherche Flou, ça serait bien qu'elle redonne des nouvelles parce que. Ah oui, Flou, ça fait longtemps, ouais, c'est vrai. Bon, il y a Vive la Bretagne, c'est Déborah et Max, il y a un petit message de bienvenue pour ma copine qui viennent vous écouter. Alors oui, avec plaisir pour la copine. Attends. Viens, je vais t'enculer, moi, t'as l'air bâtard. Voilà. Et Stéphanie qui dit ma radio capte plus, adieu. Comment ça, ta radio capte plus? Qu'est-ce qui se passe, Stéphanie? Dis-nous. Il y a Alexis qui dit salut toute l'équipe, je pourrais avoir un message de bienvenue car je suis à nouveau vous suit PS Super Radio. Merci Alexis, avec plaisir, bah toi aussi. Tu vas commencer à me casser les couilles longtemps, espèce d'enculé là? Eh ben voilà pour le message de bienvenue. Bon, si vous en voulez d'autres, vous demandez, il n'y a pas de problème, on en a plein des nouveaux là. On a fait la connaissance avec un nouvel ami de Toff il y a quelques minutes. Fuck, je te pénètre ta gueule, sale con. Voilà, ou celui-là aussi. Allez, maintenant, va te faire enculer. Oui, encore celui-là aussi. Va te faire enculer, gros bâtard. Et celui-là. Nique ta race. Voilà. Ah, il venait du cœur, celui-là. Bon, on va encore faire des appels, Toff, là? Ah oui, allons-y. Allez, je rappelle que donc Toff a décidé, puisque c'est un Chinois qui a lancé cette idée en Chine, évidemment, d'exorciser les femmes grâce à sa bite. C'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, il dit que s'il les pénètre, ça va aider à faire sortir le démon qui est en elle. C'est ça. Et continuez à nous dire si vous croyez aux extraterrestres ou si vous en avez déjà vu, on en parle jusqu'à 2h. On appelle. Merde, attends, c'est ça, c'est. Ah ben non, ça c'est Kesha tout à l'heure là qui va arriver avec Pitbull. Tiens, je fais de n'importe quoi moi. C'est stagiaire encore. J'en méritais une. On t'a toujours pas touché. Exactement, arrête de toucher, pauvre con. Ah qu'il est con. Ah qu'il est bête. Stagiaire, hein. Ah qu'il est bête. Oh. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Un nouvel ami de Toff peut-être, hein, espérons-le. Qui c'est? Bah, tout ce que je souhaite en tout cas. Allez. Allez. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui? Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce qu'il faut que je vienne vous exorciser. Ah bon? Oui. D'accord. Hein? Donc je vais venir, je vais vous introduire mon sexe anti-fantôme et ensuite vous irez beaucoup mieux. Pas de faire foutre, pauvre connard. Mais enfin madame. Ah bah oui mais enfin bon. C'est genre après. Mais enfin. C'est genre foutre, mais enfin. C'est encore d'habitude quand il pose des questions. Bah vous faites ci, vous faites ça. Bon il pourrait être surpris. Mais là bah oui je vais vous insérer mon sexe magique. Mon mais sexe enfin, anti-fantôme. Mais je comprends pas. Et ouais. Il en plus il s'énerve. Il est pas, il comprend pas. Et il comprend pas. Bon on va la rappeler la petite dame. Moi j'appelle pour rendre service. Mais oui c'est ça. Bah bien sûr. Allez on rappelle la petite dame. C'est parti. Je veux pas que je te pénètre ta gueule sale con. Une question qu'on peut se poser effectivement. Allez madame. Oui madame, c'est pas gentil de le prendre comme ça. Va te faire foutre. Mais enfin monsieur, faut pas le prendre comme ça, j'appelle pour sauver votre femme. Oui je t'emmerde et tu vas te faire foutre. Mais votre femme est possédée monsieur. Oh enfin. Ah ouais, déception pas, totale. Pas en gentil. Fait c'est ça, les gens ne veulent pas qu'on les aide. Et ça c'est pas bien. C'est dingue quand même. T'es là, oui. C'est gratuit, hein. C'est gratuit, on essaie de les aider, on rend service et pff, comme d'habitude, rien. C'est dingue. Honteux. C'est dramatique. Honteux. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Ah bah une très bonne nouvelle même. Est-ce que vous voulez la bonne nouvelle? Oui. Ah bah oui. Est-ce que vous voulez entendre cette bonne, magnifique nouvelle, extraordinaire nouvelle? Ouais. Bah oui. Très bien. Je viens de vous uploader la vidéo. Attention. La vidéo. Bah oui, c'est une vidéo exceptionnelle. La vidéo de Jean-Pierre Sauzère qui vous invite à venir donc au El Patio le 7 février. Je vous l'ai mis sur le Facebook de l'émission, donc allez-y, hein, facebook.com/mikaelofficiel. Je vous l'ai mise et si vous voulez, je vous la mets là maintenant là en speed. Là, comme et ça, on pour sera ceux tous qui, là. Pour ceux qui n'ont pas internet, attendez, écoutez. Alors attendez, pour ceux qui n'ont pas internet, il est là, il est. Il est dans son jardin. Grand, je sais pas si il est dans son jardin ou dans un bois, mais donc en tout cas, il donne envie de venir. Écoutez. Bonjour, c'est moi, oui, bien moi, Jean-Pierre Sauzère. Regardez-moi, c'est moi là. Il chante, je suis Jean-Pierre au Pays des Merveilles, enfin c'est un chanson. Avec son béret. Délire. Je fais ça pour déconner, voilà, mais bon, j'aurais jamais cru que ça aurait pris tous mes fans qui aiment cette chanson. Alors, c'est-à-dire, je vous donne rendez-vous là. Vous savez quand? Le 7, à El Patio, avec Michael, avec Sandro, Goff, Polo et Vincent. Et moi-même, pour vous chanter quelques chansons, voilà, et je vous dis à bientôt, voilà. Bon bah voilà, parfait. Donc, j'ai pas eu de faire up. Si vous voulez voir la vidéo, bah rencard maintenant, hein. Vous allez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel, puisque bah il y a le patio, on sera là-bas, hein. C'est à Compiègne le 7 février pour un concert exceptionnel, ouais. Avec Jean-Pierre Sauzère. En duo avec Toff. Énorme. Ça en va duo être énorme. En duo avec Toff. Ils iront là-bas. Je m'entraîne déjà tous les jours à chanter. Ouais. Et puis pour ceux qui n'ont jamais vu Jean-Pierre Sauzère, et ben pour aller voir, hein, il est là et vous allez le voir en vrai, il sera là. Pour aller toucher, il signera des autographes. Ah ouais. Non mais même sur la vidéo là, dans un premier temps. Ah oui. Avec le béret, tout est là. Donc facebook.com/mikaelofficiel. Likez et partagez. Hein. Il faut que. Surtout partagez parce qu'il faut que vos amis voient et rencontrent le phénomène. Oh là là. Il y a Abed qui dit peut-être dédicace si possible avant d'aller au dodo, ce serait vraiment cool. Donc dédicace à tous les riders et à l'école de pilotage Build to Ride et vive la moto de cross. Et ben voilà, le message est passé. Tous vos messages qu'on lit également, hashtag Mikael sur le Twitter et sur le Facebook également, facebook.com/MIKL officiel. Robin est avec nous maintenant. Robin, est-ce que tu es là? Oui, toujours. Très bien. T'as Facebook ou pas, Robin? Oui. Ah, est-ce que t'as vu la magnifique vidéo teasing de Jean-Pierre Sauzère? Non, pas encore, je vais y aller. Ah, il faut absolument y aller, je te le confirme, hein, c'est du très très lourd. Ah oui, c'est... Ah bah oui. Bon, alors Robin de Pau, 18 ans, et tu nous appelles pourquoi, dis-moi Robin? Mais à cause de ma copine en fait. Bon bah qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'elle a fait encore là? Son chien de fille. Non, en vrai, elle m'a lâché il y a deux jours. Ouais. Après 8 mois de relation. Elle t'a viré il y a 2 jours. Parce que comme tu parles tout doucement, on comprend pas tout en fait. Ouais, pardon. Ouais, elle m'a lâché il y a 2 jours. Après 8 mois de relation. Et quelle est, pourquoi? Et parce que j'étais jaloux et que voilà. Ah bah oui, c'est un peu de ta faute. Mais jaloux à quel niveau? Enfin, je veux dire... Sur l'échelle de la jalousie. Ouais, jaloux comment? Je sais pas, sur une échelle de 10, tu mets 5. Ouais. Oh, ça va, 5, ça va, ouais, c'est léger. Non, il dit 5, mais tu peux mettre 7, donc. Hein. Ouais, voilà. C'est un mec qui ment toujours. Ouais, c'est ça, comme il ment toujours, c'est ça. Mais en même temps, pour le Spock, il aura tout appris, hein. Menteur, hein, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. Complètement, complètement. Genre, je suis le mentor de l'humanité. Et c'est bien sûr. Pour faire ce qu'il dit, Toff. Bien sûr. Moi, je fais tout ce que Polo dit. Bon, et donc, du coup, vas-y, continue, alors. Qu'est-ce qui s'est passé après? Mais voilà, elle m'a demandé de faire des efforts et tout. Donc, je lui dis que j'en ferai. Et je suis pas... Parfait. Et aussi, elle m'a pas laissé le temps, en fait. Ouais, c'est toujours le problème. T'as jamais le temps de t'y mettre. Ouais, voilà. C'est comme Sandro avec le sport. Ouais, c'est ça. Ça démarre toujours et puis ça finit jamais. Non, mais quand j'ai le temps, je fais. Oui, c'est bah, comme quand t'as le temps, ouais. Il fait des efforts quand il a le temps. Exactement. Quand il y pense. Voilà, c'est ça. Bon, et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu vas essayer de la récupérer ou c'est bon, quoi voilà. Qu'est-ce qui se passe? On en est où là? Eh bien, il y a encore quoi? Il y a une heure de temps, elle m'a dit je veux plus de nouvelles de toi et tout. Ah oui, ça paraît radical quand même, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, après, il y a eu 2 séparations, elle m'a dit ça les 2 fois. 12 séparations? Redonné. 2. Ah, 2. Enfin, c'est toujours pas. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 8 mois. 8 mois, 12 séparations, c'est putain. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est violent quand même là. Hein. Ouais, un peu, ouais. Bah oui. Écoute, tu veux un conseil d'ami? Boire un verre? Trouve-en une autre. Mais t'es vraiment amoureux? Pourquoi t'es jaloux comme ça? C'est de la merde, la jalousie. Ouais. Ah oui, bon, ça c'est. Si t'as confiance en la personne, non, ça sert à rien. Tu peux être jaloux, mais faut savoir doser. Faut pas. Vous êtes pas heureux ensemble comme ça, ça sert à rien. Non, mais la jalousie, en fait, il faut pas qu'elle. Enfin, elle doit pas exister. C'est-à-dire que tu dois montrer à ta copine ou à ton copain que, bien sûr, que ça te fait un peu chier si elle va discuter avec. Enfin, ça dépend comment, mais si elle se fait draguer par d'autres mecs, etc. Il faut lui montrer que tu t'intéresses à elle, mais il faut pas lui prendre. Enfin, moi, si je suis avec une meuf. Qui me saoule parce que j'ai parlé avec une autre fille. Oh. Parce qu'il y a une autre fille qui, j'en sais rien moi. Oh, c'est insupportable ça. Oh putain, ça peut m'énerver si je vais bouffer avec une fille au resto, boire un verre. C'est pas pour autant que je veux la baiser. Enfin, c'est une question de confiance, tu vois. À partir du moment où tu l'as, bah tu l'as, y a pas de problème. Moi, pas de souci avec ça. Mais si je tombe sur une meuf qui me prend la tête pour tout. Oh là là, mais ouais. C'est pas compliqué, je la vire. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, c'est comme ça, c'est fait au moins. Tiens, y a un message qui est arrivé qui dit Toff, ta voix m'excite tellement. Tous les soirs, qu'arrive à 2h du matin, j'ai envie de te mettre un manche à balai. Oh oui, avec plaisir. C'est Ada qui avait envoyé le message. Et Orgegasmi qui dit moi j'adore quand mon copain est jaloux. Il y a Mickaël aussi. Salut la team, je vous écoute en direct de Vancouver au Canada. Il est 5h. Il est 17h, c'est vrai, il y a 9h de moins. J'adore Vancouver. Ouais. J'ai kiffé. On est arrivé là-bas la première fois qu'on était à Vancouver. C'était juste énormissime. On est arrivé dans une soirée un peu particulière. Enfin, c'était dans la rue. Hein. Je vous explique. Excuse-moi, je fais une petite parenthèse, Robin. On arrive là-bas. On est arrivé à l'improviste. On était à Seattle, on est remonté, etc. Et donc, on va voir Vancouver. On arrive là en pleine nuit. Enfin, en nuit. C'est un vendredi soir. Il était 23h, un truc comme ça. Et donc, on n'avait pas d'hôtel. Donc, on cherche des hôtels et on voit des mecs à poil en train de se battre dans la rue. Puis, il y a un mec qui est là en Superman. Avec la cape de Superman et il marche avec le moule beat et tout et il marche avec le poids tendu et il avance et bon tu sais moi je m'arrête dans un hôtel je dis voilà je vous avais pas une chambre tout était complet je vous avais pas une chambre et mec il dit ah non là c'est complet je dis mais attendez j'ai vu des gens se balader tout nus dans la rue etc un mec en Superman je dis il se passe un truc tu sais peut-être qu'il y avait une journée de congé une journée de fête il dit non je dis mais c'est toujours comme ça ouais. Ah bon? Putain, c'est attends, quoi, à Walpé sans slip? Ah bah c'est sûr, à Walpé, nous on veut. Mais c'est tout, hein. Interdit normalement. Non, il était bourré, t'inquiète. Mais non, parce que nous, faut savoir qu'on revenait d'un road trip, donc nous on débarque comme ça, en vous pleine nuit. Des trucs chelous, les gars. Hein. Bah on était en bande, et tu débarques là-dessus, mais moi c'est j'en ça, ai pleuré après, de rire. Et après, c'est moi qui vais dans les soirées bizarres. Mais non, mais nous on l'a pas prévu, on savait pas. On est dans la rue, toi t'arrives avec ton 4x4, t'étais là, et tu vois tout ça, tu fais quoi? Exactement, tu pisses de rien. Voilà, c'est ça, et c'était la petite parenthèse. En tout cas, Mickaël, si jamais tu veux nous inviter, on peut faire émission direct de chez toi à Vancouver. J'ai adoré la ville, je peux te le dire. Continuez comme ça, vous êtes géniaux. Bah, merci Mickaël. Donc, Mister Steven qui dit mort de rire Jean-Pierre Sauzère dans sa vidéo, il donne vraiment envie d'y aller. Ah bah oui. Et Mathieu qui dit Jean-Pierre Sauzère, j'en suis fan, je sais pas d'où il sort, mais je pense qu'il vient de Mars. On devrait peut-être le renvoyer là-bas. C'est vrai, oui. Pourquoi pas. Et alors Stéphanie qui dit regardez-moi, c'est moi, il est magique Jean-Pierre Sauzère. Allez voir la vidéo, je viens de vous la mettre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. N'hésitez pas à nous rejoindre. Bon, alors pour en revenir à toi, Robin, je pense qu'effectivement il faut peut-être laisser pisser un peu le mouton avec ta copine là. Ouais, je pense qu'il faut changer tout court en fait. Ouais, je pense qu'il vaut mieux là. Bah dites-nous les filles, tiens, quand vous dites à un mec, toujours, je veux plus de nouvelles de toi, il faut, voilà. En fait, on va faire une pause, mais en attendant, m'appelle plus, etc. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Parce que je vais pas dire que vous êtes des menteuses, mais on sait très bien que quand vous dites un truc, soit vous pensez l'inverse, soit vous pensez le truc, mais pas vraiment comme vous le dites, et que c'est à nous qui on doit décrypter le bordel. Enfin bon, on est des mecs, on pense pas quoi. Non, si elle pense, c'est toi qui arrives, c'est nous qui arrivons pas, c'est nous qui arrivons pas à penser comme elle, ce qui n'est pas pareil. Donc voilà, je voulais savoir les filles, qu'est-ce que Robin doit faire du coup? On en parle dans un instant juste après le son de Kesha maintenant. Je vous l'ai mis un petit extrait tout à l'heure là, Kesha Pitbull avec Timber, il y aura Alan aussi dans un instant qui voulait parler d'extraterrestres. On fait ça en direct sur Fun Radio, on est là jusqu'à 2h, on aura le top tweetos, le résultat, et c'est Mickaël Delibitch jusqu'à 2h. Faites passer le message. Merci à vous. Le son de Kesha sur Fun Radio, Kesha et Pitbull à l'instant, c'était Timber. Bon, il y a Morgane qui dit si en 8 mois ils se sont séparés, en 2 mois ça marchera pas. Une meuf qui veut déjà faire une pause, ça ira nulle part entre eux. Il y a Meg ici, Meg, sur Facebook qui dit en gros ça veut dire qu'elle veut te zapper mais qu'elle sait qu'elle n'y arrivera pas tant qu'elle a des nouvelles de lui. Donc si tu l'aimes, lâche pas, elle te tombera à nouveau dans les bras. Ah, donc une meuf qui vous dit on va se faire une pause, on va faire une petite pause, mais je veux plus de nouvelles de toi, ça veut dire qu'en fait elle en veut quand même. Mais pas trop souvent. Ouais, mais ça peut dire le contraire aussi. C'est ça qui est facile avec les meufs, c'est que tu sais tout de suite ce qu'elles veulent. Mais c'est vrai. C'est ça, c'est tout un art, l'on fume. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Misty qui dit, je viens de regarder la vidéo teasing de Jean-Pierre Sauzère, sa voix ne va pas du tout avec son corps. Il y a Petit Kiwi qui dit, vous aussi, il faut décrypter vos paroles. Ah, pas du tout. Tof, donne une parole que t'aurais avec une fille pour voir s'il faut la décrypter. On baisse ce soir. Voilà. Pour très clair. Je suis un Petit Kiwi. Il y a Ariel qui dit, les mecs jaloux, non seulement vous êtes chiant mais lamentable. Mon ex était jaloux du guitariste de mon groupe préféré. Oh là là. Ah bah oui, mais après, ouais, mais les mecs sont cons aussi, mais les meufs aussi, hein, c'est pas ça. Hein. Cassandra qui dit cherche pas Robin, elle voulait juste te quitter, elle a pas trouvé mieux. Et petite question, Sandro, as-tu déjà couché avec quelqu'un de l'équipe ou des tentations de le faire? C'est Ada. Non, pas du tout. Parfait. Non, c'est que des connards, moi je vois pas d'eux, alors ça va pas, non? Non, mais je les connais depuis bien trop longtemps. Ah, voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Et puis à l'époque, elle nous connaissait pas assez bien, donc tu vois, finalement, comme ça, au moins, elle est tranquille. On n'a pas avancé, quoi. Jamais avec les gens du travail. Nos job in job. Quentin aussi, la vidéo de Jean-Pierre Sauzère, oh my god. Et Let's Be Freaks, il dit ce soir, je sens que Ziggy Bunny va prendre très très cher. Oui. Tof me fait trop d'effet. Oh là là, je rappelle que Let's Be Freaks, je veux toujours que Tof aille à Nice souiller Let's Be Freaks. Oui, elle veut que je la souille. Exactement. T'es prêt, Tof, ou pas? Tout à fait. Non. Ah oui, c'est dommage. Oh. Bon, Robin. Oui. Écoute, moi si j'étais à ta place, effectivement, je ferais ça. Tu donnes plus trop de nouvelles. Il faut créer le manque. Tu vois, il faut créer le manque. Il faut qu'elle se dise putain, il y a plus de nouvelles. Pourquoi est-ce qu'il donne plus de nouvelles, etc. Mais lui redonner de nouvelles, mais de manière très intelligente et pas trop souvent et pas trop rapidement. Tu vois. Ouais. Je sais que ça va être chiant. Hein, tu vas te demander tout le temps ce qu'elle fait, pourquoi est-ce qu'elle va donner des nouvelles, etc., etc. Mais tu lui en donnes plus. Voilà, pour qu'elle se dise ah putain, finalement il a quand même suivi. Parce qu'en fait, ce qu'elle a dit là, c'est qu'elle veut plus de nouvelles. Mais si tu n'en donnes plus, elle va revenir pour voir pourquoi tu ne donnes plus de nouvelles. Exact. Voilà. Et voilà. C'est quoi? Fais semblant de la croiser avec une autre meuf avec qui tu sors pas. Oula. Mais avec qui t'es en bon terme. Tu vas voir. Ah mais là, elle va revenir, mais elle va te défoncer. Hein. Ouais, pas forcément. Elle va revenir, hein, mais elle va te déchirer. Ah ouais, c'est clair. Ouais, non, mais elle va te pourrir la live, tu vas voir. Mais non, c'est pas ça. Mais ce que tu dois faire, effectivement, c'est ça. Et quand elle va te donner des nouvelles pour te demander pourquoi toi tu n'en donnes plus, alors qu'elle-même a demandé à ne plus donner, à ce que tu ne donnes plus de nouvelles, là en revanche, tu ne donnes plus de nouvelles non plus. Et tu réponds pas. Et tu laisses un peu pisser. Et puis tu réponds quelques jours après en disant ah désolé, je viens de voir ton message, tu sais, genre le mec un peu overbooké, etc. Bah, et là simple. Tu retournes la situation. Les deux fois quand elle est revenue, hein, ça s'est passé comment? C'était pourquoi? Mais parce que je lui manquais, puis... Voilà. Eh ben voilà, c'est choupinou. Eh ben voilà, qu'est-ce que je viens de dire? Exactement ça. Bon, tu suis ce conseil-là? Allez, ok. Et tu... Ah merde, je viens de me mettre le micro en pleine gueule, donc. Oh, ah, c'est dommage. Oh, pas que je voulais le sucer, loin de là. Oh là là. Oh. Non, parce que JB a ses idées là. Je sais qu'il aime bien sucer les micros lui, mais moi c'était pas mon délire. Attends, je me suis envoyé en plein milieu sur la dent là. Si vous saviez ce qu'il fait quand il est tout seul à la radio, on préfère pas savoir. Bon ben Robin, tiens-nous au courant, d'accord? Je compte sur toi. Ok, je vous rappelle. Avec plaisir. Salut Robin, à bientôt. Allez, merci, ciao. Ciao, et il y a Alan aussi qui est avec nous maintenant de Meurthe-et-Moselle à Outray. Salut Alan. Salut. Hey, ça va? Ouais. Bien. Hein? Allô? Alan. Non, tu lui as fait peur là, il a cru que. Alan. Il a cru qu'il parlait aux extraterrestres. Alan. Oui. Bien ou bien? Bah, bien. Ah bah tant mieux, il fallait bien répondre, t'as bien fait, c'est bien. Il est chelou Alan, attention. Bon Alan, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu viens de Mars? Non. Non? Ah bon, d'accord, ok, très bien. Tu voulais nous parler des extraterrestres, tu y crois toi ou pas? Bah oui. Pourquoi? Bah j'ai déjà vu comme une espèce d'ovni un jour. Comme un espèce d'ovni un jour? Faut... C'est marrant parce qu'un ovni en fait c'est pas un extraterrestre, c'est juste un objet volant non identifié. C'est-à-dire qu'en fait si tu lances une boule, une assiette. Tu lances une assiette, si tu n'arrives pas à voir que c'est une assiette, c'est ce qu'on appelle un objet volant non identifié. Voilà. Voilà. Et donc t'as vu quoi toi? Parce que déjà un objet volant non identifié, bon, on ne sait pas ce que c'est. Et en plus tu dis un espèce d'objet volant non identifié. Si tu jettes l'assiette, c'est de l'envoyer dans la gueule à Toff. Voilà, c'est ça. Ouais. Comme ça au moins les deux seront non identifiables. Ça, ce sera bien identifié. Voilà. Bon. Oh le pauvre Toff. Bon, ça va. Je suis maltraité en permanence. Oh, bon, ouais. Alors Alan, c'est quoi que t'as vu là? Dis-nous. Je vais créer une association. Comme une espèce de grosse. De grosse. De grosse, hein. C'était pas moi. Me regarde pas, Paulo. Laissez-moi. Alors vas-y, t'as vu quoi comme espèce de quoi? Comme un gros œuf. Comme un gros quoi? Un œuf. Ouais, mais est-ce que t'as vu la poule? Parce que comme ça répondrait peut-être à la question qui est arrivée le premier. Attends, non, c'est un œuf. C'est une vanne de merde. Un œuf. Ou un S. Un œuf. Ah, un œuf. Un numéro 9. Voilà. Allez, non, les gars. Non, vous êtes relous là. On va déjà pas y arriver là. Bon. Alan y répond une fois sur deux. Bon, t'as vu ça où, Alan? Attends, j'ai failli gerber l'œuf là. Tu dis? Dans un champ. Qu'est-ce que tu fous? La question c'est qu'est-ce que tu foutais dans un champ? Bah il fumait, il était en train de bédave, je suis sûr. C'est ça? Alan? Oui. Est-ce que tu peux répondre tout le temps? Parce que sinon à ce moment-là, si tu réponds qu'une fois sur deux, faut qu'on s'arrange pour poser à chaque fois une fois sur deux une question de merde à laquelle il n'y a pas de réponse. Ouais. Ça je peux m'arranger. Voilà, oui, ça j'imagine. Bon, du coup, Alan. Oui. Bon, alors qu'est-ce que tu foutais dans le champ? Bah je travaillais. D'accord, bon, bah, non, mais c'est possible. Et donc, l'œuf que tu as vu, l'œuf non identifié, volant, il ressemblait à quoi? Plutôt un œuf de poule ou plutôt un œuf de truche? Un œuf. Mais non, mais. Bah oui. Il ressemblait à un œuf. Bah, on sait jamais, s'il avait dit qu'il ressemblait à un cheval, là, on aurait pu se poser une question. Mais donc, cet œuf non identifiant, et volant. T'as vu, est-ce que t'as vu des gens sortir? De l'œuf. Ou des créatures? Non. Un poussin, peut-être. Il était. Quelle couleur, l'œuf? Blanc. Blanc, un œuf blanc. Tu l'as vu juste voler ou il s'est posé? Il s'est posé. D'accord. Et il était grand? Il était beau? C'est ce que mon voisin me fait rire. Son voisin, parce qu'ils sont à l'école, hein, tous les deux. Il s'est posé, c'était un gros truc ou pas? Est-ce qu'il y avait de la publicité sur l'œuf? Non, il n'y avait pas de pub. Parce que ça, je pense que ça s'appelle un ballon dirigeable. Ouais. Ou alors c'est s'il y a un truc derrière qui prend venez à la soirée ce soir au Beach Club. Ouais, parce que c'est ça la question. Est-ce que l'œuf était de haut en bas ou de droite à gauche? Savoir si c'est une montgolfière. De haut en bas. C'était une montgolfière, Chouchou. Non mais attends, sérieusement, sérieux. Et cet œuf, il est passé comment? Non, cet œuf. Non, cet œuf. Ah, pardon. Bah, il est arrivé, puis il s'est posé. Il a atterri. Il s'est dégonflé ou pas à un moment? Comment? Il a disparu à un moment, il s'est... J'ai eu un peu peur. Puis au bout d'un moment, il est reparti. Mais attends, est-ce que c'était un gros... Parce que quand tu dis ça ressemblait à un œuf, mais un œuf, nous on a l'impression que c'est un petit œuf, quoi. Un œuf de poule. Mais est-ce que c'était un gros œuf, style un avion, ou c'était quoi? Bah, gros, oui. Non, ça veut rien dire, gros, oui. Gros comment? Bah, je sais pas... Mais est-ce que c'était pas à Pâques et t'as vu des lapins sortir de l'œuf? Oh, Toff, qu'il est con. Non, mais sous l'œuf, il y avait un panier ou pas? Un espèce de grand panier? En osier? Non. Pour les montgolfières, tu sais, il y a un espèce de panier en dessous. Ah oui, un panier. C'est ça, un petit panier de course. Vendre à une nacelle, c'est bien aussi. Hein. Porter les gens. Un panier. Mais... Un panier pour porter les gens. Parce que moi, dans une montgolfière, je ne sais pas si je suis dans un panier. Hein, je vous le dis direct. Hein. Bon, bref. Et donc, cet œuf, une fois qu'il a atterri. Oui. Après, il a redécollé. Oui. Et heureusement que c'est pas écrasé, sinon ça aurait fait une omelette. Exactement. Mais donc, il a redécollé et il s'est barré. Et t'étais tout seul hein. Bah oui. Ah, t'étais tout seul, donc il n'y a pas de témoin. Bah oui, c'est ça qui est chiant. Ah oui, c'est emmerdant, ouais, c'est effectivement. Non, mais c'est vrai, non, mais il a dû flipper. Ouais, mais t'es le seul dans la région à avoir vu l'œuf. T'as pas pris de photo avec ton portable? Bah non, j'étais un peu. T'étais sonné, ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Bah, mais il est toujours terrifié d'ailleurs. Il y a moyen de flipper grave. Hein. Non, ouais, bien sûr. Et tu l'as vu quand cet œuf? L'été. L'été. Bon, écoute, on te rappelle en été pour voir s'il revient. Bah, ça m'étonnerait. Bon, on sait jamais. On sait jamais. C'est peut-être un œuf qui, tu sais, un œuf qui tourne autour de la Terre et il se repose à chaque fois. C'est ça. Il est peut-être en orbite. Sur ton champ à toi. Exactement. Bah, écoute, on sait jamais. En tout cas, rappelle-nous si tu vois encore un autre truc, Alan. Hein. Oui. Bon, ça marche. Mais merci pour le témoignage, Alan. Ouais, parce que ça a fait avancer, ouais, ça fait avancer le monde. Exactement. Oh ça marche. Salut, Alan. Tu reviens quand tu veux sur Fun. À bientôt. À bientôt. Allez, ciao à toi. Bye bye. Bon, bah très bien. Bah, nous, on est bien là. Ouais. Ah, on est au top là. Ah bah on a été sauvés, c'est cool, parfait, bonne nouvelle. On va sur le top Twitter dans quelques minutes. Bien sûr. Voilà, mais avant ça on fait encore un petit appel. Allons-y. Allez, un petit dernier là, je rappelle que Toff a décidé ce soir d'aider les femmes puisqu'il veut les désenvoûter à mon sexe anti-fantôme. Exactement, c'est un chinois qui a fait ça en Chine, du coup il a décidé de faire pareil en Europe. Hein. Ah, je me suis dit que ça pouvait peut-être marcher. Allez, c'est parti, on y va, on appelle tous les numéros que vous nous avez laissés sur le mail de Toff. Continuez d'ailleurs, hein. On appellera d'autres personnes demain bien sûr. toph@funradio.fr, on attend avec impatience. Allez, c'est parti. Que ça dort à 2h du matin. Oui, allô ? Oui, bonsoir monsieur. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais venir exorciser votre femme, monsieur. D'accord, très bien, merci, une bonne soirée à vous. Ah, bon, bah oui, ok, d'accord, très bien. Bon, on va le rappeler, hein. Bah oui. Bah oui, parce que c'est con, là. Allez, hop, on y retourne. Bonne soirée, bonne nuit, oui. Bientôt le matin, d'ailleurs. Allez. Les gens, il a raccroché son téléphone, il est retourné au bout de la maison, tu. Oui, allô ? Oui, excusez-moi monsieur, on a été coupé. Oui. Non, parce que votre femme est possédée, monsieur. Ah, ma femme est possédée. Oui. Avec les didous, hein. Eh ben voilà. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que je lui introduise mon sexe pour la désenvoûter. Ah oui. Oui. Oui, non, je crois pas que ce soit la bonne méthode, honnêtement. Ah si si monsieur, c'est-à-dire que. Si si j'ai un sexe chasseur de fantômes. Donc une fois que j'aurai. C'est intéressant ça. Mais oui. Faudra me montrer un de ces jours quand même. Mais écoutez, je viens chez vous l'exorciser. D'accord. Quand vous voulez, monsieur. D'accord. Bon. Bah écoutez, faut que je réfléchisse à la question. Ah non mais monsieur, il faut pas réfléchir, il faut pratiquer l'exorcisme tout de suite. Ouais, d'accord. Hein? D'accord. Mais il faut que je m'introduise, monsieur. Ouais. Non mais il me faudra une démonstration avant ça. Bah oui, mais comment vous voulez, ouais, je vais vous. Du résultat, hein. Bien sûr, mais je vais vous démontrer. D'accord. Hein? Très bien. Bon, mais c'est intéressant tout ça. Bah oui, c'est très intéressant, monsieur. Hein. Donc ouais, quand est-ce que je viens exorciser votre femme? Écoutez, là, on est un peu pris en ce moment, vous savez, elle est un peu agitée du coup. Hein. Ben oui, justement, c'est pour ça, monsieur. Non, mais... C'est pour ça que je voulais venir la prendre en charge. Ouais. Non, mais je vais essayer déjà de m'en débrouiller seul, et puis si vraiment je suis bloqué, je ferai appel à vous. Ah oui, d'accord, mais parce que moi je pense que c'est vraiment très important, monsieur. Ah oui, non, bah, que je m'en occupe personnellement. Je le sais, ah ouais. Oui, parce qu'avec mon sexe, sexe anti-fantôme, vous allez voir, ça va... Ouais. Elle, tout de suite, elle se sentira mieux après. Hein. Ouais. Oh, bah, j'imagine, ça doit être radical d'ailleurs comme méthode. Ah bah complètement. Ouais. Hein. Il suffit de une à deux séances et après, pouf, d'accord. Plus rien. D'accord. Bon, très bien. Hein? Très bien, bah écoutez, je vais réfléchir à tout ça et puis... Si... Et je vous rappelle. Ouais, c'est ça, on fait comme ça. Et bah je vous rappelle. Allez, monsieur. À bientôt, bientôt. Oh. Au revoir. Au revoir. Bah très bien, parfait, une bonne chose aussi. Hein. Bah oui. Bah impeccable. Bah on le rappelle. Ah direct? Bah il a dit on le rappelle. Ah bon, d'accord, ok. Bon, alors on le rappelle encore une dernière fois parce qu'après, après, il faut faire le top tweetos. Bah oui, mais et le générique de fin. Il a demandé qu'on le rappelle, je oui, le rappelle. Oui, bah on va le rappeler, une seconde. T'es payé à l'appel ou quoi? Bah oui. Ah bah d'accord, ok. Ceci explique cela. Allez. Eh, il met 10 ans à décrocher à chaque fois, c'est un truc de ouf. Oui, voilà, je crois qu'il était important de voir si vous aviez réfléchi. Oui, non, mais c'est bon, je ferai appel à vos services quand, si vraiment je suis dépassé par les événements. Ah oui. C'est une bonne méthode, je vous remercie. Ah, mais là, il faut nous laisser tranquille maintenant. Je suis sûr que vous l'admettiez, monsieur, mais je pense qu'il faut pas laisser passer votre chance. Hein. C'est maintenant. Non. Parce qu'après, ça va peut-être devenir trop grave. Non, ça va aller. Je vais m'en occuper, mais là, il faut me laisser m'occuper de ma femme, justement. Hein. Oui, bah allez. Oui, mais je préférerais le faire à votre place, monsieur. Ouais, je vais m'en charger déjà pour commencer. Allez, je vous remercie. Bah oui, mais peut-être qu'une fois que vous aurez fini, je pourrais passer derrière. Non, ça ira. Merci. Au revoir, monsieur l'exorciste. Au revoir. En tout cas, il t'a appelé monsieur l'exorciste. Oui, il a enfin reconnu mon talent. C'est qu'il y a cru un minimum quand même. Il y a Mimi 4141 qui dit vous déchirez, continuez comme ça, vous le faites si bien. Oh, c'est gentil, Mimi. Félicia qui dit Polo n'a pas que des bonnes idées. Stéphanini qui dit s'il nous donne pas de nouvelles, la meuf va se dire qu'il en a rien à foutre d'elle. Ouais, mais il faut pas trop ne pas donner de nouvelles, tu vois. Et Émilie qui dit Mickaël, la prochaine fois qu'elle veut le voir, il doit lui dire qu'il est occupé. Francis aussi, Jean-Pierre en mode beau gosse pour sa promo. Ah bah oui, oh là là. Bon, très très beau gosse sur le Facebook, allez voir hein, facebook.com. J'ai eu un peu peur, je vous avoue. Mickaël officiel, avant de faire le générique de fin, eh bien c'est parti pour le Top Tweetos. Le numéro 5, ceux qui ont été les plus influents sur le Twitter de l'émission, hashtag Mickaël bien entendu. Alors numéro 5, Holy Fun. Numéro 4, Julien. Numéro 3, Let's Be Freaks. Numéro 2, Magda. Et enfin le numéro 1 qui repartira normalement avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Sauf si évidemment il ou elle a déjà gagné, à ce moment là sera le numéro 2, 3, elle, 4 elle, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui n'a pas déjà encore gagné. Qui est... C'est Félicia. C'est Félicia, bah bravo Félicia. Mais comme t'as déjà gagné ton sextoy, qui donc va repartir Magda avec le sextoy? Magda a déjà gagné, Let's Be Freaks a déjà gagné, Julien a déjà gagné, Holy Fun, je sais pas si elle a déjà gagné. Holy Fun, non ça me dit rien. Voilà Holy Fun, tu repars avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà. Bon, ben merci beaucoup en tout cas d'avoir été là ce soir. Vous avez été très nombreux encore une fois. Je vous remercie comme d'habitude. Hein, vous avez été énormément nombreux sur le Twitter notamment. Vous voulez encore en top juste derrière le ballon d'or, ce qui est pas mal dans l'absolu. Hein, voilà. Et il y a Wispy qui dit très diplomate le monsieur. Oui, totalement, hein, celui qu'on vient d'appeler. Il y a également Denis qui était là ce soir. Il y avait Cassandra, il y avait Cédric, il y avait où est-ce qu'il est ? Aline également qui était là. Il y avait Cindy, il y avait Félicia. Fabien, Félicia, Cassandra, la team CR7 qui nous a retweeté également là, Cristiano Ronaldo donc. Let's Be Freak bien entendu, il y avait Marine, il y avait Fabien, il y avait Camille, il y avait Orgagasmic qui a envoyé beaucoup de messages ce soir, CB The Hunter également, bref, plein de monde. Merci beaucoup, on se quitte tout de suite avec le générique de fin. Attention ladies and gentlemen, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle. Cookie comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. T'encules ton oncle, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger toute la journée. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Allez, maintenant, va te faire enculer. Va te faire enculer, gros bâtard. Je veux pas que je te pénètre ta gueule, sale con. Viens, je vais t'enculer, moi, ça va, bâtard. Et toi, t'es enculé, moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu? Ils sont canadiens. Mais oui, ils sont canadiens. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes tes bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur. Ça te fait enculer. Ah non. Et toi t'es un enculé. Bah bravo. Ah, depuis le temps. On est des enculés. Et ben voilà, merci Lilou comme d'habitude. Merci à vous toutes et à tous également. On se retrouve demain dès 23h avec encore des iPads mini à gagner, avec encore des consoles également. On jouera demain au... la rupture. La rupture, oui. Ah oui, demain c'est la rupture. Demain il va y avoir une rupture demain à partir de 23h. Je vous embrasse, bon courage demain si vous allez en cours. Si vous travaillez maintenant, bah amusez-vous bien aussi. Parce que c'est vrai qu'il y en a plein. Chaque fois on dit bon courage. Ouais. Mais il y en a qui bossent et qui n'ont pas besoin de courage, ils le font avec plaisir. Puis il y en a qui font des boulots un peu merdiques et qui effectivement eux auront besoin de courage. Mais voilà, dans les deux cas, amusez-vous bien si vous êtes au taf. J'espère que vous allez bien vous amuser. Bon courage pour les autres. Et rencard demain dès 23h. 23h, 2h. Fuck Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Tout à fait. Et c'est l'ami JB qui va arriver maintenant là. Hein. Tu me fais mon bisou, s'il te plaît. Bah vas-y. Non, parce que je l'ai mis sur Twitter, je suis arrivé en studio et Mickaël a refusé de m'embrasser. Non. Mais bien sûr que si. J'ai dit Mickaël, pas Toff. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est dommage parce que moi, tu sais bien qu'il n'y a pas de soucis. On embrasse quand tu veux. Allez Mickaël, viens me faire un bisou. Non. C'est-à-dire qu'il est arrivé, le mec il a un t-shirt Run DMC et il ne sait pas ce qu'est Run DMC. C'est quand même assez exceptionnel. Culture musicale, mec, monsieur. C'est dingue. c'est un truc de ouf. Mais Run ça, DMC, ça quoi. Va, mais Run DMC, non. Ah bah là, pour connaître, pour connaître des trucs bizarres, il est là, hein, ça c'est sûr. Hein, mais j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Tu passes un message personnel ou... Le mec est fan, hein, faut savoir. Non, mais c'est dingue que tu connaisses pas Run DMC, surtout que tu mettes un t-shirt de Run DMC, quoi. C'est pas vraiment Run DMC, c'est un trafiquant. C'est Barack Obama. Même. Et relifté, enfin tu vois. Ouais, Run-D, relifté, ouais, c'est ça, ouais. Putain, je te jure. Oh, oh là là, aujourd'hui, hein, c'est quand même exceptionnel. La jeunesse. Ah, mais oui, évidemment, je cherchais dans l'ordinateur de la radio s'il n'y a pas Run-DMC, bien sûr. Non, voilà. Suis-je bête. J'y bête, ah, putain, oui, temps, hein, ouais, c'est ça, ouais. Putain, temps, fut un temps. Il fut un temps. Ah, il fut un temps, il mais fut un temps. Il révolue. Ouais. Attends, peut-être que attends. Ah, il attends. Y a une recherche, JB, arrêtez. Bon, j'arrête. À 6h, n'oubliez pas qu'il y a quand même. Ah, attendez, attendez, attendez, attendez. Les auditeurs attendent, hein. Ouais, bah oui. Ils attendent le son dance floor. C'est du son dance floor. Ah oui. Ah bah oui. Alors. Ah bah oui. Au sens large du terme, c'est du dance floor, monsieur. Alors, il y a une floor, il y a de la dance, c'est du dance floor. Exactement. Alors patientez, mes amis. Je fais juste une petite synchronisation avec que les appareils. Ça synchronise. Ça synchronise bien. Toi, tu n'as qu'une petite vision du dance floor. Le dance floor, c'est géant. C'est exactement. Universel. C'est en toi même. C'est en toi. Tu es le dance floor ou tu ne l'es pas. Tu as la vibes du dance floor ou tu l'as pas. Okay. You are not in the vibes of the dance floor. Ah bah ouais, là ouais, pour le coup. Ouais. To be. Alors écoutez, écoutez, il y avait ça. Comment tu danses on the dance floor dessus. Or not to be. Voilà, JB, montre-nous comment tu danses sur ça. Ouais. Yo. Bah évidemment, c'est du vieux son, ça. Ah, il bouge la tête, Yeah. C'est du dance floor. Sans ma gavetto. Ah mais tu portes un t-shirt, c'est même pas ce que c'est, mec. Bah, écoute. Y va. Avec Aerosmith. Ouais, Run DMC Aerosmith avec Walk This Way. Ah évidemment, ça, il met un t-shirt, tu connais pas. Ça, j'adore. Ah, c'est là que c'est un prix quand même, un coup de vieux. Hein. Ah, c'est bon. Ah, ouais, c'est un prix, un coup de vieux. Ah, si tu le mets à fond, je pense que ça passe. À fond. Ouais, c'est vrai. À fond, les... Ça, c'est du fat sound. Bien sûr que c'est fat, mec. C'est la culture. Je vais mettre un peu plus loin, vous allez voir. Avec le petit solo là. Ah, ça a pris un coup de vieux, je dois bien l'admettre. Non, c'est vrai. Ah. J'admets les choses. Bon, ça a pris un coup de vieux, mais quand même, quand on porte un t-shirt de Run DMC, il faut savoir d'où ça vient. Ouais. Non, je le sais, voilà. Merci, voilà. Merci Mickaël. Ah, merci Bolo. Bah, écoute, avec plaisir. Vraiment, Bon, allez, on se retrouve demain à partir de 23h. On va se quitter avec quoi du coup alors? Avec ce que tu veux. On peut faire un vieux son. Le Matthew Stone? Ah, parce que même pas en rêve, hein. Je te préviens, non mais je préfère te dire les choses. J'avais pas eu. Je préfère te dire directement que c'est même pas en rêve. Tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu voulais écouter, JB? Non mais j'avais pas vu. Qu'est-ce que tu voulais écouter? Ça m'arrange. Bon, qu'est-ce que tu voulais écouter, Robert? Non, si tu descends un petit peu plus, t'as Sean Kingston. Ah ouais, c'est vieux ça, quoi. Beautiful Girls. Mais tu sais que mon père écoutait ça quand il était jeune. C'est vrai, en termes de vieux son, là on est dans ce qu'on appelle le gold, tu vois. Vous avez pas marre de me clasher. On est au-delà du gold là. Non mais c'est vrai. Oui. Ah mais c'est vrai. Véridique. Ah bah, on va l'écouter. Ah bah. Ah yes. Your way to beauty. J'aime bien ça. Ouais. Il aime bien. Hein. Remets-lui une deuxième fois. Il connaît que ça en fait de la chanson. Il y avait un peu de Matthew Stone. Par-dessus, tu mélanges les deux. Ouais, non mais c'est bon, on va se quitter avec autre chose. Allez, bonne nuit, à demain.